Il s'agit du flow de cast. C'est vraiment parti. Mode avion les gars, mode avion. Il s'agit du flow mode avion. De cast. En vrai quoi. Non. T'es bon, t'arrêtes stress, moi, t'arrêtes. J'ai peur des accidents. T'arrêtes Gaël. T'arrêtes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux arrêter? Oui. Je lance le jingle. Jingle. Il s'agit du flow de cast. T'arrêtes Adrien. Ok. Tu peux arrêter. Ah, juste après le j'arrête. Jingle. Non mais je lance le jingle, vous arrêtez. Je peux aller me prendre un truc à boire d'abord? Bah vas-y, je t'en prie. Mais pendant le jingle. Je lance le jingle. Vas-y, je lance le jingle. Il s'agit du flow de cast. Mais arrête, j'ai dit. Non mais faut vraiment pas parler. Bah en fait c'est fou ce que tu fais. Gaël, ça va? Ok. C'est nouveau, c'est... Vas-y, je lance. Il s'agit du flow de cast. Non, mais bon, non, mais bon, quoi alors? Quoi? Bon, allez, j'arrête. Il s'agit du flow de cast. Je vais vous tirer les cartes. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Oh bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Nous sommes avec Gaël. Ouais, presque. Oh putain, j'ai voulu le piéger, j'ai pas réussi. Dans la vie est une fête. Bonsoir. Bonsoir. Non, je refais bien. Nous sommes bienvenus dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit du nouvel épisode. Ouais, ouais. Le 14e. C'est le 14e, celui-là ? Oui. 14e épisode. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagné par le Tony Truant, le Tony Montana. Tony Micheli. Le Tony Micheli. Pour qui l'homme qui ne s'excuse pas d'être en vie au final. Il s'agit d'Adrien Méniel. Oh là là. Bravo. Merci, quelle intro. Ah, comment ça va, Adrien? Ça va. Oh. Là, tout de suite, ça va. Bah, voilà. En ce moment, j'ai connu des meilleures périodes. Oh bah, c'est, ouais, c'est les grèves. Oh bah, c'est ouais. Les grèves. Hein, c'est les grèves. C'est ça, hein. c'est les cocos. Non, je plaisante. C'est les cocos. Nous sommes également avec Sophie Garrick. Ah oui. Bravo. Sophie, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est la première fois que tu viens chez nous. Ah ouais. Quel plaisir, quel bonheur. Oh, voilà. Ça, quel plaisir. Oh, c'est trop gentil. Je suis scénariste, réalisatrice, comédienne, tout ça. J'ai commencé sur l'internet. Bien sûr. Comme beaucoup d'entre nous. Un couteau suisse. Et maintenant, voilà, c'est ça. Une très belle collection de casquettes que tu possèdes dans ta petite penderie. Oh là là. Nous sommes également avec Julien Josselin. Ah oui. Bonjour. Julien Josselin, ça me fait très plaisir parce que c'est la première fois que tu viens dans un podcast un peu plus normal, parce que t'étais venu dans la spéciale sur les 4 et la spéciale Harry Potter. Ah c'est vrai, ouais. Et c'est donc il y avait jamais Méniel déjà. Toi t'étais c'est dans aucune des deux. Ah, donc c'est la pour première ça fois. Oh non. Oh, ça va. Ça va, il a pas entendu, on lui répète pas. Non, tu écouteras pour une fois les Floodcast. Il a voulu te sniper. Il a voulu te sniper. Du coup, je l'ai pas écouté, c'est ça? Non, t'écouteras comme ça, tu vas écouter un Floodcast. Il a voulu sniper. Je les écoute à chaque fois. Oh, je suis gêné, c'était. Non, rembobine, on fait tout. Nous sommes avec Julien Josselin. Ouais. Je suis content parce que d'habitude, il n'y a pas Adrien Méniel. Et là, je vais passer une super émission. Bah ouais, voilà, ça fait plaisir. Bah oui, parce que le spécial sur E4, je prenais ton rôle, c'est-à-dire que je m'étais fait virer. Oh! Il me désignait moi. Oui, bah oui. Julien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien pas. Sûr, je suis fait partie des gens qui sont restés dans Suricat. Ah, c'est vous! Ah putain! Mais ça continue, hein! Ça cartonne! Ouais, grosse activité en ce moment. Non, écoute, je suis pareil, beaucoup de casquettes aussi en commun avec les gens qui sont autour de cette table, je crois. Et voilà. Et on se connaît bien entre nous. Oh, bah, c'était bizarre oui. De me présenter devant vous. Bah oui, mais bon, mais c'est pour les. Tu sais, oui, c'est bah, oui, la petite routine. Non, mais voilà, YouTube, pareil, I started from the YouTube, now we're here. Now we're here. Et tu sur... Non, mais t'es un Twitch showman aussi maintenant. Je suis même un TikToker à ce qui paraît. C'est vrai? Mais oui, attends, je suis sur TikTok et tout. Je me suis fait ban de TikTok une semaine. Bah pourquoi t'as fait quoi? Ouais, oh là, t'as vu le clash? Ouais, bah ok, je suis un peu provoque, mec. Bah ouais, j'ai l'impression que tu es le déproche de TikTok. Alors, bah attends, bah tu crois pas si bien dire? Je pense qu'on peut plus rien dire parce que c'était un Vine qui était très bien passé sur Vine et sur TikTok il s'est fait censurer. Mais quelle était la blague? Il m'a fait la même chose. C'est vrai? Sur TikTok non, aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu de nudité et apparemment sur TikTok ils sont assez. Voilà. Une nudité oui. Et une blackface que tu arborais. Quoi, oui, voilà. Non, c'était Céline Tran. C'était une photo de Céline Tran en mais vraiment flou pour une vanne que je faisais. Oui. Voilà. Et TikTok, ils ont pas aimé. Je comprenais pas, la vidéo elle était bloquée, elle montait pas trop et tout. Robots, ils sont. Non, c'est des gens qui ont signalé, des enfants qui sont très rigoureux sur TikTok. Donc, ils détestent les du porno. Je pense que les enfants, ils signalent pas du tout. Bah ouais. Je pense que oui. Tu veux dire qu'on remercie les pédophiles qui utilisent TikTok parce qu'ils signalent les contenus. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est exactement ça. C'était un peu ça la base. Nous sommes également avec Gaël McSou. Oh là là. Bonsoir. La vie est une. Quoi? La vie est une quoi? T'as combien? Il fait cette blague. Hein? La dernière fois, t'as fait ça aussi. Bon, il y avait une super ambiance. Ouais, non, mais tu ronchonnes. Je me casse. C'est toi qui ronchonnes. Mais il y a du caca dans le ciel. Bah, c'est drôle. Super. Génial. Moi, j'ai pété dans mon slip. Oh, alors. Ta gueule. Il y a 4 millions de vues cette vidéo. Alors, reste bien tranquille. J'aimerais quand même dire que je suis aujourd'hui en couple grâce à cette chaîne YouTube. Donc, faut quand même, faut quand même rendre à César. C'est pas vrai. Faut rendre à César. Eh, oui. Oh, mais ouais. C'est beau. Bah, oui. Grâce au sketch du pluie de sperme sur Paris. Ouais. Voilà, j'ai trouvé l'amour grâce à pluie de sperme. Peuvent... S'il y a un mariage, je vais être là pendant le discours. Non, il y aura une pluie de sperme. Il y aura une pluie de sperme. Hein, pluie de sperme. Et ils ne peuvent baiser que en mettant un sketch de Bategaël en fond sonore. C'est que ça qui nous tient en vie. C'est horrible. Gaël, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors déjà, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Oh bah, oh. Bah, moi aussi j'étais ravi, j'ai rien dit, mais moi aussi j'étais ravi. Il faut le formuler, c'est important. Donc je suis bien, je suis heureux, j'ai bien mangé. Ah, ouais. T'as bien bu? Oui, enfin... La peau de ton ventre, plutôt comment? Plutôt bien tendu. C'est la preuve qui dit la vérité. Je suis en dry January, donc je ne bois pas d'alcool. Alors bravo. C'est quoi le dry January? Bon, on peut l'applaudir. Alors qu'est-ce que le dry January pour nos amis qui ne connaissent peut-être pas, qui sont peut-être pas bilingues et qui pas le dry Jarry, hein, qui est juste ne pas regarder un seul spectacle de Jarry. C'est très peu atypique. Écoute, j'ai vu une news à ce propos, je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est un truc un peu mondial, c'est les Anglais qui font ça, c'est les Anglais boivent beaucoup d'alcool. Et oui, on le connaît. De bière, bien sûr. Et je me suis dit tiens, c'est marrant le concept, d'essayer de tenir one month, tout le mois de janvier sans boire de l'alcool. Et tu y crois? J'en suis au 12e jour. Bah, c'est pas mal déjà. Attends, ouais, c'est donc t'as mal. Commencé avant ouais, janvier. J'ai commencé le 28 décembre. Joli. Suisse-boule. Voilà, voilà. Et du coup, je tiens à dire que je suis autour de cette table la seule à boire de l'alcool. Oui, en fait, c'est elle terrible. Elle a une petite bouteille de vinou à côté de son micro. C'est Sophie tout, a été vrai. Adorable. Et je suis presque à la moitié. Autant te dire qu'on va bien rigoler. On va avoir des connards, je déteste. Ça, sur TikTok, ça passe pas. Hein. TikTok interdit ça, normalement. On va avoir des dossiers sur Cassel, je peux te dire. Les amis, écoutez, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Moi, c'est d'abord la première chose qui me transperce le cœur. Attends. Ouais. On t'a pas applaudi, toi. Mais oui, c'est vrai. Florent Bernard. Allez, Florent Bernard, pourrais-tu te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être pas? Un petit peu auteur, un petit peu réalisateur. Une petite casquette, finalement. Un peu de casquette, au final. Tu viens d'où? Tu viens de la télé? Je viens... Non, je viens d'où? Ah, tu viens de YouTube? Je viens de la télé. Stagiaire sur Motus, et puis... Et puis après, le parcours classique, hein, derrière les enfants de la télé. Je voulais savoir si vous aviez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Attends, déjà. Oui. Bonne année. Oh, mais bonne année. J'ai mal aux mains. On va applaudir beaucoup. Mais oui, j'adore, on applaudit. En fait, il faut juste, c'est juste un ton et un petit ton. Ouais. Super. Mon père ambiance. M'a jamais dit je t'aime. Oh, ouais. N'applaudissez pas. Pas. C'est le ton qui compte. Oui, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Évidemment. Les enfants, est-ce que évidemment, vous avez été comment? C'est pas évident. Oui, effectivement. C'est pas si évident. Est-ce que vous avez été C'est la période où il y a le plus de suicides. Donc c'est pas évident du tout. Ah non, c'est janvier, c'est pas pendant les fêtes. C'est juste après. Non, c'est pendant les fêtes. Ah, et surtout dans la police. Et surtout dans la police. J'ai envie de vérifier sur internet quand même. J'ai les enseignants, j'ai les enseignants. Oui, je croyais avoir vu un Burger Quiz aussi où ils disaient que c'était janvier. Ils peuvent se tromper dans le Burger Quiz. La fin d'année, bah après ça déborde peut-être. Ceux qui ont hésité un peu, ça déborde sur janvier. Puis il y a ceux qui ont commencé à se suicider et puis qui ont coagonisé. Non, ou ceux qui n'ont pas été heureux le 25 au matin avec leur cadeau. Voilà, des gens déçus. Ils vont sur le bon coin, ils n'auraient pas les voir. C'est le cadeau à sens, le petit cadeau passif-agressif que ta grand-mère t'offre et qui veut dire que t'es juste un gros connard. Ouais, tu digères, tu comprennes et paf, tu te butes. Et t'as aussi. Et je pense qu'ils étaient en dry January. Exactement. Ça a dû un petit peu pousser. Mais je profite de la petite tribune d'ailleurs que vous m'offrez. Parce que déjà, je voulais dire, je voulais parler ça. Oui, petite tribune, j'aimais bien dire, je dis plus assez. À ma grand-mère qui n'écoutera donc jamais ce podcast, mémé, arrête de m'acheter des pâtes de fruits, je n'aime plus ça. Ça ne me plaît plus. Je suis désolé, j'ose plus te le dire. Ça fait bien 6 ans. J'aime plus les pâtes de fruits. Voilà, merci mémé. Oh, alors que moi, mais dans 10 ans, quand elle sera morte, elle va me moquer, c'est pas ouais, je pleurais, je me dis, ouais, vous prenez des pâtes de fruits. Congèle-les pour tous tes Noël futurs. Alors que moi, ma mère m'offre des Smartbox. Et j'en suis très heureux. Moi, je trouve que c'est un super cadeau. Les Smartbox n'ont pas bonne presse. Non, mais les moi, gens je aiment s'en moquer. Les gens aiment s'en moquer. Je trouve que c'est un super cadeau. Mais moi, on m'a dit que quand tu utilisais le gars chez qui t'allais, genre le restaurateur ou était l'hôtelier, non était dégoûté. Ouais, alors, c'est vrai. J'ai jamais osé utiliser mes Smartbox parce que j'avais bien. Moi, j'avais bien. Quelle est cruche. Moi j'aime bien être bien reçu, je veux pas arnaquer les gens. Du coup tu fais oui, bon bah c'est mais on leur a pas mis un couteau sous la gorge, oui, non plus. Et puis tu n'arnaques, tu n'arnaques personne car tu payes un service. C'est le mec qui te fait la gueule quand t'arrives. Et ben il avait qu'à pas dire oui, perd du fric. Merde. Perd du fric. Mais est-ce qu'il y a des trucs cool dans les smart box? Parce que dans ma tête c'est que tu vois, dans un vieux château, prendre un verre, je sais pas quoi, de 2 heures environ. C'est vraiment genre toucher une tenture. Elle est douce. Allez, au revoir. C'est nourrir une chèvre. Vous pouvez nourrir une chèvre. C'est toujours 2 heures. C'est vachement bien. Oui, c'est 2 heures sur place. Non, là c'est cool. Nous on a eu spa et bien-être, donc on a une nuit d'hôtel et un truc où il y aura un petit jacuzzi man et un petit. Mais par contre, dans un coin pas ouf. Ah bah oui, le coin. Oui, on est dans du Languedoc. On est dans du. Le Languedoc, c'est magnifique, mon pauvre ami. On voit bien dans le Languedoc. Avec juste cette phrase, je me rends compte, je vais avoir beaucoup de commentaires de Languedoc qui font bon du don. Bah oui. Déjà, t'en as. Voilà, ils vont pas. Alors que si tu dis que c'est bien, peut-être t'auras une rue à ton nom et tout. Ouais. Languedoc Roussillon, putain. Non, mais le, voilà, mais j'aime beaucoup les smart box et moi je suis heureux d'en recevoir absolument à chaque fois. Ouais, tu veux faire l'influenceur, tu veux qu'on t'envoie des smart box, si tu veux faire des photos Instagram. Si vous êtes smart box, n'hésitez pas. J'adore faire des petits tours de France. Est-ce que c'est une OP déguisée? Absolument oui. pas. Oui. 30% de réduction sur les smart box, donc avec le code Floodcast, bien sûr. Exactement. C'est parti. Sur le code Floodcast, code influenceur. Allez, sortez la carte bleue. Est-ce que tu as eu des beaux cadeaux, Gaël? Oui. Tu as eu quoi? J'ai eu un casque de scooter. Oh. C'est bien ça, dis donc. Parce que je me suis pour se protéger, surtout. Oui. Parce que ça peut arriver d'avoir des accidents. Ça peut arriver. À des gros débilos, mais oui, ça peut arriver que à des débilos. un casque intégral? Non. Tu vas mourir. Oui, je pense. Ou être défiguré. Oui. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Et non, parce que je viens d'acquérir un scooter électrique. Oh là là, tu vas d'autant plus mourir. Un petit geste pour la planète. Bah, bien sûr. Super important. Et un spectacle, un américain à Paris, la comédie musicale. Oh, il paraît qu'elle est géniale. C'est ma chérie qui m'a offert. Oh là là, mais. Parce que ma chérie est géniale. Mais elle est super. Elle est bonasse en plus. Et je crois que. Pardon. Pardon. T'as dit elle est bonasse en plus, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais j'étais pas sûr que ce soit toi, mais c'est. Oser si c'est quelqu'un d'autre. C'est Julien qui. Ah ouais. Tu peux le dire, tout va bien. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ouais. Non, il n'y avait pas le ton, moi je trouve. C'est vrai, mais j'avais envie de l'applaudir. Bah ouais, mais bon, faut. Et voilà le ton. Et est-ce que vous avez eu des bonnes résolutions cette année? Absolument. Ouais, pas. Vous prenez des bonnes résolutions? Toi, t'as pris une bonne résolution, Adrien? J'en ai tenu aucune pour l'instant. Mais ouais, parce qu'on est le 10 janvier, tu le sais. Oui, oui. Non, j'en ai pris, mais pour l'instant, je les applique pas trop, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce moi j'avais dit, je voulais reprendre, reméditer. Parce que je méditais à une époque et ça me faisait du bien et je voulais recommencer. Bon, je l'ai pas fait du tout pour l'instant. Moral, peut-être. Neige rigole. Et non. Non. Et non. Oh, il a craché dans sa canette. Non, je l'ai pas fait. J'ai fait si semblant. Tu l'as fait, j'ai vu. Non, pas moins râler, non. Okay. Non, ça. On va dire, ça, va dire en manifestant qu'il faut moins râler. Il est beau le monde ou pas? Tu trouves? C'est facile de dire oh, tout va bien. Oh, je vais chez Webedia prendre de l'argent. Une minute à perdre de droite. T'as perdu mais du fric à gagner. Ça, je ris beaucoup. J'ai rien à dire. Non, c'était quoi tes bonnes résolutions? Mais si, j'en avais déjà parlé dans le podcast. Je t'en supplie, lève ton micro et parle dedans. Ah. Il est trop haut. C'est trop haut. Bah, plains-toi, voilà. Je me plains. Voilà. L'autre table est plus basse, je pense, et c'est mieux. Non, j'avais dit être moins dans le. C'est pas vraiment l'autodérision, mais l'autodépréciation. L'autoflagellation comique. Voilà. Parce que, voilà, je pense que ça. Ça agit sur l'estime de soi, quoi. Je pense. Et l'estime des autres, je pense. C'est vrai. Tu donnes une image. Tu vois. C'est intéressant que tu dises ça. Je me faisais la réflexion récemment. J'ai vu pas mal de trucs sur Twitter passé qui parlaient de ça justement. Qui disaient que on avait tendance ces derniers temps à rendre la dépression cool. Oui. Il y a ça. Et effectivement, c'est vrai que c'est. Ça, c'est parce qu'il y a la dépression, mais il y a aussi le côté je suis une merde, machin aussi, qui est vachement un humour. Enfin, tous les mêmes, tous les jours, tout le temps. Ça. Mais je pense que si on n'avait pas écouté Nightwish. Quand on était petit aussi, on aurait trouvé ça moins cool la dépression. J'ai pas écouté Nightwish du tout. J'ai juste eu une enfance horrible. Ce qui peut remplacer facilement. Ça, c'est... Ouais, ouais. Et non, je sais plus. Non, j'ai oublié mes autres résolutions. Mais c'est déjà. Ça commencerait mal du coup. C'est déjà bien, déjà, celle-là. Sophie, non, donc toi t'as dit pas de bonne résolution. Non, parce que je puis m'auto. Alors ma résolution cette année, c'est de pas en prendre. D'habitude j'en prenais. Ça chaque c'est trop année. Facile. Non, mais je veux pas m'auto décevoir. Donc moi je suis dans le contentement. J'essaie de m'accepter tel que je suis. C'est pas mal, une bonne résolution. C'est une résolution, et, hein, ça. De tu pas t'es être fait trop ambitieuse vis-à-vis de moi-même non plus, parce qu'avant je me flagellais beaucoup et là j'ai dit non, stop. Tu n'as pas stop. De résolution. Laisse-toi vivre. On verra ce que ça donne. Mais moi je trouve que c'est déjà une résolution assez jolie. Bon bah voilà. Mais toi tu es très, enfin comment dire. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais c'est un compliment que je vais faire, donc. Mais vu que je suis très mauvais en faire. Non, je vais l'insulter plutôt. Je vais l'insulter. C'est juste que j'ai dit deux mots et on m'a interrompu. C'est peut-être pour ça aussi. Non, c'est le podcast. Non, mais tu fais beaucoup de choses. T'es entreprenante, quoi. Tu fais des choses oui. et tout, quoi. Ouais, donc, du coup, tu peux déjà être fier de ça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment matière à se autoflageller parce que tu es déjà non, naturellement. Si, si je pouvais m'autoflageller. Mais si, si, il y a plein non, mais de choses. Oui, mais il n'y a pas que le bambin. Si elle fait plein de trucs, mais elle fait plein de trucs mal. C'est ça aussi. Voilà, c'est pour ça où elle peut quand même. Non, je peux glander comme tout le monde en regardant mon plafond, en attendant la meilleure idée. Oui, oui, mais. Mais non, je pourrais faire du sport plus. Je pourrais. Ah, d'accord. Moins, moi, c'est vrai que je regardais. Manger mieux. Enfin, tu vois. Moi, je regardais professionnellement. Je cuisine très bien, bio, hyper équilibré pour mon gamin. Il a que du truc maison et tout. Mais moi, je suis en Deliveroo une heure après avec mon mec. Ouais. Bien crade, bien dégueulasse. Alors que mon gamin de la ratatouille, tu vois. Putain, maison. Très stylé. Bio. Bio, bah évidemment. Attends, c'est mon gosse, quoi. Julien Josselinade. Moi j'avais prévu d'être un peu plus thug et c'est bon, je me suis fait virer de TikTok donc je crois que. C'est fait. Hop, on passe à l'année prochaine. Ce qu'on appelle un blues. Mais est-ce que ça t'a fait mal au cœur? Au premier jour. Non, je me suis senti vraiment. C'est horrible, je me suis senti content. C'était ridicule. Ridicule. Je me suis dit, ok, mon pote. Ouais. J'ai mis des gougouttes dans mon TikTok. Mais c'était alors... temporaire, t'es revenu, non? Non, j'attends lundi prochain, mon pote. Je suis encore là. Ah, j'ai encore le bracelet au cœur. Non, mais là, quand vous écouterez ce podcast, il sera de retour sur TikTok. N'hésitez pas à aller sur son compte et dire. Ouais. Mais putain, mais t'es Coluche, mon pote. T'es Coluche. Non, si vous avez du mal à vous montrer à côté de moi ou quoi, je peux comprendre. Ouais, si vous préférez pas. On aurait bien aimé que tu nous le dises comme avant qu'on t'envoie. Ouais. On l'aurait peut-être pas. Voilà. Ah, j'hésite à quitter sur. Non, bon, non, c'est pas ouais, fait. Ouais, c'est pour toi. Quand tu te fais test d'un gros truc comme ça, t'as quoi? T'as un mail en anglais ou t'as un mec? Non, tu fais une annonce sur Facebook. Ah, pardon, c'est pour Julien, pardon. Tu reçois une petite notification disant que c'est pas sympa de pas avoir respecté les conditions et qu'il faut attendre lundi prochain. Mais c'est sympa déjà une semaine. En vrai, ils pourraient te ban def. Non, oui, bah, non. Twitch, ils sont très vénères là-dessus. Ouais. Twitch, tu peux vraiment vite te faire oui, ban. En une demi-seconde, nous on a très peur des fois parce que on en fait pas mal et tout. Et des fois, t'as une image qui pop et tout. Nous, on avait un extrait de film qu'on n'avait pas bien vérifié. Il y avait une espèce de poupée gonflable avec des poils très réalistes et tout. Et tu fais voilà, puis c'est déjà passé en fait. Donc, il y a des gens qui mettent un petit délai dans le stream, ce qui fait que tu peux couper. Mais ça, c'est les professionnels qui ont une régie, tout ça et tout. Mais oui, sur Twitch, il y a plein d'histoires ça assez horribles de gens vite, qui se font ban toute leur chaîne. Ouais. C'est assez. C'est Gaël, toi, petite bonsoir. À part le dry January, donc qui est vraiment déjà. C'est une bonne résolution. La bonne résolution de l'année. C'est une mini résolution, mais sinon, non, croquer la vie. Prends ce qu'il y a, jour après jour, profiter. Tu vois. Tu l'as croqué déjà, moi je trouve pas mal. Et pas que la vie d'ailleurs. Des fruits. Pas nu dans ma maison de campagne. Son bon cul, tu as croqué son bon cul. J'ai croqué son petit cul. C'est vrai. Son petit cul de chaudasse. Il m'a donné un bain. C'est vrai pour le coup. C'est vrai, c'est filmé, c'est un... Pour le coup, c'est vrai. On a fait une story. Oui. J'étais allé rendre visite à Gaël dans sa maison de campagne. On a fait une story et il m'a donné un bain. Mais parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Non, c'était même t'es besoin qu'on te donne un bain. Non, mais c'était une mise en scène. C'était une story à rallonge. D'accord. On s'est dit tiens, on part sur un délire. On a raconté une histoire. Toi qui connais bien Castleman, c'est un peu l'équivalent de Chetan en vidéo Instagram. C'est assez fascinant. C'est en story épinglée. Ce qui est fou que ce soit pas censuré, ça non plus d'ailleurs. On voit pas ma tub ni rien. Non, hein. Non, mais t'es nu quand même. Non, je suis en caleçon seulement. Caleçon. Pas dans le bain, j'étais à poil. Dans mon souvenir, t'étais cadré pour comprendre. T'avais le caleçon un peu dans l'arrêt des fesses, non? C'est possible. Ouais, mais un cul, t'as le droit. C'est les tétons de femme. Ah oui, c'est le seul truc. Uniquement les tétons de femme. Écoutez, très bien. Les amis, j'ai, comme d'habitude, un petit jeu pour commencer. Oui. Le jeu du ruquier, hein, Julien, exactement. J'adore ça. Puisque, en gros, nous allons ensemble... En fait, j'avais prévu de vous dire les bonnes résolutions, le podium des bonnes résolutions des Français, mais en fait, c'est assez décevant. Oh, si, vas-y, balance, je veux savoir. Si, c'est faire une activité physique pour 42% des Français. Balance pas, finalement. Faire un régime, 32%. Dormir plus. Ça, c'est intéressant. Dormir plus 30%. J'adore dormir. Putain, moi en ce moment j'ai des insomnies. Moi c'est mon hobby préféré, je crois. Vous avez reçu l'appli, la notification là, de l'appli santé de l'iPhone? J'ai halluciné, moi j'ai reçu un bilan santé. C'est peut-être que ça va pas très bien. Non, mais j'ai halluciné. J'ai reçu un bilan santé. Et ils m'ont dit cette année vous avez dormi en moyenne 5h22. J'ai fait non. Par nuit 5h22. Non, mais ils dorment beaucoup la nuit. Donc du coup ils considèrent que je dors pas, mais en fait je dors en journée. Du coup je fais des siestes d'une heure. Ah ouais, mais suis pas tout aussi l'iPhone. Super. Et là, c'est censé être technologique, c'est un bon gros début mon téléphone. Mais c'était bien flippant, j'ai pas trop aimé ça. Mais toi, t'as un enfant aussi, ce qui peut parfois. Enfin, non, l'enfant il dort très bien. Moi, j'ai besoin de peu de sommeil et j'écris beaucoup la nuit. Donc, d'accord. Je suis en phase d'écriture en saumon, forcément, ça réduit. Tu vois que tu fais plein de trucs. T'es super. arrête de lutter. Je pense pas que ce soit le faire qui fasse qu'on soit super. Le pas faire, c'est bien aussi. C'est déjà pas mal. Ouais. Je fais plus jamais de compliments de ma vie. Ça, que ce soit noté. C'est très rare. C'est très rare. T'aurais dû le prendre. T'aurais dû le garder. Mais non, c'est pas rare. C'était pour le rassurer. Tu l'as pris à moitié. Ce qui s'est passé devant toi, c'était une étoile filante. Et vraiment, t'as craché dessus. Ah non, ça a craché dessus. Une éclipse solaire. C'est faux. J'attrape son étoile. Il est vraiment vexé. Oui, il est vraiment vexé. J'ai bien aimé. À chaque émission, il conseille des trucs et qui dit qu'il est chambé, qu'ils sont chambés. Mais c'est trop tard en fait là. Tu t'es rattrapé. Il y avait boire moins d'alcool. En ta coupe de cheveux, c'est de la merde, Florent. Ouais, mais voilà. Ça pour le coup, ouais, je sais. Voilà. J'ai été à un stade où dans la rue, des coiffeurs me disent bon, venez, non. Moi, vous faites un moins 50. Non, n'hésitez pas. Non, en plus, c'est... moi je trouve que ça te fait un style. T'es gentil. Tu vois, non, moi, il a des cheveux. Un cosmo de bon, quoi, c'est pour moi. Non, mais c'est incroyable. Bon, allez. Je vais me chercher une bière parce que je vais pas. Bon, il quitte cet établissement. Non, mais ça m'a surpris quand je suis rentré dans l'appart. Ma crinière. Ouais. Ouais, c'est un peu. Ouais, écoute, c'est on un laisse. Peu jeune lion foufou. Ah, c'est magnifique. Mon but est d'atteindre ce que j'avais au Web Comedy Awards, où j'ai la tête de Krusty le clown et d'Emmanuel Macron mélangés. Parce que j'ai les cheveux vraiment comme ça, de partout. Ils sont gominés un peu, non? Ils sont pas gominés un peu? Non, en fait, ils sont dans une casquette, ce qui fait qu'ils sortent de partout de façon dégueulasse. Je vous montrerai une photo. J'ai vu que t'avais fait un Twitch sur c'était trop les bien. Web Comedy Awards. Très rigolo à regarder. Pas mal. Très très rigolo à regarder. Quel a peur de tous les bruits de cet appartement. Ah ouais, non, ça fait 2-3. Oui. Parce que Méniel. Non, mais parce que la porte du frigo. Méniel a un sabre, un katana. Il est un peu agacé. Tiens, j'ai un décapsuleur ici, mon bon Adrien. Donc il y a. Il y a un katana. Il y a arrêté de capsule, je comprends pas. Arrêter de fumer à 12% et voilà. À 12%, mais il y a combien de gens qui fument, c'est incroyable. Ah, beaucoup. apparemment. Hop. OK. C'est marrant, tu bois pas d'alcool mais comme à ton porte-clé, il y a j'ai un décapsuleur. Ouais, mais c'est au cas où, moi j'aime bien quand pour les petits panachés. Le coca en bouteille, ça te dit quelque chose. Non, le concentré de tomate aussi en bouteille. Oui, non mais c'est juste j'aime bien dépanner. Moi tu sais, moi je suis un mec comme ça. Donc oui, c'est surtout pour avoir un petit gadget geek parce que c'est un décapsuleur Jay Silent Bob. Jay Silent Bob, je suis un pur geeko. Allez. Et s'il y avait des cigarettes? Ouais, s'il y avait des cigarettes Kevin Smith mon pote. Tu rigoles, mais j'ai failli fumer des joints Kevin Smith parce qu'aux États-Unis c'est légal. À Los Angeles et il a lancé sa marque de weed. La passion qui va trop loin. On a des seringues, bah je prends. Bah j'aime trop, je suis geek. Ah mais c'est des Frank Friends, bah je prends de ouf, regarde. Monica. Mais c'est pas Seth Rogen aussi qui a une marque de weed Si, mais lui elle est classe pour le coup. Ouais. Kevin Smith c'est vraiment, il a mis sa gueule sur des joints, fait bah voilà, c'est beau. Mais lui vraiment il l'a fait, ouais, il l'a fait cultiver au Canada et tout. Ouais, lui c'est vraiment son truc à lui avec son pote. Beaucoup de comédiens qui s'y mettaient. Mac Tyson aussi qui a un ranch, il fait pousser de la beuh. Bah, écoute, mais qui n'a pas de la beuh? Moi, t'as pas de beuh toi? Tu fais pas pousser de beuh? Si, du CBD. Ah voilà. Mais d'ailleurs, si vous êtes, je vais lancer ma marque. Si vous êtes auditeur, n'hésitez pas à fumer un maximum de weed. donc le jeu profitez tant que c'est illégal, parce qu'après ce sera plus rigolo. après, bon, boring. C'est ça exactement. Un homme s'est fait arrêter parce qu'il s'était habillé en vieille dame. À votre avis, pour quelle raison s'est-il habillé ainsi? Ce n'est pas pour faire un programme court sur Canal+. Il est fan de Madame Doubtfire? Non. Sinon ce sera un peu décevant comme bah ouais, bah bon. Avoir la priorité la sécu, je sais pas. Non, non, mais c'est on est dans un truc de documents. De documents. Document. Ouais. Ah ouais, donc les impôts, c'est la poste, photo d'identité. Pour être payé moins cher. Non, tu devais absolument être payé moins que les autres. Toucher la retraite de sa mère. Pas du tout. Ah, toucher la retraite de son père. Non, mais ça mais ça baiser un vieux. À... Oh ah attends, je crois que j'ai pas je crois que j'ai vu ouais, il y a pas il s'est pas fait passer pour sa mère pour continuer de toucher un truc. Non mais tu t'approches, il se fait passer. Ah, c'est ce que tu viens de dire. Il se fait passer pour sa mère pour quelque chose. Pour doigter un chat. Je sais pas. À ce moment-là, mais il non, mais pour la pension de son sa père. Sa mère le faisait. Non, non. Et le chat le connaissait vraiment bien la mère, c'est pour ça, parce que sinon le subterfuge, vraiment, je comprends rien. C'est un chat qui refuse de se faire doigter par autre chose que des vieilles. Et il est. Donc, là, c'est bon, allez, merci Gaël, on a le titre du podcast maintenant, c'est super, grâce à toi. Doigter un chat. Il est. Une vieille qui doit un chat. C'est allé très vite. Et donc, ça, c'est en top sur Spotify. Hein. Ça, c'est dingue. Hein. Donc, il s'est fait passer pour sa mère. Et bah, un truc de document, tu dis ? Pour avoir un document, il s'est fait passer pour il sa mère. Il avait besoin de la pièce d'identité de sa mère. Mmh. Pour passeport. Oh, ça serait trop mignon qu'elle pouvait plus se déplacer. J'aurais adoré qu'il se déguise en elle. C'est un truc qui se veut un peu mignon. Pas aussi mignon que doigter un chat. Est-ce que c'est un truc qui est quand même en rapport avec lui-même ? Pas du tout, c'est plus en rapport avec elle. Ah. Oui, elle n'est pas décédée, visiblement, ce n'est pas pour prendre sa place. Non, alors, elle avait besoin d'une carte de piscine, de bibliothèque, de quelque chose. D'une grève, une grève d'organes. T'es pas loin, une grève d'organes. La Bible. Il allait lui chercher un livre à la Bible. Non. Il faisait ses courses. De quoi a besoin de Il allait au médecin à sa place. Oh, attends, elle pouvait pas s'offrir le cinéma, donc il a fait faire la carte avec son visage. Non, bah non c'était trop compliqué. Non, c'est pas pour avoir une réduction. Il sort pas plus. C'est pas pour avoir une réduction quelconque. Non. Mais c'est pour avoir quelque un chose. Un papier administratif ? Oui. Qui permet de faire des choses. Alors, un passeport ? Non. Se garer il a sur les places des vieux. Non, mais. Se garer. Handicapé. Non, bah, les places handicapées. Se garer. La voiture assistée. Mais non, mais juste avoir le permis de conduire. Oh, tout simplement. Se garer. Ah, bah, alors attends. Mais il est fou. Du oui, coup, alors, par contre, c'est conduit, mignon en fait, de la part du mec, mais c'est dégueulasse. Enfin, ça, pour les gens. Du coup, elle tue des gens. Ouais. Alors voilà, bon, c'est le petit bémol. C'est mignon. Pas mignon du tout. Et c'est. Et alors l'ironie c'est que la semaine dernière elle a écrasé deux personnes. Alors là c'est formidable. Elle est en tôle. Et lui il est nickel, il a rien. Je vous raconte, c'est Hector Chiave, un brésilien de 43 ans. Alors, Chiave la on peut nous expliquer ce que tu Gaël, tu l'as réveillé là. La prononciation est peut-être pas très brésilienne. Hector Chiave, mais c'est super raconte. C'est pas possible. Oh c'est pas vrai. Attention, c'était pas Gaël, attention, pas confondre. Donc c'est Hervé Chias, un brésilien de 43 ans, a sans doute voulu faire plaisir à sa petite maman en lui offrant le permis pour Noël. En effet, l'histoire a fait grand bruit au Brésil. Ah, pour que elle ait le permis. En mêlant émotion et amour maternel à une sombre affaire de fraude sur fond de pauvreté, on dirait presque le scénario d'un film. Bon, ça, calme-toi, sudinfo.be. Le stratagème a fini marché. Au tout début, je n'y ai vu que du feu, dit l'examinatrice. Il était mon sixième candidat du jour et je n'étais pas très attentive, raconte-t-elle. Ce sont la voix et les mains viriles d'Hector qui le trahiront. Son timbre étrangement aigu m'a interpellé. Ça, j'aime bien ce que ça veut dire qu'il avait en fait. Salut. Je suis vieille, je suis ma maman. et ses grandes mains ne collaient pas avec le reste. Ça devait être un homme, même s'il s'efforçait de se faire discret et que son maquillage était plutôt bien réussi. Et t'as malheureusement, une photo, j'ai une photo, mais vu que c'est pas très audible, non, pour les gens, pour voilà, gens, bah, il tape, décrire. Il tape. Non, mais c'est pas. Donc pas on si... le voit en femme. On le voit un peu en femme, et mais malheureusement, ça n'a pas marché. Puisqu'en fait, à un moment où il a montré la carte d'identité de la vieille, elle a dit mais ça ne ressemble pas du tout à cette photo. Ouais, il y a l'âge aussi qui est difficile quand même. Aussi. C'est bon, presque c'est plus dur que le côté féminin, non ? Oui, de jouer une vieille. De... Bah ouais, le côté de se faire passer pour une femme, ça peut mais quand même se faire, mais âgée. Comme dans The Irishman, c'est la même. Aïe, aïe, aïe, je ne l'ai pas vu, attention. Ah oui. Non, mais il y a des vieux. Oui, il y a des vieux. Il y a des vieux qui font des jeunes. Exact. Mais il a un lien avec le mec qui s'est déguisé en sa fille pour sortir de prison ou pas du tout ? Non, parce que je te rappelle que lui, il est bien mort. Mais il marche comme des vieux. Exactement. Donc c'est très compliqué. Vous parlez d'Irishman ? Ouais. J'aime tout le monde. Tout ça n'a pas marché pour moi. C'est Jean-Luc Irishman, hein, le présentateur. Okay. Évidemment. Ça va très loin. Je réclame automatiquement un Photoshop. Ah, voilà. Voilà, je le réclame aux Jean-Luc auditeurs. Irishman. Okay. Je me fais plus chier à attendre que les gens le fassent. Je le demande maintenant. Voilà. On exploite les auditeurs. Super. Ok. Ouais. Non, mais ça vous fait de la visibilité. Je vous retweet un peut-être. Je vais avoir des collègues de tôle, moi, je sens. Un homme, je l'ai fait. Quels sont les objets, selon vous, on parlait de Friends tout à l'heure, c'est dans un très bon épisode de Friends. Quels sont les objets les plus volés dans les hôtels de luxe, selon vous ? Les ampoules. Chandler, Ross, c'est ce qu'ils volent. Ouais, ils volent de tout pour le coup. Ils volent volés, des piles. Pommes, des pommes de pin. C'est surprenant parce que les peignoirs, non ? Non, c'est les petits gels les douches. C'est les petits gels douches. Tout ce que vous dites est assez vrai. Non, mais gels douches. Ah, tout est vrai. Ah, bah, y a pas de bonne réponse du coup. Non, super. Je vais vous dire. C'est super ce jeu. Une voiture ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai un classement, bande d'enfuros. Et j'allais vous dire, à votre avis, le numéro 1, c'est quoi ? Car vous ne l'avez pas dit. Avec prenez de haut comme de véritables passionnés. Les clenches de porte. Les petits chaussons. Excusez-moi, vous êtes Pierre Palma. Savon. Le tapis de bain. Non. Savon. Plus pratique. Savon. Les mouchoirs. Plus. Les mouchoirs en papier. Plus dans le cul. La clé de la chambre. Papier cul. Voilà, du papier toilette. C'est du papier toilette. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils volent le papier plus dans le cul. J'ai eu des images, pardon, d'une violence. Non, c'est génial. Non, les Français. Mais sachez, alors, ce que l'étude nous raconte, ce que nous raconte l'étude, c'est que les Français, on est plutôt les plus spectaculaires en termes de vol. Ils volent la caisse. Non, mais en vrai. Ils partent en hélico. Vous me reverrez jamais. Ah ouais. Les poches pleines de PQ. Non, mais c'est plus des télévisions et des télécommandes. Ah ouais, d'accord. Télécommande, bah, elles sont pas universelles. Ah si, c'est t'as le même modèle et que t'as perdu la tienne. Pas très spectaculaire. Pas mal. Pas très spectaculaire. Oui, c'est ça. Télé, ouais, la télécommande. La télé, c'est cool quand même. Les Suisses, par exemple, les Suisses, par exemple, volent le sèche-cheveux. Dites-vous. Ah, mais ça, c'est très Suisse. On les connaît, les Suisses. Bah, il fait frais, donc les cheveux mouillés quand il fait frais, c'est. Ils ont les cheveux très pauvres. Ça, c'est un peu rétrograde, je trouve quand même. Je pense qu'on est au-delà de ça maintenant, Flaubert. Surtout qu'on n'a jamais invité un Suisse dans cette émission, donc on se permet quand même de dire. Une, mais elle n'est pas venue, donc. Les Allemands et les Britanniques aussi ont volé pas mal de trucs, parce que eux, c'est plutôt les serviettes et les peignoirs. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Ah. Et les Australiens se sont tournés vers les plaisirs puisque ses clients aiment les extincteurs. J'allais le dire, mec. Ah, j'allais le dire. Putain. Je te jure. Ah, vous êtes dans l'actu. J'espère que vous écoutez pas ce podcast trop tard. Hein. Et il a plu aujourd'hui, je crois, en Australie. Ah, bah c'est oui, bon, du coup. Ouais, j'imagine. Mais c'est là où je leur dis, les pompiers, vous êtes cons, attendez qu'il pleuve. Bah ouais, je dis, non, mais le mec, il a plu une minute. Oui, donc, c'est ça. Non, et surtout, ça moment, repart à 50 degrés au soleil. Ouais. À un moment, il y avait écrit, il y a plu. Et vraiment, le soir même, c'était genre, c'est vraiment des images de 2004. Ah ouais. Ouais. Ah mince. On voyait des Twingo derrière, enfin, ça marchait pas. Non, eux, pour le coup, ils volent des machines à café, directement. Et les Américains. Pour tenir debout, pour pouvoir continuer d'être. Et les Américains, c'est des oreillers. Voilà, tout pour ne pas écouter l'Australie qui brûle. Bah, exactement. Ouais, putain, mais... okay. Excusez-moi, vous êtes Guillaume Meurice en fait. Oui, oui, oui, c'est moi. À votre avis, quelle vilaine habitude touche un tiers des Français pendant les repas? Voler les dans les hôtels pendant les repas. Non, pendant les repas. Mais quel repas? Ce n'est pas doigter un chat. Ah, mais attends, il y a une fin merde à ta phrase. Non, c'est pendant les repas. C'est une vilaine habitude qu'un tiers des Français chier possède. Ce n'est pas chier, ce n'est pas dégueuler. Parler en mangeant. Non, ce n'est pas parler en mangeant. Coller ses crottes de nez sous la table. Pensez à vos fêtes de Noël. Vous avez fait des repas de Noël avec votre famille, peut-être, Gaël? Non, parler en mangeant. Dire des blagues racistes. Non. Saucer tout un tiers, c'est vraiment beaucoup. Être mort. Oui, la France est raciste, réveille-toi. Je parle. Manger, mettre du fromage partout, même sur le foie gras. Ce serait très précis. Putain, je me suis fait embrouiller moi. Attends, parce que j'étale le foie gras. Oui, ah oui, mais alors ça, bah, ça. Il faut ah pas oui, faire ouais ça. Et bah, je me suis fait embrouiller. Bah, mais par qui? Par des gens, oui, par la famille. Les puristes doivent tous mourir. Mais, alors moi, dans tous les domaines, les puristes doivent crever. Non, ça faut pas faire ça. Mais si, faut faire. On fait ce qu'on veut. Et j'adore les pâtés de canard. On s'en bat les couilles. Ça reste du. De toute façon, déjà, faut pas manger. Faut pas manger de foie gras, déjà, de base. D'un animal qui a beaucoup souffert. Pourquoi? Bah, je le dis, j'ai pas peur. Le fourrage des oies existe depuis plus de 5000 ans et elle s'auto-bourre toute seule. Ouais. Franchement. Ah, si, si. Attends. Non, elle s'auto-bourre pas comme nous on le fait aujourd'hui, ça d'accord. Elle mange, ça s'appelle manger en fait. Non, non. Elle t'a du popcorn parce que je ça m'attache. Parce que s'auto-bourre, c'est ce que. Et ce, genre, la foie éclate. Moi j'ai déjà croisé une oie qui m'a dit. Ce que je dis, c'est que c'est très mal fait plaît, aujourd'hui et que c'est honteux comme c'est fait aujourd'hui, je suis d'accord totalement. Mais que si on voulait respecter ça totalement, l'animal, etc., effectivement, tu les laisses bouffer, tu leur mets à dispo de la bouffe, elle. Défonce l'auge. Du coup, donne leur juste ce qu'il faut à manger. Du oui, coup. Mais il y en a quelques-uns qui font ça. Ils oui sont très peu nombreux. Ils ont un label. Exactement, le problème, j'ai entendu parler. C'est que t'as assez peu mois de contrôle là-dessus. Ça fait 6 mois, mais sauf que t'as assez peu de contrôle là-dessus. Donc t'as des mecs qu'est-ce qui ont ce label-là. Elles se font gaver les oies, elles terminées. Quoi. Elles sont des boulimiques. Elles s'autogavent, elles adorent bouffer. Donc t'as des labels comme ça, sauf que, bah, je sais pas. Non, mais comme ça, comment? C'est-à-dire, je comprends pas. Elles bouffent, elles bouffent, elles bouffent. De manière naturelle. Elles sont pas gavées. Oui, mais c'est parce qu'ils leur donnent trop à bouffer. Non. Ils le mettent à disposition et elles se gavent. Donne leur moins de bouffe. De manger un moment, elle ne s'en oui pas. Mais justement, en fait, sachant ça, tu leur donnes ce qu'il faut à manger. Ne vous embrouillez pas, puisque la première question porte sur Israël. Non, juste... elle bouffe pas non-stop si tu leur donnes moins de nourriture. Moi, j'avais une anecdote sur les bougies dans les hôtels, si vous vouliez, si vous voulez qu'on étende la question. Ah ouais, oui. Mon ex a ouvert juste une bougie dans un hôtel de luxe où on s'était fait plaisir, tu vois, genre vacances, ouais, vas-y, on s'en fout et tout. 8000 balles. Et vraiment, elle l'a... Bah ouais, non, mais elle l'a ouvert et vraiment, je fais ah. Bon, c'est marrant vu comment elle est emballée, je pense que c'était genre un truc qui est compté, tu vois, dans la liste des trucs quoi. Et vous êtes vraiment très attentifs à cette anecdote. Ah oui, oui, oui, oui, oui. En plus, vous avez tous deviné la chute. Non, mais c'était un truc, je sais plus, mais c'était genre 60-70 balles. Oh là, vraiment là, un truc genre excessif. Une bougie. Et vraiment, j'ai regardé le prix du minibar. Enfin, il y avait tout moins cher que ça. Quoi. C'était vraiment le truc le plus cher, c'était la bougie. Et donc, vraiment, à partir du moment où elle était ouverte, on fait bah super, on a acheté une bonne bougie. Super. Elle avait un truc spécial. C'était vraiment une grosse bougie quoi. Oh chérie, on va manger. Bah non, on va renifler cette bougie. On l'a payé 70 balles. Avec le cérumen de Johnny. Non, mais qui s'appelle Allumer le feu. Oh ouais. Mais je préfère qu'on reparle des oies parce que pardon, mais on a... mais vous avez pas répondu à la question. Quelle vilaine habitude bah oui. les gens ont bah à manger table. Du foie gras. Alors bah non, trop, s'embrouiller sur des sujets sociaux. Non, non, pas du tout. Oui, une discussion. Non, pas des discussions. Non, non, c'est plutôt. Non. Est-ce que c'est genre ils physique trop non, c'est pas. Je sais pas. Non, ça, il y a plus d'un tiers, je pense. C'est l'attitude. Non, ça touche un tiers des Français. C'est un truc qu'ils font à table. Non, c'est pas physique. C'est pas genre roter ou non, un truc comme ça. Non, non, non, c'est une activité. C'est plus. Pas péter dans le taboulé. Non. Une activité non. D'ailleurs, c'est une chanson parler que tu vas interpréter tout de suite. Tout à fait. Tout doux. Dans le taboulé. Chacané. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment typique? Ça peut être le nouveau générique ou pas? Dans le taboulé. Non mais c'est trop dur ta question. Est-ce mais que tu dirais que c'est typiquement français genre. Non non je pense que c'est international. Non non c'est pas un indien oui. Enfin je sais pas si un indien mais c'est pas un truc franco-français. S'il est dans la ville il peut le faire. Ouais bah allez. Est-ce que c'est quelque chose de vocal hein. C'est rapport à la parole. Pas vraiment. Ouais il faut que tu nous donnes un petit peu les indices. Donc c'est sonore. Non, c'est pas aide. Sonore, c'est pas sonore. Non, c'est mais c'est sonore. Un truc. Un rapport avec la... c'est bah, ouf, statif, manger statif. La bouche ouverte. Pas manger la bouche ouverte. Non, mais c'est manger pas un truc. Bouche. C'est un truc social. Mais c'est un truc justement qui fait que t'es un peu coupé des autres. Ouais, tu cherches ton téléphone. Eh oh, oui oh, non, ah, lundi c'était trop gros. Lundi c'était peut-être un peu trop gros. Mais oui, c'est un tiers. Un tiers des Français utilisent leur mobile en mangeant. Oui, mais combien de la au monde les gens? C'est 30% aussi comme alors, en France ou c'est plus ou moins? Sache qu'évidemment cette émission n'est pas préparée à ce point hein, et que j'ai vraiment juste quelques chiffres qui sont même pas vérifiés. Non, c'est juste les Français âgés d'une trentaine consultent leur smartphone lors d'un dîner amoureux, 31%. Ah, lors amoureux. D'un repas de famille, 49%. Oh. Bien sûr. Au restaurant, 50%. C'est même pas tant, je trouve, 50%. Mais c'est surtout pas bizarre. Ouais, c'est ça. Ou lors d'un repas entre amis, 58%. Ça, c'est vraiment beaucoup. Ouais, mais après, des fois, entre amis, tu fais ah, mais attends, t'as pas vu cette vidéo? Puis tu sors ton téléphone. Et après, bam, il y a un mec qui fait des stats qui est là, qui fait bah, tiens, toi, je te note. Situation... Alors qu'en vrai, c'est social. La situation est encore pire chez les 18-34. Ils sont 50% à admettre qu'ils utilisent leur smartphone. Bah, ça, mes neveux, mais alors c'est là. Pareil. Mais c'est vrai que les, alors pour le coup, ok boomer, hein, mais voilà, les gnolls, ils voient qu'à travers le prisme du téléphone. Ah bah mais en vrai, moi juste je me faisais chier quand j'étais à cet âge-là. J'avais pas de téléphone et juste je m'emmerdais à table. Ouais. Maintenant, t'aurais aimé avoir plus, un quoi. Téléphone. Bah non, mais moi je trouve ça mieux qu'à la limite, ils se disent. Parce que c'est. Ouais, quand il y a majoritairement des adultes qui parlent de trucs d'adultes, les enfants ils font chier quoi. Je suis d'accord avec toi. Il y a un moment. Je pense que tout le long c'est un peu relou. Tu veux dire qu'un peu comme Steven Spielberg dans Ready Player One, c'est-à-dire qu'il faut le lundi et le jeudi. Non mais il y a un truc où moi effectivement je trouve qu'au début, mais c'est aussi à la famille de faire participer les c'est enfants. Ça, au truc, est-ce que les adultes font l'effort d'inclure les jeunes? Parce que si ça parle effectivement des grévistes parce qu'ils nous ont quand même supprimé un train sur deux, donc pour venir au Creusot c'était quand même une galère. Effectivement là les enfants ils s'en battent les couilles. Bah, s'ils prenaient sur leur téléphone aussi les parents et qu'ils allaient sur Messenger avec leurs enfants, ils pourraient discuter avec eux. Non mais c'est vrai, mais le truc c'est que passer une certaine, c'est vrai que c'est Messenger. Insupportable. Messenger, oui, le vieux. Il m'a regardé. Bah non, t'es un vieux. Non, mais c'est vrai que. On va y aller sur les chats de Caramel et Jaouel. On va y un petit cochon qui danse et puis voilà. Non mais c'est vrai que passer une certaine heure, c'est tes parents sont bourrés et moi j'aurais préféré effectivement regarder mon téléphone puis, plutôt d'assister à ça. On est quand même capable d'être sur son téléphone et d'écouter la conversation quand même. Pas tout le monde. Non mais ça dépend de ton activité. Il y a des fois t'es vraiment absorbé par ton téléphone, mais il y a des fois tu chill et t'écoutes carrément ce qui se passe à côté quoi. Ça dépend. C'est des gens c'est vrai. Qui ne savent pas le faire. Chill le louche. C'est vrai. Netflix et Chill le louche. Oh, ok. J'aimerais voir ce personnage pour de vrai. En vrai. C'est vrai qu'il fait ouais, le grand bain, on a le temps d'y aller, les gars. on est tranquille, ça va. Ouais, mollo. 87% des Français, en revanche, ont conscience de leur addiction au smartphone. Smartphone. Ce n'est pas un smartphone, ouais. C'est... Mais d'ailleurs, je pense que dans les résolutions de l'année, la plupart des gens ont dû dire je touche moins mon téléphone. Mais c'est vrai qu'il y a ce nouveau truc, enfin, c'est un vieux truc maintenant, mais de temps d'écran qui est l'année dernière, un peu j'ai flippant. Activé moi, j'ai activé les limitations et tout. C'est et puis bien. Après, en fait, ça te met attention, vous dépassez, tu mets d'accord. Et tu dis voilà, c'est tout. Merci. Attention, vous dépassez, fait, ah, il est. Non, si par contre, c'est badant parce que tu vois à quel point tu dépasses. Ah ouais, à quel point c'est vraiment flippant. Mais j'ai enlevé ce truc là du coup. Ça va, je baisse un petit peu. J'avais limité que les réseaux sociaux et tout, mais c'est. Ça va très vite. Mon casque. Tu veux monter ou descendre? Ça baisser un peu. Je baisse un peu. Pas mal. Tu as des bêtises, il va couper ce moment de montage, Gaël. Non, je garde tout, moi, tu sais. Doit dire. Viens. Un chat. 65% des sondés estiment même qu'utiliser un mobile à table est un manque de politesse. 53% des personnes interrogées trouvent que le repas est un moment de partage et que le smartphone empêche son utilisateur de profiter du moment présent. Il nous empêche d'apprécier ce que nous mangeons, regrette 5%. C'est comme les vegans, ils veulent nous forcer à bouffer. Non. Oui, c'est vraiment... Et c'est quoi cet argument? C'est moins bon parce que c'était sur ton téléphone, alors j'arrive pas à apprécier. Après, mais après, de toute façon, tu te fais toujours, quand t'es gamin, un repas, tu te fais toujours engueuler, de temps, quoi qu'il arrive. Tu peux pas faire la bonne chose. On m'a déjà sorti, moi, tu manges trop vite. Je mange face à un repas. Et si tu finis pas ton plat, c'est tu manges pas assez. Ouais, c'est ça. Eh ouais, les boomers, Les boomers du bateau. Rien à voir, mais alors vraiment rien à voir. J'ai pas compris non plus. Oh, et du bateau, c'est ça. Et du bateau, les boomers, c'est tout. Il y a pas de jeu de mots, il y a rien. Toujours pas. Du bateau, c'est une expression. Tu te calmes, Gaël. Tu as été hyper agressif. Bah ouais, j'avoue. Mais tu peux être. Gaël, plus gentil possible. Non, mais t'es fou, quoi. Attendez, excusez-moi. Moi, c'est comme en pas de famille, je me fais engueuler. Non, mais t'es malade. J'ai mangé trop vite. Calme-toi. Je suis hyper calme. Arrête. Lâche-moi. T'es fou, mais. T'es en train de perdre la tête? T'es en train de perdre la tête? Et voilà, mettez-vous sur votre téléphone, voilà. Ça ira mieux. Gaël, voilà, Gaël, mieux, voilà. Je vais aller sur le TikTok de Julien. La transition est toute trouvée, puisque qu'est-ce qui. Pardon. J'ai rien compris à ce que tu viens si, de dire. Si, il a dit la transition est toute trouvée, mais t'as dit la toute trouvée. T'as fait l'autre truc de stress. Au début, j'ai cru que tu disais Trump. Il est en train de mourir derrière son micro. C'est ma bonne résolution, c'est de n'utiliser que des consonnes dans mes phrases. Ah. Quelqu'un s'est fait passer pour Jean-Luc Reichmann afin de monter une arnaque. Ah. Non, c'est vrai. Oh. On peut s'arrêter là pour voir. C'est magnifique déjà. Attendez, c'était quoi déjà? C'était la marche. C'est quoi le nom de l'émission de Jean-Luc? Attention à la marche. Jean-Luc Reichmann. Quelle arnaque. Ouais, ce running gag commençait à être un peu trop vieux, donc si on veut le réutiliser plus tard, je préférais le mettre maintenant. T'as bien raison. Ouais. C'est une question qui n'est ni co ni in, ce n'est pas une question coquine, absolument pas. C'est une question, donc ouais, sur Jean-Luc Reichmann, quelqu'un a monté une arnaque en se faisant passer pour Jean-Luc, à votre avis, laquelle? Il a voulu vendre des Montescalestana. Bah écoute, ça va pas quoi. De m'interrompre comme ça. T'es survolté. Non, mais ça m'est sorti d'un coup. Je suis désolé. Mais t'es complètement fou. Non, parce que attention à la marche, tout ça. Je suis désolé. Ah, joli. Je regrette. Non, vendre des trucs, genre comme si c'était des trucs du décor d'émission de Reichmann. Pas du tout. Je sachant que personne ne s'est fait passer pour un zizi pot. D'accord. Moi, j'ai une question. C'est est-ce que c'est une arnaque qui est spécifique à Jean-Luc Reichmann? Oui. Ou non, n'importe quelle célébrité aurait fait l'affaire. Je vais te dire un truc. N'importe quel animateur aurait fait l'affaire. Bon. Mais j'ai entendu un miaulement. Du coup, j'étais mal. Non, ça rigole en cuisine. Oui, ça rigole en cuisine, qui est la nouvelle émission de Jean-Luc Reichmann d'ailleurs. c'est avec n'importe quel animateur, ça pourrait marcher. Ok. Pour essayer d'animer une émission, du coup. Ouais, il a fait croire à quelqu'un qu'il était Jean-Luc Reichmann. Qu'il était casté pour une émission et il a dit vous filez 500 balles et vous êtes candidat. Très très fort, Adrien Méniel. Sur les réseaux sociaux, une personne se faisant passer pour Jean-Luc Reichmann tente de soutirer de l'argent à des internautes en leur promettant une participation aux 12 coups de midi. Oh. Et ce lundi 6 janvier. C'est ton frère, je pense, qui a fait cette arnaque. Ce lundi 6 janvier, l'animateur a dénoncé cette arnaque et rappelé que l'inscription à son émission est totalement gratuite. Oh là là. Ah non. Ah, il a pété un câble. Il dit. C'est fou, c'est l'arnaque des iPhones, mais en plus nul. Tu ne crois pas si bien dire ce que Jean-Luc a dit. Si. Écoutez, les comptes. Je croyais très bien dire en fait. Donc Je rebondis à la manière d'un petit trampoline. Là, tu l'as trouvé? Hein? Là, tu l'as trouvé? Ouais. Il y a des comptes certifiés avec le petit point bleu, nous dit Jean-Luc. Ah oui. Et c'est bel et bien moi qui suis derrière tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Bah venez, on le tweet. Donc pour participer à notre émission, non parce que pour le coup il a poil donc sur TikTok, et gagner pourquoi pas des centaines de milliers d'euros, il faut s'inscrire, mais c'est totalement gratuit et j'aime bien qu'ils disent et gagner pourquoi pas des centaines de milliers d'euros, ils replacent un petit coup. Oui. J'ai une théorie du complot. Sur Jean-Luc Reichmann. Bah c'est une orchestration de Reichmann pour faire de la pub. Parce qu'il y a plus assez de gens qui veulent faire attention à la marche. Donc il a fait croire que quelqu'un il a essayé de créer un buzz quoi. Franchement, elle marche très bien cette émission. Hein. Non. j'ai une question en termes d'arnaque comme ça. C'est un truc qu'on a débattu dans la skip, mais vu qu'on vous a piqué visiblement des trucs, je propose qu'on aille dans le sens. T'inquiète pas, vas-y. C'était parce que je sais pas si vous vous souvenez des émissions, tu sais, qui passaient dans ma tête, c'était sur la 6, genre tôt le matin, tu sais, où il y avait les mosaïques de oui, célébrités. Bien sûr. Alors on va enlever un damier, machin, tu sais. Et à chaque fois, tu sais, clairement, c'était juste Johnny Hallyday. On va écouter un morceau, allumez le. Ah, je vous en mets pas plus, attention. Alors à votre avis, qui c'est? Ah, on a un appel de Gérard. C'est Guy Benoche. Ouais, c'est Guy Benoche. Ah bah non, dommage, bien joué. Et toi, tu fais putain, mais c'est Johnny Hallyday là. Récemment, j'ai repensé, je me dis, mais c'est sûr, c'est une arnaque pour que tu appelles. Je le sais, moi, c'est Johnny Hallyday. Et surtout qu'il y a un peu un truc où tu te dis, bon, il est 10h30, je suis le seul connard qui va jouer, je pense, qui va appeler, et évidemment que non. Et moi j'étais jeune, je me disais, mais ils sont nuls, putain, c'est Johnny de c'était, ouf. C'était l'heure de l'âtre qui animait comme ça. Toi, entre là, je réalise que c'est voilà. Une arnaque. Bah ouais. Mais c'était pour qu'ils aient un maximum d'appels et qu'ils gagnent de la thune avec ça. Ouais, c'est comme ça. Les questions hyper faciles de Koh-Lanta. Bah bien sûr. Et les, ouais, mais là, c'est les tirages au sort, donc à la limite, bon, bah tu vois, genre, quand c'est un tirage au sort, la question elle est facile, voilà. Mais là, t'étais censé appeler, tomber sur le truc. Vraiment, je pense. Chaque minute, c'était de l'argent, quoi, tu vois. Ouais, comme, ouais, mais c'est ça, ça veut dire que potentiellement il y a des gens dans les quiz qui font oui bonjour oui c'est Balavoine, ah non dommage, bon bah salut ah, il y a un gars, c'était son taf tous les jours, ah, il y a des voix. C'est les standardistes qui ont recueilli ces appels là, appelez nous commentez. Oui. Ah, oui. Une étude nous a montré à quel point les habitants de chaque région se trouvaient beaux. On a demandé à des habitants de s'attribuer une note, et à votre avis, dans quelle région on se trouve le plus beau? En PACA. Bon, en Bretagne. On... Languedoc-Roussillon. Oh, attention PACA. Les propos. Attention. Attends, mais c'est marrant comment tu tournes le truc, parce que c'est juste pour savoir qui sont les moches. Ça, tu le tournes comme un truc pas... positif de non. Ouf. Alors, surtout, c'est pas tu pousses exactement à la vanne. Ça. Tu pousses à la vanne. Non, écoutez. Qu'on dise des conneries. Écoutez. Monsieur Mélenchon. Calme-toi, Gaël. Calme-toi avec tes gros sabots. Calme-toi, Gaël. Gaël est tellement sur le voté, j'ai envie de le brancher à une prise. Non, excusez-moi. C'est pas exactement ça, Julien Josselin, parce que je te vois là, oui, médisant comme tu es, mais bien sûr. En fait, ce sont les gens qui sont attribués eux-mêmes des notes, donc c'est pas les plus beaux. Ah, c'est pardon. Ceux qui se trouvent ah, eux-mêmes dans le Nord. Ah, pardon, ah, j'ai pas posé la question. Le Nord, eh bien, ce n'est pas le Nord. Oh. Mais c'est la PACA, c'est sûr, c'est quand ils sont tout le temps à poil sur la plage. La PACA n'est que quatrième. Ah, merde. Mais à Paris. Paris. Ce n'est pas à Paris, ils ne sont même pas dans le top. Ils sont en dixième. Les Alsaciens. Non, les Parisiens, ils nous font bien chier. Attends, c'est région. C'est pas région, je vais vous répondre. Avant la réforme ou après la réforme? Région. Parce que c'est moi. Les régions étaient regroupées. Bah oui, je suis d'accord. Il y a la Nouvelle-Aquitaine. Non, mais dis-nous. Je connais même pas le nom exact de toutes les régions. Oh, il démarre en côte. Gaël a démarré en côte. Deuxième. Non, pour répondre. Avant réforme ou après réforme? Alors, c'est après réforme et laissez-moi un petit peu. C'est avant réforme. Manger ta banane. C'est avant réforme. Laissez-moi manger ma banane. Avant Redford. Robert, j'allais le dire, Robert Redford. C'est deux copains. On peut l'écouter en 0,7 cette émission, ça va trop vite. Trop de banane. Il faut y aller très lentement. Faire du low watching. Moi, je reviens en arrière. Donc, la région PACA est quatrième. Ils se sont attribués 6,9 sur 10. Donc c'est pour vous dingue, c'est pas ouf. Ouais, moyenne, non plus. En oui, moyenne, en moyenne, c'est temps, pas mal, 7 c'est quand même. C'est bien, moi je trouve. Est-ce que c'est pas une région où il y a beaucoup de vieux, du coup quand t'es vieux, t'as moins ah, de, oui, tu vois, vrai. T'as moins de self-esteem à la manière de The Spring. Bah oui, mais justement, si t'es vieux et que t'as moins de self-esteem, tu te mets bah, une plus mauvaise pas note. Une bonne note. Oui, bah, oui c'est ça. Bah, ouais. Donc ça a fait baisser la note. L'inverse. L'île de France se sont attribués 6,4. Poitou-Charentes. La Poitou-Charentes. Est-ce que c'est pas les... dans le top 12. Ah merde. Ils sont bien deux quoi. Est-ce que c'est des dom-toms? Est-ce que les dom-toms sont comptés? En tout cas, ils sont pas dans le top. D'accord. 12, donc je sais pas s'ils sont ah, comptés. Bordel. Sachant ah, que sur le plan physique, que, les Français oui. se donnent en moyenne, toutes les régions confondues, 6,6. Ah, ouais. Ah bah attends, c'est pas mal, ça nous la coupe. Ça nous la coupe. Ouais, on a beaucoup d'influenceurs, donc ça monte, ça monte la moyenne de ouf. Je me mets 30. Non mais c'est sur 10. La Corse, bah non, c'est un non. Oula, la Corse, c'est dom-tom ou pas? Un pays, t'allais non. dire. Non, non, non. Dom-tom, ouais. En tout cas, c'est un peu super, moi je trouve. C'est jamais. La côte basque. Non mais sachez qu'en tout cas, ce sont les Normands qui se trouvent le plus moche. C'est pas vrai. Non, le plus moche. Ouais, qui sont là. Elle est d'accord, elle a fait oh non. Ils sont tellement vilains. Je connais réellement des Normands très beaux, même des mannequins. Ah, mais même ça pour Elsan. Non, mais tu t'en fous. J'en connais des très beaux, hein. J'en connais. J'en connais un qui est vraiment beau, quoi. Il en existe. Ouais, c'est. Oui, non, mais oui. Oui, en réo, ça va. Ils sont tous magnifiques. Allez, on sait. Dis-nous. Mais oui, mais non, mais bah non, dis-nous même. Qui se trouvent tous très beaux. Poitouchard en Rhône-Alpes. Je t'ai dit n'importe quoi, il y a Hauts-de-France, donc c'est après la réforme, c'est ça? Oui. C'est après la réforme, excusez-moi, pardon. Oh non, bah là, tous les jours sont faussés. Ah merde. Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas la Nouvelle-Aquitaine. Bon, est-ce l'ancienne que l'ancienne Aquitaine ah, on cherche quoi les... oh, est-ce que... C'est une partie de ping-pong. On cherche quoi les trois premiers? On cherche un cadavre avec ski de la rigolade, de la pantalonnade. On cherche les trois premiers. Calme-toi, Gaët, calme-toi. Parce qu'on les a déjà cités. On a cité les trois premiers. Alors, attendez. On a pas cité trop. Bah, je monte jusqu'au numéro 5. Il y a pas trop de régions. Le 12e, c'est le Bourgogne-Franche-Comté avec 6,2 sur 10. Okay. Le 11e, c'est l'Occitanie avec 6,3 sur 10. C'est avant. L'Île-de-France. Avant réforme. C'est 6,4 sur 10. La Loire. C'est 9e avec 6,4 sur 10 également. Auvergne-Rhône-Alpes, 6,5 sur 8e. La Bretagne. 7e, Centre-Val-de-Loire, 6,6. 6e, Nouvelle-Aquitaine, 6,7. 5e, Hauts-de-France, 6,8. Ok, c'est après réforme. Mais moi, je connais aucun. Donc, je connais pas les noms des régions en fait. Oui, je me rends compte. Moi. T'as pas suivi la réforme ? Pas du tout. T'as pas eu des petits magnets avec des Kiri ? C'est comme ça que je connais les noms de France. Ils ont refait les cartes là ? Bah, je pense qu'il y a tous les Kiri qui sont faussés. Ils font, bah, faut les refaire. Il y a la réforme qui est passée. C'était il y a un moment ça quand même, non ? Oh, c'était en 2000. Il y a 2-3 ans, ouais. T'as un vieux, il lui manquait juste le Nord-Pas-de-Calais. Putain, c'est devenu les Hauts-de-France. Je suis dégoûté. Il y a trois conversations en même temps là. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, mais c'est lui le patron, ok ? La région, pas grave ? Oh ! Gaël, Gaël, calme-toi. Je n'ai pas parlé depuis 4 secondes. C'est trop hyper dur. Vraiment. Non mais attends, c'était très juste que tu disais Flaubert, ça veut dire que dans des il y a des frigos 2016, où il y a genre bon alors bon, super, on discute pas, bon, bravo. Elle est en train de regarder tout simplement la je réponse. Je regarde juste non, regardez le nom des régions. Ah. Et on se demandait depuis quand c'était la réforme date de 2016, voilà. Bah oh, il y a pas si longtemps. Et non, donc, là l'étude date de 2019, hein, on est vraiment sur un truc très récent. Mais donc tu as cité la Bourgogne-Franche-Comté qui est toute dernière, 12e. Bah oui, moi j'arrête de jouer. Je connais pas les noms. Alors le troisième, c'est la Normandie. Les deuxièmes sont la Bretagne. Bah voilà. Okay. Les quatrièmes. La Bretagne se donne 7. Quatrième, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et les premiers. Ah, les premiers. Venons-en. Ah bon, la vie, région PACA. Qui se trouve très beau. C'est quatrième. Ce qui se trouve le plus beau, avec 7,1. C'est les dom-toms. C'est la région Grand Est. Non, on l'oublie, la région. T'as dit l'Alsace. Alsace, oui, mais c'était parce que je suis lorraine et que je voulais bitcher sur les Alsaciens. Mais et non, c'est et la région c'est Grand Est. Est. Maintenant, on est ensemble. Et alors oui. Qu'ils sont tellement moches. Oh non, Gaël, n'importe quoi. J'ai un cousin alsacien, donc j'ai le droit. Il y a des moustiques dans le studio ? Non, j'ai giflé Gaël, mais en fait, vu qu'il a jamais mal, il a pas crié. J'ai pas eu mal. Et surtout, t'applaudis dans ton micro, Flaubert. Personne n'est dupe. Là rien, là par contre je baffe Gaël, mais personne l'entend, tu vois, personne ça fait pas de bruit quand, on termine, vu que nous sommes dans un floodcast, à votre avis, quels sont les hashtags de Pornhub les plus tapés en 2019 dans les sites porno? Donc on l'a pas Pornhub. Fait il y a récemment. Non, c'était pas sur 2019, là c'est la fin de l'année. J'ai vu un truc récemment, mais c'était très récent, j'ai vu un article qui disait que Billie Eilish avait popé très fort et que c'était dégueulasse. Ouais. Non, là c'est pas le cas, là c'est pas le cas. Parce qu'elle est passée plus juste majeure et les gens se sont vraiment... Ah. C'était vraiment genre, c'est bon, c'est génial. Non, c'est surtout genre, elle passe majeure, donc il y a du porno d'elle qui apparaît d'un coup. Oui, mais c'est ça, oui, alors que oui, oui. Non, mais attention, il y a aussi un effet où quand c'est dans l'actu, je me souviens... Après, on peut dire, au moins ils ont attendu qu'elle soit majeure, tu vois. Et on les embrasse, merci d'avoir attendu hein, les gars, hein, vous êtes top. Yes, non mais c'est, à chaque fois de toute façon t'as ce truc où quand il y a, enfin c'était je crois après la sortie du Joker où vraiment tout le monde avait tapé Joker bah oui, sur Pornhub. On en a parlé. Ouais, ça on en a parlé. Bon, moi je dis gilet jaune. Non, c'est international. International. Mais il y avait un porno gilet jaune. Mais du coup est-ce que c'est Trump? Vous allez être surpris, le porno gilet jaune c'était des gens qui baisaient à poil avec un gilet jaune. Mais non, il y avait pas beaucoup plus. Ils étaient nus. Ouais, c'était nus. Waouh, même la bite et tout. Ouais. C'est international. Ok. Trump, c'est en anglais ? Non, il n'y a pas Trump. Mais est-ce que du coup c'est anglais ? Est-ce que c'est Trump ? Il n'y a pas Trump. Fugaré ? Non. Beyoncé, du coup. Fuguet ? Michel Fugain ? Fugaré. Ah, Fugaré. Stranger Things ? Non. Oh ! Non, mais des comédiens. Tu me dégoûtes en fait. Des mômes qui baisent ? C'est ça, Sophie ? Mais est-ce qu'il y a des hashtags. Je cherche des trucs qui ont marché en 2019. Il y a des hashtags genre porn connus, quoi ? Ou c'est vraiment que des fantaisies ? C'est des trucs connus. Il y a des trucs connus. Ah, d'accord. Et le numéro 2 est un peu surprenant. Est-ce que c'est des trucs. Le deuxième va te surprendre. Ok. En général, c'est pas le deuxième. Il va nous surprendre, mais on le connaît. Il y a une ambiance survoltée. C'est à cause de qui, à ton avis ? Bah, non, il est tout calme, Gaël. Ouais, c'est depuis que je l'ai baffé ça. Parce que je connais la réponse. Est-ce ah bon que... oui. C'est vrai. Oui, c'est Finger a Cat. Non, tu sais, alors, non, je sais, pardon, Gaël, tu sais, quand on a tapé un truc, il te le repropose après. C'est pour ça que tu l'as vu popper. Non, moi j'ai une question. Dans toutes les langues. Est-ce que ce sont des trucs qui sont spécifiques à 2019? Alors, il y en a oui et il y en a non. Mais partons sur un top 3. Star Wars. Est-ce qu'il y a le nom d'une actrice ou d'un acteur? Il y a une actrice. Parce qu'il y a Mia Khalifa qui avait genre popé de ouf, non? Alors, il n'y a pas Mia Khalifa. L'actrice qui citait, et alors vraiment, c'est pas pour faire genre, mais je ne la connais pas. Non mais qui est quatrième, je te dis des trucs. Quatrième, voilà. Okay. Qui s'appelle Belle Delphine. Et je sais pas qui c'est, mais apparemment Belle Delphine, c'est une actrice. On peut aller voir rapidement, juste rapidement. Allez, tout le monde se casse, tout le monde se regarde, sauf les mineurs. Tout le monde se tripote. N'hésitez pas à faire pause et vous, les bras. Et les mineurs, il y a mon compte TikTok. Comment ça s'écrit ? Si, c'est bon. C'est un nom de sexe. Le numéro 3. Tu vas me montrer Gaël. Alors, je tiens quand même à dire qu'autour de cette table, tout le monde regarde cette meuf. Elle est née en 99. Sauf moi. Ça passe. Mais attends, mais c'est bizarre, okay. c'est la streameuse qui a vendu l'eau de son bain, non ? Ah, mais oui, c'est elle. Mais quel oui. est le rapport avec. Ah, c'est pas du porno, je sais pas, moi je connais pas. Mais je crois pas, il me semble que c'est la. Là, j'ai vu la photo, je crois que c'est la streameuse qui a vendu l'eau de son bain et ça avait fait tout un bruit. Oui, mais elle. Je crois qu'elle fait des. En fait, elle a percé en août 2016 en faisant un tutoriel de make-up qui faisait des yeux de chat. Tout ça. Ah, voilà. On y revient. Non, mais je crois qu'elle fait. Elle a posté des photos un peu genre. Ah, d'accord, ok. Pas dénudées, mais un peu érotiques. Enfin, il en faut assez peu pour les mecs pour se branler. Donc. Mais effectivement, c'est elle qui a fait ça, ouais. Non mais c'est elle qui a fait ça et effectivement les gens ils sont allés directement sur Pornhub. Okay. Donc c'est pas une excuse pour voir les gens se baigner dans l'eau de son. Et son bannissement d'Instagram a été fou furieux, ça a fait flipper tout le monde. En voilà. termes de bad buzz. Ouais. Okay, non bien. Mais pour tout le monde c'était genre waouh elle peut se faire bannir d'Instagram, c'est terrible. Okay. C'est comme Julien avec TikTok hein, ça a fait un tollé. Invitez moi la prochaine fois. Elle a été bannie d'Instagram le 19 juillet, ce sera une question trivial poursuite donc. Une onde de choc comme Julien sur TikTok. Qui est une chanson de rap. Que je viens de faire un peu. Ouais. Une onde de choc comme Julien sur TikTok. Ouais. C'est quoi note-le. Je quatrième, le cinquième c'est cosplay, le sixième c'est mature, le septième c'est bisexuel, le huitième je l'aime beaucoup, c'est Apex Legends. Oh. Ouais. Mais attendez, traduisez-moi. Alors Apex Legends, est-ce qu'il y a Fortnite dans les trois? Apex Legends en fait c'est un jeu vidéo. Ouais, c'est un équivalent de Fortnite pour le coup, un peu. En Battle Royale. Et c'est en cul donc là. Et là, ouais, pas en cul, mais c'est une version cul, je pense. On peut en parler. Vous avez vu ce genre de vidéo hentai 3D? Vous avez déjà vu ça? Non, mais moi je dans les pubs. Ouais, les pubs. Les pubs, c'est fou. Ah ouais, dans les bobs, dans les pubs c'est pareil. Mais en fait, ce qui est horrible dans ce genre de truc, parce qu'évidemment, moi je suis pas sûr. Parce que c'est dans les pubs des documentaires Arte en fait. Oui, c'est ça. Ouais, mais pareil, on regarde la même émission. C'est en pré-roll. Vraiment grillé tous les trois en même temps, c'était très cool quoi. Les pubs là sur la droite. Ah non, mais c'est pas. C'est pas grillé, c'est juste. C'est très marrant. La synchronicité était marrante. Non, mais attends, il y a rien grillé, oui. Moi, il y a aucun problème, j'assume. En plus, je joue beaucoup au jeu Overwatch, donc évidemment, j'ai tapé Overwatch pour ça, pour voir. Bien sûr. Et donc, il y a la même chose, il y a des trucs en 3D. En fait, c'est très malaisant, parce que c'est une espèce de gif. Parce qu'en fait, c'est assez bien fait, sauf que du coup, ça a très très long à faire. Donc, vraiment, c'est un truc très cyclique avec des bruits. Bon, bref, je sais pas pourquoi j'en parle. Pourquoi je parle de ça ? On enchaîne. Attendez, je peux vous poser une question du coup ? Une question de meuf à des mecs, même génération, etc. Est-ce qu'on se branle ? Vous avez cherché. Oui, bah, merci. En ce moment même, donc. Vous avez regardé les pornos de Dragon Ball ou pas ? Ah non, jamais. Non, mais moi, je regardais pas Dragon Ball, moi. Pourquoi là, il y a une série ? Non. Moi j'en ai vu plusieurs, oui, j'en ai vu des différents. Avec mais il y a des épisodes Dragon Ball Q. Par contre, Goku en chevalier de feu. J'ai bien aimé moi. Par contre, j'ai vu le. Non, c'est Dragon Ball. Ah, joli. Elle est mieux. Dragon Général de Gaulle. Ouais, non, moins ouais, bien. Mais donc, bien. Ça, tu trouves ça sale, mais par contre. Non, pas sale. Fortnite, Un truc de Fortnite, tu te mords l'enculé. Non, c'est pas ça. Moi j'ai vu le film porno des Schtroumpfs, par contre. Oh non. Avec des vrais acteurs. Pas en bleu. Ah, c'est pas l'animation. C'est génial. Bah, c'est génial parce que. Bah, c'est Avatar. Comment? Oui, c'est vrai que c'est Avatar un peu aussi. C'est génial parce qu'il y a que la schtroumpfette du coup. Ouais. Oui. Féminité, en termes de féminité. Ouais. Oui. Il y a que la schtroumpfette. Non. Et ce qui est drôle, c'est que. Alors parce que c'est un film hétéro, sinon ça aurait été. Je schtroumpfais mon pote. Ils auraient dû faire un film gay. Oui, là, c'est vrai. Que c'est un très bon film ou gay. Ou bisexuel, mais de mémoire, c'est un film hétéro. Et c'est ridicule parce que bah évidemment, dès qu'il commence à baiser, la bite n'est plus bleue du tout. Quoi. Enfin, très rapidement, la bite est couleur chair. Je trouve pas lunette. T'as un problème à la schtroumpf là. Qu'est-ce qui se passe? Ta gueule. Ferme ta gueule. Et puis, enfin, c'est du vrai vieux maquillage de merde et tout. Le premier jour, il y avait du maquillage sur la tub. Le soir même, il y a eu des infections infâmes. Ils ont dit, on va arrêter. Mais c'est terrible. Mais je pense à tous nos auditeurs qui sont en train de chercher ce film au moment où. Ouais, mais alors, on continue d'en parler. Et non, mais il y a un petit. Google est en train de s'enflammer. Porno, quoi. Non, mais il y a un petit. Une petite trouvaille scénaristique. C'est que. Dans le film, Gargamel se miniaturise à la taille des Schtroumpfs. Oh, génial. Évidemment, pour baiser la Schtroumpfette, évidemment. Génial. Donc voilà, bah, bien sûr. Alors que ça aurait été beaucoup parce que mieux. Parce que sa queue garde la taille de. Non, mais alors que ce qui aurait été super. Et la Schtroumpfette, elle est heureuse ou pas? Oh, elle a l'air, hein. Ouais, enfin. Elle a l'air consentante. Ce qui aurait été super. C'est un bon moment. Ce qui aurait été super, c'est que tous les Schtroumpfs fassent une espèce de queue-le-le pour le coup, se tiennent les mains comme ça et que Gargamel les baise. dans la queue lolo. Non mais tu vois, tu veux dire qu'il transperce de branlette de schtroumpf. Ah oui, oui, les branle, oui, d'accord. Les branle comme ça. Ça voudrait dire qu'il transperce les schtroumpfs. Non mais non, non, les branler avec les mains. Tu mets plein de schtroumpfs à gauche, plein de schtroumpfs à droite, ah, et il serre les mains comme ça, et lui il se branle entre les milliers de schtroumpfs. T'as pensé à ça très très vite. Non, mais t'as pensé à ça très vite. Je suis scénariste en fait, donc surtout un masturbeur pro. Moi, le porno le plus dégueulasse que j'ai vu dans ce truc-là, c'est Bob l'éponge. Parce que c'est pareil, c'est un mec déguisé en éponge et il sperme. Et il baisse qui du coup? Et bah il baise l'écureuil. Il baise Patrick ou pas? Non, il baise pas Patrick. Mais il baise l'écureuil. Ouais. Il baise Patrick. Je peux rassurer les auditeurs du podcast qui nous écoutent actuellement. Vous n'avez pas cliqué sur un spam. Hein. Vous êtes bien dans l'émission. C'est pas possible à l'audio. Hein, c'est pas possible. T'inquiète. Je pense que personne ne s'est senti perdu. Personne n'est choqué. Mais non. Allez sur TikTok si vous êtes choqué. Bon, je fais ma pub mine de rien. Ça marche pas mal. Hein. J'ai gagné depuis qu'on a commencé là. Mais effectivement, dans les pubs porno, moi, que j'ai vu sur le côté. Les trucs de dessin animé comme tu dis Dragon Ball Z, moi ça me, je sais pas pourquoi, ça me, je crois que ça touche à l'enfance d'un coup, de voir Homer, et en plus c'est toujours un truc un peu incestueux, genre Homer il baise Lisa, ouais, Bart peu, il baise Marge, et du coup moi je trouve ça un peu dégueu, ouais, ça me, ouais. Il devrait faire des pornos mais en faisant des crossovers de dessins animés, bah pas à la mal. Limite c'est kiffant. Bah, Homer qui baise Bulma. Mais Roger Rabbit, ça existe sûrement. Il y a Vegeta, c'est joli. Roger Rabbit en porno serait super. Qui ouais. veut la bite de Roger Rappeau. Ça existe. Mais ouais, je sais, non, ah ouais. je sais. Ah oui, et ça. Du coup, il pourrait le faire avec tout. Il a adoré Gaël. Gaël, il a adoré. C'est quoi le numéro de. Tu dois connaître, toi, Adrien, le numéro de la règle, tu sais, qui dit que tout ce qui est, tout ce que tu as pensé. Il connaît les oui, oui, mais j'ai plus de mémoire. Mais il oui. la règle 66 ou un truc comme ça, non, non qui dit qu'en gros, tout ce, qui, ouais. tout ce que tu peux penser existe dans le porno. On en a parlé, c'est que ça existe. Il n'y a pas longtemps et j'ai déjà oublié. Mais c'est 23. Je sais plus, je regarderai. Non, mais les auditeurs sont habitués à googler en parallèle. Mais dans les trucs de pub de porno aussi, moi, le truc qui me choque, c'est les côtés un peu bénil, je sais pas si vous avez ce truc là, c'est genre c'est des trucs de baise mais en accéléré et ça donne un effet extrêmement chelou. Je suis très seul sur ce truc. Ok, de c'est quoi, pas grave. Tu parles de quoi? Non mais tu sais dans parce les tu speedwatch aussi ton porno. Mais non, mais parce que quand je regarde mon porno, quand je cherche mon porno, à droite il y a des spams et vois, c'est des trucs ouais, un peu je à la, vois, à la bénil et c'est un peu ridicule, c'est genre oh ça, la musique de bénil. Ah oui, je vois. Ok, ah, tu vois, tu ça c'est dans les gifs sur les côtés quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est des extraits accélérés chelous et c'est vraiment t'as envie de mettre la musique de bénil derrière. Et c'est souvent des trucs où il y a c'est genre un ado qui se fait surprendre en train de branler. C'est toujours comment il s'appelle, El Nino ou je sais plus comment il s'appelle l'acteur, c'est lui je crois. C'est toujours oui. Malabala, tellement précis. Ouais, très précis. Voilà, je voulais en parler parce que je me sens pas bien. Donc bon, du coup, on a le troisième mot-clé, il faut qu'on trouve. Allez. Alors, est-ce que c'est un truc spécifique à 2019? Non, aucun des trois. Franchement, ah aucun bon des trois. Non, ah, non, décevant. Non. Mais ouais. Ah oui, donc c'est pas excuse-moi. La qualité, c'est pas attends, mais tu nous en as donné plein déjà. Attends, mais t'en as donné plein. J'en ai oui, mais il a donné jusqu'au 4ème. Ah, jusqu'au 4, ok. Attends, c'est pas cohérent avec l'époque du coup, c'est juste sorti de nulle part. C'est ça. 9ème, il y avait ASMR aussi, pardon. C'est juste pour qu'on cite des trucs dégueulasses. Ouais, ouais, ça pour le coup. Mais les 3 premiers, pas spécialement. Alors, je sais pas, Teens. C'est gourmand ou pas? MILF? Non. C'est gourmand. C'est relevé. C'est Lignac. Parce que c'est croquant. MILF. Lignac, c'est ça, troisième. Cyril Lignac, apparemment, ils adorent ça en porno. Attends, oui, tu nous as pas dit c'est Pornhub Monde ou c'est que français? Non, c'est Monde, dit, c'est le Monde. Il l'a vraiment dit. C'est Monde l'année 2019. Non, mais que toi. Est-ce qu'on s'est goûté par certaines personnes comme dégradant, comme pratique? Pas du tout, pas du tout. Ok. Toi, t'as déjà testé? Vous savez pourquoi tu sais ce qu'il a testé? Pour ça, comme ça, je peux pas répondre rapidement. Ah oui, donc c'est pas ça. Donc c'est ça. Non, je vous le dis, le troisième. Missionnaire, sinon tu n'as rien fait d'autre. Faut que tu nous aides. Le troisième, c'est POV. Tout simple. Ah, POV, bah oui, donc POV, c'est point of view. Point of view. C'est quand la caméra est caméra la subjective, en fait. Subjective. Et donc ça, comme... ça existait pas avant ça? Si, bien sûr, si, mais là c'est la juste troisième les plus recherche. Recherchés. Il y a la demande, ouais. C'est ouais. Devenu genre de fou dans le porno cette année. Oui, parce que les gens pas, c'était et peut-être pas pareil l'année d'avant. Le found footage, genre c'est la vidéo de ma petite sœur. Bah t'es pas si loin que ça, alors pas de la petite sœur, sinon c'est illégal. Ouais, les trucs genre tu vois. Bah il y a le numéro 1, c'est Celebrity. Ah, Snapchat. Non. Je sais qu'il y a non, mais vous êtes pas c'est voyeur, plus simple, non. Célèbre. Plus simple. Amateur. Ouais, amateur. Ah bah oui, c'est le truc qui fonctionne tout le temps ça. C'est un peu ce truc là. Et le deuxième, si ça, attends, ça marche encore. Juste, je me suis fait une remarque récemment. Parce que là on est tu sais, avec l'avènement de Twitch et tout ça, et des chaînes YouTube et des trucs qui sont un peu plus ça se trouve c'est une remarque qui a déjà été faite 1000 fois, mais je me la suis faite récemment. Ouais, on est entre nous hein. Non mais on est sur un truc où les gens préfèrent en tout cas les jeunes préfèrent vachement regarder des trucs un peu faits à la maison, à l'arrache, qu'une émission qui est genre produite dans des, sur des rails et tout. Ouais. Et en fait, ça, c'est un virage que le porno a pris il y a des années, quoi. Ah, et c'est quand même assez. Ça, ouais. Parce qu'il y a, quand même le porno où tout le monde s'est dit non, mais j'ai pas envie de voir un film porno bien filmé et tout, j'ai envie de voir des trucs amateurs un peu à l'arrache et tout. C'est ce que et c'est ce qui se passe maintenant dans les émissions classiques, quoi. Oui, mais c'était Jackie et Michel donc, qui a amené ça. Ouais. C'est les Américains. Non, c'est les Américains. C'est les Français. C'est... Ouais, c'était avant. Avant. Ouais. Mais tu sais que le porno. En France, oui, c'est vrai, c'est eux. Le porno a fait avancer la technologie à chaque décennie. J'avais fait un Dr Cax sur. Je sais pas si vous vous rappelez l'émission, là, j'écrivais sur ce truc-là. C'était sur Arte, bien sûr. Il y avait pas Aurélien Prévost qui écrivait aussi dessus. Mais complètement. Avec son frère Nicolas. Oui, on a ri. Et vraiment, en fait, le porno, à chaque avancée technologique, c'était vraiment le porno qui poussait les trucs. Par exemple, le business des VHS. Ça a été x 10 000. Pareil avec les DVD, pareil avec le streaming, la réalité virtuelle. Tout ça, c'est le porno qui booste à grande échelle ce genre de nouvelles technologies. Ouais, mais il y a même eu plusieurs fois où tu vois des fonctionnalités qui sont sur Pornhub ou YouPorn ou quoi qui débarquent sur YouTube derrière. Donc, je me souviens de l'époque, bah, la belle époque, je t'en parle, où quand tu survolais, une vignette sur YouTube, ça bougeait pas. Ça c'est arrivé bien avant sur Pornhub. On disait, on veut voir ce qu'il y a dedans, on a pas envie de cliquer. Et donc maintenant, c'est après coup, c'est arrivé sur YouTube. Mais par contre, pour le coup, le côté amateur qui se finance, j'ai l'impression que c'est arrivé après. Attendez, YouTube. Ça, c'est fou, vous voulez me dire que. Ah non, ça de quoi dans le porno avant ça arrive après, YouTube. Non Oui, exactement. Non, le porno amateur, ça fait, non, mais le porno amateur, tu sais, financé genre Pornhub, quoi, tu sais, avec la plateforme qui finance, qui reverse une partie des revenus, tout ça. Ah non, mais moi. Ça, c'est arrivé avant, après YouTube, j'ai l'impression. Je sais pas. Non, mais moi, je regarde juste très peu de porno, vous savez. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que regarder un mec qui joue aux jeux vidéo chez lui, qui se filme chez lui, machin, ça fait beaucoup plus d'audience qu'une émission produite, etc. Les gens ont. Veulent un truc plus authentique et tout, et c'est et je me suis dit c'est marrant parce que c'est un virage qu'a pris le porno où les gens ont dit mais on veut pas un truc hyper bien produit, on veut un truc qui fait vrai, qui fait machin. Bah, et la plupart des grosses superstars qui bossaient dans des super productions ont créé leur chaîne en fait maintenant. Vous êtes bien sur Porncast, le porno, les nouvelles technologies. Non, mais pour le coup, là sur Pornhub, c'est genre t'as le truc où les gens vont le plus, enfin, genre t'as un espèce de diagramme d'audience sur la vidéo. Là où les gens. Ah oui, ça pourrait arriver sur YouTube. Et ça, c'est un truc qui pourrait clairement arriver sur YouTube. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo, d'un quart d'heure, tu vois à quel moment les gens regardent le plus. Tu vois, techniquement, c'est le climax. Ils sont excités. Ouais. Statistiques exactement, les statistiques sont publiques. Ça serait dur à voir sur YouTube parce que tu verrais les moments. Bah, clairement, ça marcherait pas pour tu vois, les pubs. Tu sais, alors, Red Shadow Legend, hop là, il y a un vieux creux, tout le monde le passe, le truc. Non, mais bon, en tout cas, c'est assez intéressant à suivre. Et le numéro 2. Je vous le donne, hein, parce qu'il faut qu'on avance. T'as dit qu'il était surprenant. Il est un peu surprenant. Bah, c'est marrant du coup de deviner, non? Bah, allez, vas-y, mais ça fait déjà. Bah, je sais pas. Surprenant. Kebab. Granit. Faire repasser. Non. C'est vrai que ce serait très surprenant. Très surprenant. Faire repasser, putain. Mais, du coup, je sais pas comment il est arrivé, mais ok. Petit pullover sur les couilles. Très attention, hein, il peut remplacer doigté un chat en termes de titre. Surprenant. Est-ce que c'est un type est-ce de personne? C'est sale? Non, c'est pas ça, pas sale, c'est pas un, ça, c'est un peu un type de personne, mais tu vas pas du tout aller dans le bon endroit. Pensez un peu culture geek. Ah, donc c'est une Star célébrité? Wars. Non. Ah, mais c'est un univers Harry c'est Potter. Non. C'est un type de cyborg. Personne, mais un t'as peu. T'as pas dit cosplay? Voilà. T'as pas Furry. Furry. Furry. Cyborg. Va dans le coin, cyborg. Predator. Ouais. Bah, Alien peu. Exactement. Oh. Alien. Ils veulent baiser des aliens. Alors, ils veulent se branler sur des aliens. Après, est-ce qu'ils veulent les baiser? Parce que... Mais les aliens de Alien ou... Non, juste tout type d'aliens. Mais après, peut-être qu'il y a aussi des aliens du film Alien. Non, puis après, aliens, Alien en anglais, ça désigne aussi des étrangers. Des migrants. Donc, c'est vrai. Et alors là où Pornhub a poussé le truc, c'était un peu surpris de voir que le mot Alien était si présent. Ils ont fait un top 20. Des mots qui vont avec Alien dans les barres de recherche. Okay. Donc, le numéro 1, c'est Alien Impregnation. Deuxième, Alien Sex. Troisième, Alien Hentai. 4, 3D Alien. 5, Female Alien. Alien 6, la résurrection. Alien Girl. 7, Alien Belly. Alien Crystal Palace. Non, ça, c'est un film avec Karen Bombal. Monster versus Alien. Alien Dildo. Xenomorph Alien. Et 16ème, tu vois. Donc, celui-ci. En fait, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a uploadé le film Alien sur Pornhub. Et du coup, tout le monde y va pour le regarder. Et sachez que la popularité du mot Alien dans les recherches a augmenté de 217% le 2 juillet. Voilà, mais si, en juillet, c'était la zone 51. Exactement. Mais bien sûr. J'ai gagné. Exactement. C'est ça, bordel. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, mais c'est exactement ça. C'est tout le truc sur la zone 51. C'est vrai que les gens comment sont ça s'appelait déjà le phénomène? La zone 51. Non, mais c'est un truc. Roswell. Le running de je sais pas quoi. Calme-toi. Comment ça s'appelait l'événement? Le Naruto Run là? C'est ça. Le Naruto Run dans la zone 51. Oui, il y a de ça. Mais attends, et du coup, les mecs se sont dit: ah ouais, c'est marrant! Si quelqu'un en ramène un. Je vais aller là-dessus quand même. Non, mais ça, franchement, s'il y en a un qui les ramène un, c'est sûr, il va le mettre sur Pornhub. C'est ça. Alors, du fat matériel. Les amis, c'est avant drôle. Juste vite fait de passer aux questions, j'ai un petit jeu à vous présenter. Un jeu un peu stupide, mais que j'aime bien. Cette semaine, c'est l'anniversaire de la mort de Daniel Balavoine. Putain. Tout bonnement. Qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Qui aurait mieux fait de prendre une. Alors, c'est la règle 34. Ah, c'est la 34. Voilà, okay, la règle 34, je suis revenu. J'avais dit 23. 66, c'est j'avais dit 23, il fallait ajouter 1 à chaque. 66, c'est l'ordre de Palpatine, rien à voir. Oh, j'adore ces geeks. J'ai la ref, j'adore. Tu l'avais pas googlé. Hein. Donc, c'est l'anniversaire de la mort Baby de Daniel Yoda. Balavoine. Et non, c'est pas Yoda. C'est pas Yoda. Ce qui paraît, je me suis fait engueuler, moi, j'en ai parlé. C'est son surnom. Je vous rappelle que cette série n'est pas dispo en France, donc la spoiler, c'est pas forcément utile sur Twitter. Pour moi, c'est Scrappy-Doo. Il est le Scrappy-Doo du Scooby-Doo de Yoda pour moi. Et tu sais que oui, voilà. C'est genre le cousin. Scrappy-Doo, c'était le petit Scooby-Doo. Ouais, ouais, ouais. Et c'était pas Scooby-Doo bébé, c'était le cousin de Scrappy-Doo. Vous connaissez pas Scrappy-Doo? Ouais. Bah ouais. Il y avait une. Et il y avait le film Scooby-Doo où le twist c'est que le méchant c'était Scrappy-Doo dans le costume de Mister Bean. Mais les spoils, putain. Bah ouais. Et ça, c'est un mot qui ressort beaucoup aussi sur Pornhub. Ouais, sur Pornhub. Scrappy-Doo, ouais. Non, c'est Scrappy-Doo dans le costume de Mr. Bean. C'est vraiment ça, la recherche totale. Donc, mon putain de jeu sur Daniel Balavoine. Donc, c'est l'anniversaire de sa mort. Et je vais vous faire le... Balavoine ou de l'avoine, non. Ça va être. Non, ça, c'est Burger Quiz. Ouais, pardon. Non, ça s'appelle le « Je m'appelle Henri Quiz ». Je vais j'adore. Vous chanter des chansons génial. Où je m'appelle Henri. Il faut trouver quel Henri. Quel Henri c'est. J'adore. Attention, commencez pas à dire c'est Henri machin. C'est attendez c'est que génial. Le jeu commence. Non, mais okay. Parce que ça peut aller vite. Oui, oui. Je vous fais le premier. J'adore. J'en profite pour la chanson qui s'appelle Henri, qui est un des meilleurs sketchs de Vincent Tirel, qui est un des meilleurs sketchs qui existe. Allez regarder ça si vous ne connaissez pas. C'est un très bon sketch. Ouais. Allez voir les aliens sur Pornhub avant. Oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est la version karaoké, je vous le cache pas. Au cas où. Attendez, je dois la chanter. Bon. Ok. Je me présente, je m'appelle Henri. Je suis un pote à la petite Charlotte. Petite Charlotte. Ah oui, non mais vous allez voir. Venez les petits et les grands. Henri Dess. Ah bien joué. Ma moustache me caresse les dents. C'est à l'école Tagada qu'on apprend les bêtises. Tagada. Oh, dis-moi que t'as la montée. Oh mon dieu, une explosion d'hélicoptère. Oh. Oh non! Ardisson, wow! Moi je vais faire exprès de pas deviner, juste pour que tu chantes le. Et partout! Ça va jamais jusque-là, je préfère vous le dire. J'aimerais vraiment que ça aille jusque-là. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir, ça va pas jusque-là. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Un point pour Adrien Méniel. On compte les points carrément. Non, on les compte pas forcément, mais pour le moment, Adrien a un point. C'est reparti. Fayot. Ah, c'est le début! J'adore cette mais la vraie trompette. Chanson démarre comme ça. La trompette est dégueulasse. Ouais. Excusez-moi. Je me présente, je m'appelle Henri. Mais tu peux m'appeler Sébastien, je veux bien. Quand je rigole, mes yeux disparaissent. Et dans le jardin, moi je pose mes fesses. Ma chanson. Juanita Henri Salvador. Banana et chelou, bien joué. Putain, j'allais le dire. Le troisième arrive, je vous le fais immédiatement avec la petite intro. J'adore. Ok. Je présente, je m'appelle Henri. Je suis un pur américain des États-Unis. Henri Fonda. Non. Henri Ford. Physiquement, je suis un rocher. Bien bâti, sûrement bien membré. Agent oui, secret. Moi, The Rock s'appelle super Henri. Super héros, même un sorcier. Moi, bon, je t'entends un pro. Henri Potter. Harry Roselmack. Oh, j'ai joué. Oui, Superman. Henri The Cavill. Witcher. Ah oui, bien joué. Faut le savoir, C'est un quiz. Oui, effectivement. Quel Superman c'était du coup? De quel Henry Cavill. C'était Henry Cavill. Le plus bel. Je suis même étonné que mon cerveau s'est rappelé de ce nom de famille. Écoute, Adrien soit à poil, il a fond Superman le jeu. C'est pas un truc qu'on dit tous les jours, Henry Cavill. Non, ça c'est Christopher Reeves. Bah, c'est Christopher non, Henry Cavill, c'est Man of Steel. Le dernier. Dernier Superman. Ah pardon. T'as eu, okay. Maman cubée. Et tu as un bout de pâte dans le cou. Mais ça les gens n'entendent pas. Je vois depuis tout à l'heure. Oh c'est dommage. On peut faire une photo pour que ce soit la vignette de l'épisode. Je le vois depuis tout à l'heure. C'est un tout petit bout. Un tout petit bout. Elle le mange. Est-ce que je l'ai pas non, mais Henri. Tu as une croûte de nez sur le visage. Ah bah. Henri Cavill dans Mission Impossible. Magnifique. Magnifique. Petit morceau, petit mouvement de bras. Oh là là, la beauté du mec, quoi. Putain. Je l'ai pas depuis le début de l'émission. Ça fait une bonne heure. Et l'émission, ça fait 1h15. Donc du coup, tu mets l'un dans l'autre. Je suis sorti la bouffe que depuis un quart d'heure. Merde. Et tu me le dis pas. Et tu as une nem sur la tête aussi. Au bout d'un moment, faut dire. Non, mais les gars. Faut le dire. Gaël, calme-toi. Où est la vanne? Je suis surexcité. Tu me l'as pas dit. Attention. Non. Oh, je te l'ai dit la pâte au bout d'un moment. C'est l'heure de découvrir un nouvel Henri. Vous êtes survolté. Moi, je suis hyper bon élève. C'est pour ça que je tiens à le dire pour que tu vois, je rallonge du bordel. Mais avant de parler, avant de dire ça, j'étais bon élève. Tu l'as repris. Bon, écoutez, là, c'est très perso. On parle de sa patte dans le cou. C'est très perso comme conversation. Les auditeurs, mince. C'est parce que ça t'épate. Bon, c'est reparti. Henri Cavill. Thierry Henry. C'est ça? Ah, je le cherche, je l'attends depuis tout à l'heure. Je crois que. Comment tu t'appelles? Je présente, je m'appelle Henri. Bon voisin, mais pas comme Bernie. Comme Bernie. Je coiffe mes cheveux en arrière. Et le petit bouc, ça c'est pour plaire. J'ai torché le cul d'une chèvre avec Patrick Dupont. Ah, je l'ai fait un peu plus dur. Henri Lecomte. Ah, bien joué, j'en avais encore un peu derrière, j'y vais, je m'en bats les couilles. J'ai du sable dans mes baskets. Henri Lecomte. Un logo de croco sur la casquette. C'est la casquette. Putain, Henri Lecomte. Il écrit trop bien les paroles. Le grand chelem, je l'ai pas gagné. Bah, c'est grave, Henri Lecomte. Mais ma balle touchera pas le filet. Oh, attention, ah, hélicoptère. Oui. T'as pas gagné. Ce jeu est génial. Et ben voilà, c'est fini. Ah, c'est non, non, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. T'as pas fait. Ah oui, donc y'a pas eu Thierry Henry. T'as pas fait hard disk. Mais écoutez-moi bien. Je l'ai fait avant que vous arriviez. Bah, heureusement, sinon tu l'aurais fait après, ça aurait été bien. Mais sinon, si quelqu'un d'entre nous a une idée d'Henri, il peut le faire. Bon, en allez, impro. En impro, ouais. Tu... Bah, je sens que t'es chaud, Gaël. Eh bah, écoute, non, non, Gaël, non, non, bah, non, attends. Gaël. Alors, attends. Il y en a pas tant que ça des Henri. Henri Zemmour. Vas-y. Moi j'en ai un, j'en ai un. Allez, Adrien, vas-y, Adrien. Allez. Tout le monde. Je me présente, je m'appelle Henri. Henri. Oh, c'est juste en plus. Je suis un représentant de la monarchie. Monarchie. Henri 4. Ouais, ouais, ouais. Putain, il en avait plein, je suis tombé sur le banc. Hey, à la base, j'étais parti pour dire je suis un roi, genre la blague. Et après, je me suis dit, et sur le moment, j'ai dit, ok, je trouve des paroles. Est-ce que c'était vraiment le 4? C'était le 4. Oh, c'était le 4. Le plus connu. Meilleur, comme Rocky. Ah, le meilleur. Non, attends, le 8, il est pas dégueulasse non plus. C'est ouais, mais le plus connu, c'est Henri IV. Quoi, attendez, Henri ou Rocky, je suis perdu. Non, non, non. Le cheval blanc d'Henri IV. Henri IV et Ravaillac. L'histoire de France, merde, je suis Stéphane Bern. Bon, j'en ai un petit aussi en impro qui sera pas ouf. Vas-y, vas-y. Attends, pardon, c'est Stéphane. Ça va, Stéphane? Stéphane Bern. Faut que je boive plus de bière. J'en ai un aussi. J'ai qu'une phrase, donc trouvez vite. Ok. Je me présente, je m'appelle Henri. Oui. Je pratique la photographie. Photographie. Henri Cartier-Bresson. Oui. Oh, oh, il est au son téléphone. Triche ou pas triche? T'étais sur la fiche des. La page des Henri célèbres. J'étais sur la page des Henri célèbres. Et j'ai vu Henri Cartier-Bresson. Et il a hésité à l'avouer. Et comme j'ai un peu est-ce que tu peux. Je savais qui était Henri. Est-ce que tu peux déverrouiller ton téléphone pour voir si on est sur exactement la même page? Attends. Les gens ne vont pas le voir. Oui, c'est, mais c'est ça, ils vont nous le dire. Après, ah oui, à parler d'une patte pendant deux heures. Ah, il est dur, mais il est entier. C'est ça aussi. Que... Ah merde, c'est trop long. C'est moi, trop j'en long. Ai un, j'en désolé. Ai un, j'en ai un. J'en ai un. Gaël, de toute façon, là, on les fait, on les teste, hein, mais ce sera sûrement tout coupé. Hein. Attention, c'est parti. Ok. Je me présente, je m'appelle Henri. Encore. Je suis un ami de Sarkozy. Sarkozy. Henri Sarkozy. Henri Balkany. Non. Oh, j'étais député des Yvelines. Mais perdu, mais clairement perdu. Je suis parti de la vie politique. Henri Guénaud, ouais, oh, ben, ouais, ouais, bah voilà. Bah oui, Henri Guénaud, tout simplement. Attention. Bon bah voilà. Écoutez les amis, j'ai plein de questions des auditeurs qui veulent savoir plein tellement de long que cette explosion. Ah ouais. Dur encore là. Bah ouais, ouais, bah tu sais, c'est. L'hélico roule vraiment dans le canyon. En feu. Ouais, ouais. On entend bien. Hein. Le bruit des cailloux, les graviers. C'est très réaliste. Mon excellent Julien. Oui. Tu vas voir, je la fais maintenant parce que c'est quand même rigolo. Est-ce que tu kiffes autant faire des TikTok que tu kiffais faire des Vine à l'époque? Ah, c'est en train de venir là. Franchement, ouais, c'est pas Vine, mal. Toi. J'étais très très Vine. Bah, rappelons quand même que tu as eu le prix de meilleur format très court au Web Comedy Awards. Je suis pour toujours le meilleur Viner, les amis. Non, mais rappelons-le. Non, vrai. Mais oui, je m'amusais j'étais beaucoup, en compète, beaucoup sur Vine. Avec toi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, t'as perdu. Ah, bah alors, si tu veux voir le plus bel échec, il y a meilleur YouTuber. Je suis nommé face à Cyprien et Norman. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Étonnamment, j'ai perdu. Ouais, non, mais ce prix qui reste l'unique prix de toute ma carrière. Ah non, avec Suricade, vous avez gagné. Oui, vous aviez un prix aussi. Meilleur sketch. Ouais. Bah oui, ah oui, faut, oui. Ah oui. Ah oui, vous voulez dire d'autres prix du Web Comedy Awards. Super, ouais, génial. Non, mais vous pouvez pas les partager à trois, c'est pas pareil. Non, mais oui, et puis on prend. Prix du meilleur sketch. Comment ça prend ton pied du coup? Bah parce que je prends l'outil en main, quoi. Tu vois, genre, ça c'est quand même particulier, il y a des filtres. Quand tu cherches. J'ai commencé il y a pas très longtemps aussi. Mais oui, j'ai vu. J'ai même failli faire le même. Tu m'as follow ? Ouais, je te follow. Ouais, je te follow. Et j'ai même vu que j'ai failli faire le même TikTok que toi. Le follow Star Wars. Le frigo. Ah bah oui. Quand je l'ai vu dans les locaux de Webedia, je l'ai fait. J'ai failli faire. Il y a Freddy Gladieux pas loin. Je me suis dit ça va pas. Laissez-nous parler. Pas de souci, pas de souci. C'est Ludoc qui a fait les décors des nouveaux studios qui seront à Webedia et il a fait une porte de frigo qui mène en fait vers des toilettes. Et donc j'ai fait un TikTok. Je crois que c'est mon TikTok le plus famous. Voilà, je peux le dire. Ludoc fait des escape games. Combien de vues on est sur 1 million, mon pote. Avec Valentin Vincent, je le sors en fait du frigo. Et les gens font oh mon dieu, il y a un mec dans un frigo. Alors qu'en fait, c'est une porte. Mais les gens voient un frigo. Un million, c'est une façon prétentieuse de dire 500 000. Oui, c'est ça. Sachant que c'est alors, à 490, un truc comme ça, évidemment. J'ai quand même poussé Kemar à faire un compte TikTok. Ouais. Parce que j'étais en train d'en faire pour déconner. Je dis, mais fais-le, toi, c'est sûr, ça va marcher. Et il a vraiment fait, tu sais, la chanson, la fameuse chanson, ça fait bim bam boum. Évidemment. Que l'on déteste. Tous mais non. Et en fait j'ai vu que Marc cherchait une idée, alors qu'il fait comme ça, tu vois, il défile un peu les trucs tendance, ouais. Il voit la chanson, il a vraiment fait un TikTok où il fait il pose un truc, il s'assoit dessus, il part en dansant comme ça, mec, ça fait genre 4 ou 5 millions de vues, quoi. En vrai c'est ça qui est assez excitant avec la plateforme. Oui, ok, excitant, ouais, super. ça va très vite et tu sens qu'il y a une émulsion de genre les gens aiment beaucoup s'abonner parce qu'il y a encore pas tant de gens qui font, enfin surtout dans l'humour tu sens qu'il y a pas tant de gens qui en font encore, ouais. C'est beaucoup des gens qui se montrent, qui font des belles chorégraphies et qui sont beaux. Attends, etc. Ça fait 2 ans que ça arrive en France, quoi. Mais ouais, non, en fait, des meufs de 17 ans qui ont des millions de vues. Ouais, mais là, c'est vraiment en train de devenir un truc énorme. Énorme, en gros, quoi, tu vois. On passe non, d'un truc au sponsor, ça devient mainstream, quoi. Moi, depuis un an, j'utilise ça, mais en privé, tu sais, pour juste pouvoir télécharger les effets de l'appli. Oui, d'accord, ok. Ouais, les filtres. Je l'ai sur mes stories Insta, mais je les partageais jamais. Bah, tu devrais essayer. Non, en tout cas, l'outil est rigolo. Tu pourrais être millionnaire, Sophie, tu m'entends? Ça commence à m'amuser pour répondre à ta question, tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est qu'il y a les tendances qu'il n'y avait pas vraiment sur Vine. Enfin, tu voyais les rewinds passer, tu voyais les moods, les trucs qui faisaient rire les gens. C'est là, il y a vraiment un onglet tendance. Et en plus, c'est très interactif. Et ça commence à être très drôle. Vu que moi, je commence à avoir des gens qui me suivent. S'il y a des gens qui font des duos avec toi, et ça, c'est un plaisir dingue. Ouais, moi, j'ai fait ça sur Twitch Things, j'ai beaucoup rigolé aussi. Ah ouais, bah voilà, Twitch, ça, c'est le truc, c'est incroyable. T'as un inconnu à l'autre bout de la France ou même du monde, hein, si ton truc il est pas en français. Ouais. Et qui fait des fois, tu sais, il y a des TikTok qui se complètent. Il y a eu des trucs incroyables. Je sais pas si t'as suivi un petit peu. Il y a eu des TikTok, tu sais, qui se. Non, en gros, tu fais un TikTok. Ouais. Et il y a quelqu'un qui peut faire un duo si t'as activé l'option j'autorise les duos. Ah, il génial. Peut faire un duo avec toi, du coup l'image est divisée en deux et il fait la partie à gauche et donc il peut rajouter un truc visuel ou audio à ce que t'as fait. Et des fois c'est allé très très loin, il y a eu des duos de duos de duos. Oui, et il y a des gens qui font des trucs de incroyables. Il y a des trucs avec un balai où tout le monde tient un truc. Il y a des trucs chefs, assez fascinants. C'était génial. Ah, c'est oui, ça. Ça c'est ouais. Non, il y a des trucs, il y a vraiment des tendances très cool. Non, en vrai, ça devient rigolo. J'ai voulu m'y mettre parce que j'ai vu des gens qui refaisaient des sketchs de Batégal en duo. Oui. Ah. Et du coup, j'ai fait un duo avec un mec qui avait fait un sketch de nous. Mais donc, il était très content fou, que je fasse. Ouais, ah, trop marrant. Ouais. Ça, c'est du cool. Coup, il a vraiment kiffé. Là, t'as vraiment rendu cool. En ouais, ça, c'est cool. Ouais. Et ça, c'est beau. C'est peut-être la première fois de ta vie en plus. La seule et unique fois. Avec le chat. Non. Avec le chat. Non, parce que tu m'avais fait une petite. Quand j'étais venu te voir, tu m'avais fait un petit plat. Et un petit bain. Et tu m'avais donné un bain. Un petit bain. J'étais reparti bien content. Mais elle est où cette maison? Elle est loin? Elle est où? Tu veux qu'il te donne un bain? Ouais, mais tu veux un petit bain? Mais quelle campagne? Pour nettoyer campagne, les pattes que tu te mets partout. Il y a des campagnes où il fait très chaud. C'était à Bergerac. Dans le sud-ouest. Et c'était en plein été, il faisait très chaud. Nouvelle Aquitaine. Et je m'étais pas douché parce que j'avais dormi dans la voiture. Bah, dans la petite caisse là. Donc je puais bien. Non, ça va. Ouais. Gaël, on a passé une bonne journée. Je me sentais dégueu en tout cas. Ah oh, oui, Gaël. Quoi? Ah, ça fait il le fait plaisir. Bien. Il le fait trop bien. C'est pas vrai. Oh oui, un petit geste pour moi. Allez, on le fait. Un petit bas. Un petit bar. Oh oui. Bon bah. Gaël, en as-tu est-ce que vous avez fait l'émission tout flic c'est pas toi. Fais le scribe. Fais Samantha Oups s'il te plaît. Gaël, en as-tu marre est-ce que vous avez fait le Bat et Gaël show, est-ce que vous en aviez marre des sketchs ou pas du tout? Un petit peu. Il y avait pas des sketchs dedans. Mais il y a un peu des sketchs, mais vous faites moins Baté Gaël, les deux débilos, pour le coup. Y a des quoi y a des... Non, toi tu confonds avec Baté Gaël TV. Le Zob Zob Show, toi peut-être. Ouais, c'est avec Zob ça. Zob Show, ouais. Ouais. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est les trucs. Le Palma Show, le Palma Show. Ok. C'est toi que l'on embrasse. C'est toi le Palma Show. Non, en fait, on voulait tester un nouveau truc. Voilà. Donc depuis la rentrée, on s'amusait un petit peu à faire du live. Moi, j'ai un peu twitché avec la bagarre aussi. Bien sûr. On a testé le Bat Egal Show sur 3 émissions. Et à partir de début février, ça sera de manière régulière. Oh ! Sur un nouveau média. De manière régulière. Qui va s'appeler le live. Qui va s'appeler le live. Qui va s'appeler le... Okay. Donc, vous pourrez retrouver le Bat Egal Show de manière hebdomadaire. Très. Avec des fausses pubs. Oh. Et des rubriques marrantes, comme j'irai chier chez vous. Alors, ouais, ça c'est très bien. Et oui, c'est mais tu peux dire aux gens ce que c'est, peut-être. Bah, tout est dans le titre. Chez vous ouais. Non, tout est dans le titre. C'est simple, parce que je pense que les gens n'arrivent pas à le visualiser. Non, mais ça va au-delà de la blague, c'est qu'on l'a fait vraiment. C'est Bat qui avait cette idée. C'est génial. Est-ce qu'il a vraiment envie de. Il a vraiment envie. Il a vraiment mangé des pruneaux toute l'après-midi. Il a bu du pruneau, il s'est mis dans les conditions. Ah oui, donc oui. Et j'avoue que quand il m'a proposé l'idée, j'y croyais à moitié. Je me disais, vous soyez chiant. Enfin, ça va être compliqué, quoi. Et vraiment, il avait la petite caméra, tu sais, face à lui. Ouais, j'ai vu des images, j'ai voilà, vu. Ouais. Quelqu'un d'autre qui le suivait, il est vraiment parti en vélo. Il a essayé de, en direct, parce qu'on était en vrai direct, ouais. Il avait une caméra, tu sais, un petit émetteur dans le sac à dos qui permettait, on recevait son signal en direct. Ouais. Donc c'était du vrai live. D'accord. Et il essayait de rencontrer des gens dans la rue, leur demander s'ils pouvaient aller faire caca chez eux. Et est-ce que ces gens ont accepté ? Oui. Ah, moi, jamais je dis oui. jamais je t'ai oui. Jamais. Pourquoi t'as pris l'accent américain ? Est-ce que je peux vous lire du coup parce que c'est assez drôle comme truc, un SMS que j'ai reçu ce matin. C'est Vincent Cassel ou pas ? Non. On n'a pas trop parlé encore. Pas assez parlé. Non, c'était pas ce matin. Ça aura dit beaucoup sur ma vie. Donc 14h31. ça commence par Ah non. Alors le. Ok. Elle dit n'importe quoi. Sophie, c'est pas mal. J'enlève le vin. Retire-lui cette bouteille. Voilà. 4 bouteilles d'eau. Ce matin, 10h12. Ah, ok. On en parle ou pas du coursier qui passe 3 secondes mais qui a envie d'utiliser mes chiottes ? Ma maison inspire les toilettes aux gens, c'est vraiment hyper troublant. Ah, donc le coursier c'était a chié. Bat. C'est un SMS que j'ai reçu d'une cote ce matin à 10h12 et son coursier qui lui dépose un pli, quoi. Un colis, désolé. Un deuxième petit colis. Chez vous, s'il vous plaît. Et... Il non, a... mais attends, il a chié. Elle a dit oui parce qu'elle est gentille. Non, mais... Il a complètement piqué l'idée. Est-ce qu'il a chié ou il a. Je suis pas très content. Oui, il a chié, il a chié. Non mais. Mais je pense que c'est la gastro, moi je dis fais gaffe. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une. Quelqu'un a une envie pressante à ce point-là, c'est la gastro. Bah quoi. après. Ah, tout, il a livré le paquet quoi. Non, heureusement qu'il. Arrête Gaël, calme-toi. Il a déposé le colis. Hein. La colique plutôt. Et pas de ça sur TikTok, Gaël, attention. Ouais, le colis et la colique. Yes. Moi je me suis senti très mal récemment à cause d'un livreur comme ça. Je me suis vraiment senti vraiment nul parce que le livreur il est arrivé en haut, ouais. Et effectivement il avait l'air un peu essoufflé. Il m'a dit est-ce que je peux avoir un verre d'eau. Je fais bah bien sûr. Je suis allé chercher un verre d'eau. Je lui ai dit est-ce que je peux en avoir un autre. Je fais bon hein. Et je me suis détesté. Évidemment je lui ai emmené. Mais dans ma tête je lui ai rendu. Bon ça va tu veux pas non plus Moi attends, supportable. Ça dépend. Qu'est-ce que tu as dit. T'avais très très faim. Est-ce que c'était chaud. Parce que ça peut niquer ton beige du coup. Ah donc parce que ça rentre en compte dans, dans le jugement de la personne. Bah non mais on après, demande 3 verres d'eau. T'as envie de bouffer ton truc très chaud que t'attends depuis une demi-heure. Ça peut me rendre un peu impatient moi aussi. Oui non c'était plus faire l'aller-retour. Je fais 3 mètres. C'était vraiment un truc horrible. Dégueulasse de mec qui s'est livré. Mais non mais en fait le truc aussi c'est que pour le je reviens à chier évidemment. quand t'es livreur, tu peux pas chier en fait. Enfin, ta journée, tu peux pas aller aux toilettes, donc t'as pas trop le choix en fait. Où est-ce que tu fais caca? Bah, j'imagine qu'ils vont au resto le midi. Dans les restos ils vont chercher les commandes. Au bureau. Peut-être au bureau. Attendez, parce que vous faites toujours caca dans la journée. Moi, ça m'arrive de faire caca le soir et voilà quoi. Moi, c'est le matin. Ouais, voilà le matin. Moi, aussi, quand ça arrive, rien ne peut se barrer mon chemin. Tu m'entends? Team matin. Donc quoi qu'il arrive, go. J'ai un ami que vous connaissez bien. Ça lui vient tout de suite. Valentin Vincent, bien sûr. Oui. J'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit. J'ai aucun souci. Ok, on est complice. J'ai dit oui. J'ai aucun souci. Salut Val. Chie dessus. Non, mais c'est fou que ça lui vient comme ça. Moi, ça me fascine. Moi, je le sens venir quand même, non? Oui. J'ai envie de partir là-dedans pour que t'aies un mot clé de plus dans le titre de ton podcast. T'inquiète, mec. Non, je tiens vraiment à ce qu'on en parle. Ouais. Moi, je crois que j'ai chié absolument dans tous les endroits où j'ai travaillé. Non, mais ça vient quand? Ça vient la veille. Moi, ça prend une journée. Ça prend une bonne journée. Moi, je déteste chier quand je suis pas chez moi. Mais il y a plein de gens. C'est infernal. Donc là, on peut grandir en fait. Limite une phobie. Non, faut que ce soit beau et propre. Ouais. Moi, faut que des gens m'applaudissent quand je sorte déjà. Faut que la déco soit quand même. Il y a des moulures au plafond. Non, c'est plus de l'hygiène. Si je sens qu'il y a un microbe qui peut s'y balader, monter dedans. Mais ça, en vieillissant, je m'en bourgeoise. C'est-à-dire que moi, je pouvais vraiment. Moi, quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai trouvé les chiottes publiques gratuites, Putain, j'étais là genre, putain, mais c'est incroyable. Ça, c'est le futur quand même. Il y a des chiottes gratuits, donc tu peux chier et pisser dans la rue sans embêter personne. Et ah non, faut pisser dedans, dans les cabines. Non, faut pas contre rentrer dedans. Gratuit, cet effet. Mais c'est pas gratuit en plus. Faut si, c'est gratuit dans les rues de Paris. Bah, c'est gratuit, ouais, ouais. Tu rigoles. Bah oui, il y avait Jean-Luc Reichmann qui était devant, il me disait tu me donnes 15 balles. Sinon, tu rentres pas. Sans contact, bim, 15 euros. Ah bah pardon, je pensais que c'était un. Ah non, non, c'est, euros, non, c'est gratuit. C'est gratuit, mais alors, effet qui se coule du côté gratuit, c'est que c'est dans un état terrible. Mais quoi, les chiottes. Ouais, je te trouve dur. Ouais, c'est auto-wash, tout ça. Ouais, ouais, c'est lavé entre chaque. C'est compliqué. Quand même pour Yesh. Ah non, mais moi je. Non, j'irais pas chier dedans quand même. J'étais là-dessus, j'étais là-dessus. D'accord, pardon. J'étais là-dessus. Pisser, ah, c'est limite, génial. En lévitation. Mais pisser quand t'es une meuf, c'est compliqué aussi là-dedans quand même. Oui, mais tu t'assois pas. Oui, bah de... oui, donc c'est quand même plus compliqué. C'est... Oui, oui, d'accord. Voilà. Mais moi, dans les. Et, les trucs et ça te rappelle cradingue. Aussi, et ça te rappelle régulièrement que. La France c'est un pays raciste aussi, souvent. Sur les, ah oui, les écritures, il y a un peu des tags et, horribles. Est-ce qu'on est d'accord que quand on va faire caca dans l'avion, on se dit franchement si ça se crache, c'est chaud quand même. Alors que dans tous les cas, si ça se crache, c'est chaud. Genre, que tu sois dans les chiottes ou pas, on s'en fout. Mais je pense pas que ça se crache en moins de 30 secondes. Non, ouais, mais tu dis quand même, t'imagines. Tu t'essuies de poser sur un fauteuil normal. Non, mais moi, à chaque fois, je me trouve compte d'y penser. T'es bien. T'imagines ce que les gens vont penser. Il est mort, il était dans les toilettes de l'avion. Bah, il est mort dans l'avion, dans tous les cas. Enfin, genre, c'est, personne dans le tous saura. Les cas, c'est personne triste, saura. Quoi. Personne le saura. Il consulte la boîte noire. Ah, Julien Josselin, t'es en train de chier, apparemment. Là. Les données sont formelles. Hein. On a la bande. On entend plus. On a deux infos. Il a prouté. Petit 1, c'est l'État islamique. Petit 2, Julien a prouté. Par contre, avouez-le, on regarde le caca partir parce que c'est stylé ce truc casse-pied là. J'ai plus. Aïe, aïe, aïe. Il était dégueu le bruit. Le... Il y a Julien qui est en train de tester un stand-up chelou. Depuis 10 minutes. Ouais, c'est mon 5 minutes. Le mot de passe Pornhub chelou aussi là. Sachez que pendant un an, Julien a essayé de nous vendre un sketch sur le caca dans les avions. Ça devient une arme qui tombe du ciel. Quoi, je me souviens même quoi plus. Il y avait un truc. C'était le caca des avions, le caca sketch. Des avions. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était, ça partait du principe qu'il y avait des petites particules de caca, et donc tu prenais tout le temps des petites particules de caca parce que les avions jettent du caca. Mais c'est vrai ou pas? Je me souviens même plus de ce truc. Je crois que c'est une rumeur, non? Ouais, c'est peut-être une rumeur. Ouais, c'est une légende urbaine. Ouais, je crois que c'est une rumeur. Il y a des réservoirs. Donc ça partait de ça, et donc les gens partaient du principe. Mais c'est quand même devenu une religion dans certains pays. Entendu. Le caca des avions sur Google. Ça allait au-delà. C'était le caca se congeler en. Oui, le blue ice. Et tuer des gens. Et tuer des gens. Oui, oui, genre des gens qui disent ça a transpercé le plafond chez moi, machin. Exactement. Alors non, les avions ne se débarrassent pas des déchets de la planète en plein sûr. Vol. Tout ceci se fait à terre sur le tarmac. Évidemment. Par contre, il y a un énorme tas de merde dans tous les aéroports. Vraiment, une montagne, une pyramide de merde. L'avion qui trépigne. Ah oh, putain, vite qu'on atterrit. Ah oh, il vide la merde sur le tarmac. L'avion il chie vraiment comme un. Ça fait vraiment rire que avec deux. Des ailes. Et donc, par contre, attention, tout le si monde vous êtes est consterné. Un caca qui pue trop, l'avion peut faire demi-tour. Ah, mais ça, on l'a mais fait. C'est arrivé. Mais non. Non, mais ça, on l'a dit dans Londres, le podcast. Londres, Dubaï a été. Bah non, mais, non, mais les êtres humains l'ont What fait. On l'a dit dans le podcast. Un avion qui départ, qui part de Londres, s'est interrompu et reparti à Londres. Du coup, il est pas jamais allé à Dubaï à cause d'un caca. Bah super. T'écoutes pas le podcast. Wow. J'en ai écouté plein, mais pas sûr. Non, non, mais celui-là, on en a un peu parlé. Mais ça arrive, ouais, ça arrive. Mais ça, les avions. Moi, si ça m'arrivait, je serais un peu fier, je pense. Je dirais. Tout le monde te déteste. Tu fais... Ouais, en même temps, vous en feriez pas autant. Donc... J'ai quand même fait une belle grosse merde. En fait, c'est ça qu'il faut craindre quand tu vas dans les toilettes. C'est pas de mourir dans les toilettes, du coup. C'est d'en faire ouais. Un truc qui. Ouais. Ah, tu commences à chier, tu fais merde, merde, ça y est. Oh non, merde, merde, merde. Mais attends, mais ouais, bon. Mais il y a un truc avec la. Bon, on finit hein, sur la merde. Ouais, dans les ouais, je propose qu'on termine. Je propose qu'on termine. Tu te fais chier sur tes fringues et tu torches avec un gosse. Doté un chat. Il a essayé de se faire passer pour Gaël en terminant par un mot-clé. Il s'est bien rattrapé, il s'est bien remis. C'est un mec en train de tomber, tu sais, hop là, sur ses pieds. Avec, bonne journée. Comme un chat. Comme un chat, ouais, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il s'est bien rattrapé. Franchement. Il y a personne qui écoute ton podcast. Pas passer, passer ce timecode là, c'est bon. Ok, c'est bon, génial. Ça va. Non, je disais, il y a un truc aussi de... Moi, j'ai eu un retour terrible. J'ai fait les Philippines, Paris. Donc, ah Arabie oui. Saoudite, Paris, parce qu'il y avait un changement. Avec la, diarrhée, quoi. Et ça, c'est vraiment terrible. Ouais. Donc, t'as dû faire deux fois le vol. J'ai fait mille fois. J'ai fait mille allers-retours et c'était mille, carrément. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'avais atteint ce stade où quand je re-rentrais dans les chiottes, c'était ma propre d'avant. Odeur de moi d'avant. De chiasse. Personne entre temps était passé. Ah, mais ça c'est bien, c'est-à-dire, tu pouvais simuler, faire. Oh, mais non, attendez. Mais il y en avait deux, ouais. De chiottes. En sortant, à je disais. À l'avant, non, qu'à l'arrière. Uniquement à l'arrière. Un chiotte dans tout c'est l'avion. Vrai. Ouais, enfin, deux chiottes. Ah, yes. Et à chaque fois, en sortant, je me dis, qui a fait. C'est pas moi. Oh, hein, alors qu'en fait, c'était moi oh, d'avant. Oh, il y en a un qui a. Oh, il est très fort. Et la bouffe d'avion me donne envie de vomir. Je pense que c'est d'être en, ah oui, en altitude. Ça me fait, je n'arrive c'est pas. C'est jamais très bon. C'est jamais très bon. Mais alors moi, ça se trouve que c'est... non, c'était avant. Oui, la chiasse, c'était avant. Oui, oui, c'était ça. Je trouve que c'est une légende aussi, ce truc de la bouffe est pas bon dans les avions. Ça, ça va quoi. Bah moi, ça après, je suis végétarien, donc je sais que la bouffe végétarienne est meilleure. Enfin, j'ai un peu. Ça va mieux qu'avant. Ça va mieux qu'avant. J'ai peur de ce que j'ai mangé. Je me demande si j'ai pas accouché d'aliens dans deux. Mais et que des gens vont se branler devant sur Internet. Je crois qu'il y a une explication scientifique. Que en fait l'altitude et la pression, je sais pas quoi, fait que ça agit sur les papilles gustatives et tout. Oui, c'est comme le mal de mer. Et que du coup tout est plus fade et tout. Enfin, il y a un truc. D'accord, la vie est plus fade. Ah ouais, c'est ce que je veux dire. Visiblement, je vis en altitude. Et tant qu'on parle de caca, est-ce que vous avez déjà entendu parler de grève de merde? Oui, alors ah, mais... des gens qui font la grève de la merde. Non, des greffes. Ah, oui, bah oui, bien sûr. J'ai cru que c'était des grèves de la merde. Il paraît je ne serais pas. T'es du comme grève de la merde. Tu connais? Et ils testent bah, sur les ça au bout d'un moment. Ils testent ça, des métabolismes où les nanas elles bouffent genre 3000 calories par jour. Et en fait, pardon, elles mangent beaucoup, c'est beaucoup. Énorme, 3000. Et bah, 3000 calories quand même pour une gonzesse, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, je m'en rends pas compte non plus. Ouais. En McDo, ça fait combien? Ça fait 2. Un McDo, c'est 800 calories. Ah, j'étais pas si loin. Un repas entier de McDo, c'est 800 calories. Okay. Non, mais ça sauve des vies surtout. C'est-à-dire, c'est le des problèmes de flore intestinale. Des vies, c'est fait. Il y a vraiment des gens. Il faut des amibes. Des vies, ouais, s'est fait faire une grève de merde. Non, mais attends, toi, tu parlais de grève de métabolisme. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est que si, dans si, certains cacas, dans ce métabolisme-là de nana ou de mec, enfin de corps, où ça brûle beaucoup les calories, etc. Machin. Ils se sont rendus compte que leur métabolisme était concentré dans leur caca et qu'en fait, si on arrivait à synthétiser ce caca-là, on pouvait les cloner à d'autres qui ont des métabolismes qui, par contre, eux, plutôt stockent. Je n'y crois plus du tout. Hein. Bah, ça marchait, figure-toi. Bien sûr. Et mais donc, le problème, c'est qu'il faut réussir à faire de l'usine à merde humaine et ça ne marchera jamais. Oui, et tu ne pourras pas ça en faire un labo de caca. Ah ouais, je crois qu'ils greffent les oies. C'est ça le problème. Super intéressant. Et c'est dans en fait, si tu as une amie qui a un super métabolisme et que toi, tu es obèse, et ben, mange ton caca et tu seras mince. Bien sûr. C'est pas que ça. Ils font ça avec les oies aussi pour qu'elles puissent. Non, mais c'est une question de flore intestinale. Il y a un super reportage sur Arte. Vraiment, ouais, ouais, et ça sauve des vies. Et il y a vraiment des hôpitaux qui récoltent la merde des mais gens pour la mettre dans le cul d'autres gens. Et ça sauve vraiment des vies, des cancers et tout. Moi, j'ai d'accord que c'est du don et que ça peut pas du tout être industrialisé, donc c'est très compliqué. Mais aux États-Unis, pourquoi tu voudrais te fournir en. Non, le lancer une start-up. Aux États-Unis, ils sont payés pour mais donner en France, leur merde. Ce sera impossible parce que oui, tu en France, pas, impossible. On aime trop notre merde déjà. Demander à Philippe Catherine. Non, mais il y a vraiment des gens qui se font payer pour donner leur merde pour sauver des gens. Bah, c'est génial, pas mal comme job. Temps, y a du mais c'est très sélectif, c'est très sélectif. On ne peut pas prendre sa merde comme ça. Il faut de la bonne merde. Ah ouais. Mais tu sais qu'une usine à merde, c'est là où ils ont fabriqué Zemmour. Qui est mon pote? En fait, on n'a pas peur en fait. Bah, non, mais je vous dis. Non, mais moi je me sens là entre Ray, hein, tu vois. Alors là, moi je te dirais de TikTok. Non, mais on est bien. Sophie. Oui. Sophie, j'ai reçu beaucoup de messages pour te remercier pour le meufisme qui a marqué la vie de plein de jeunes femmes. Et pas que, j'en suis sûr, mais là en l'occurrence j'ai reçu des messages de jeunes femmes. Et je voulais, l'une d'elles demande si tu avais été inspirée, parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait. Autant il y a beaucoup de livres qui parlent de féminisme et qu'elle ne trouve pas que dans les autres arts ce soit si riche que ça. Je pense qu'elle parle de cinéma, de séries, de trucs comme ça. Est-ce que vous aviez été inspirée pour le meufisme par certaines choses ou pas du tout? Honnêtement. Non, c'était un coup de gueule personnel. Moi, je suis issue d'une. Je suis au milieu de deux frangins, j'ai que des cousins. Je suis née dans un milieu de mecs, élevée comme eux, avec les mêmes droits qu'eux, totalement. Puis quand je suis arrivée dans la vraie vie, non. Tout d'un coup, on se dit, il y a des différences entre vous et moi. Et non, c'était un coup de gueule assez perso. Par contre, non, en le faisant petit à petit, en m'éveillant au féminisme, j'ai remarqué quelles étaient les références là où les films présentent des héroïnes quand même, même si on dit qu'elles sont assez récentes. Finalement, on a quand même des nanas hyper puissantes. Madonna est un modèle hallucinant d'émancipation. Ouais, par exemple, même Marilyn Monroe dans ce qu'elle faisait à son époque. Hein. Donc, ce que je percevais pas du tout comme du féminisme à l'époque et qui en fait en est. Mais moi, au début du meufisme, j'osais pas dire le mot féministe, par exemple. Pas du tout. Ah, c'est marrant. Ah non, ça me faisait très très peur, ce mot. Ça, tu disais meufisme, du coup. Bah ouais, alors du coup, les féministes nous détestaient, Parce que pourquoi vous appelez ça le meufisme ? Bah parce que c'est la meuf lambda, donc et puis je trouvais que le féminisme c'était un combat très sérieux. Oui, et moi je voulais faire rire avec des tracas de la meuf du quotidien, quoi, qui dit juste j'ai peur de rentrer chez moi le soir alors que tous mes potes mecs ils rentrent peinards, ils ont pas peur d'être de traverser Paris à pied la nuit. Moi je me chie dessus, j'ai l'impression que je vais me faire violer à chaque carrefour. Ouais. C'est un peu injuste. Puis, ça aurait été peut-être un poil premier degré d'appeler ça féminisme. Bah, ouais. Ouais, bah merci, il faudrait leur dire parce qu'elles l'ont très mal pris, on s'en est pris mais plein la gueule au début des féministes. Les féministes ne nous ont pas du tout. Ah non, elles nous ont détestées. Après, toutes les féministes ne sont pas d'accord entre elles. Mais oui, ouais, alors bah, c'est ce que. Ouais, du coup, pour se réconcilier avec du coup toutes elles, c'est un épisode de la troisième saison où on dit oui, il y a autant de femmes que de il y a autant de féministes que de femmes. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais merci à ouais, c'est cool tous les gens qui nous ont suivis sur le meufisme, etc. On a toujours eu que des gens très très sympas. Oui, t'as vu ce que j'ai fait. Sauf les féministes. Arrête de me regarder, toi, mince. Avec mes nouilles chinoises partout. À la cour. Elle du met coup, des nouilles partout. Elle a testé d'en remettre une exactement au même endroit tout à l'heure. Elle est vraiment en haut de ton armoire, là, au-dessus de ta tête. Ça va tomber sur toi. Excusez-moi. Non, t'inquiète. Et bref, merci à tous ceux qui nous ont suivis, ils sont très sympas. Mais du coup, il y a aussi des questions. C'est pour savoir si on allait te retrouver à l'écriture d'autres formats. Alors, pas forcément qui parlent de féminisme, mais en tout cas qui. Comédie, mais aussi qui prend des sujets au sérieux, tout ça. Est-ce que tu travailles sur ce genre de choses? Alors, ça prend un peu plus de temps parce que ce sont deux longs métrages et j'ai deux longs métrages signés et en développement et en préparation qui sont forcés. Enfin, il y en a un qui l'est à fond et l'autre un peu moins, mais de toute façon, je. Ça prend beaucoup de temps le cinéma aussi. C'est ce que les gens ne se rendent pas compte, mais ouais. Surtout nous qui débutons, entre grosses guillemets, mais qui n'avons pas fait de film, ça prend un temps fou. Oui. Alors, on dit qu'en moyenne, un premier long métrage, c'est 5 ans. Moi, je caresse toujours l'espoir que ça se fasse tout bien là en 3 ans. Ça a l'air de, c'est plutôt le chemin que je prends. Ouais. Mais même 3 ans, je trouve ça long, en vrai. C'est très long. Bah, surtout quand on vient d'Internet et qu'on est un peu habitué. Tous les financiers, les machins, disent, disons que ça va vachement vite pour toi. J'avoue, ça me fait un peu chier que ce soit si long. Ouais, le côté Internet fait qu'en plus, mais ça, c'est un truc qu'on se dit aussi parfois avec Adrien, Julien, Gaël. Toi, tu travailles aussi sur des. Toi, t'as fait des séries pour le coup. T'as bossé sur José. Série pour OCS avec mes potos de Groland, Franck Belloc et Jean-Michel. Et encore OCS, ça va assez vite pour le coup. Encore. Ouais, ça allait hyper vite. Après, nous, on a aussi écrit du scénario de long, mais qu'on a toujours pas réussi à faire financer. Donc, toi, tu dis oui, 5 ans. Nous, c'est notre premier scénario, on l'avait vraiment écrit il y a 10 ans. Quoi. Après, il y en a un autre là qui. Des fois, ça vient, ça part. Il y a eu deux prods qui l'ont eu. Ah, ça, on peut le faire. Ah, ça, c'est un peu limite comme sujet. Après, quand tu baisses les bras, ça repart en fait. Là, le film repart. Donc, l'essentiel, c'est d'avancer. Tu es sur des prods et des fois, tu as des bonnes surprises. Il y a des tonnes d'histoires comme ça de mecs qui te disent qu'ils ont sorti un scénario d'il y a 8 ans, 10 ans. Donc, mais ça peut aller beaucoup plus vite aussi. Donc, ouais. La série, c'est bien pour ça. Ah bah la série c'est démentiel pour ça. Ouais. Mais surtout qu'en ce moment la série, enfin quand t'es un peu dans ces milieux-là, c'est il y a une recherche énorme. Enfin beaucoup de diffuseurs pour les séries. Moi je sais que je préfère écrire des histoires de cinéma parce que c'est plus court, plus condensé et c'est plus ce que je consomme même en tant que spectateur. C'est vrai que souvent quand j'en parle, on me dit mais est-ce que tu veux pas plutôt écrire de la série ou sur des séries et quand vous dites la série, vous parlez de Samy? Samy la série? Bien sûr mec. Allez. Mais tu vois, je me présente. Tu vois, j'ai signé mes deux longs métrages à 2 mois d'écart, donc on peut pas refuser de taf en fait. Surtout quand c'est du cinéma, tu dis oh, mon Dieu, j'ai deux prods différentes qui veulent me signer en long. Je pouvais pas refuser, j'étais trop contente et les projets me plaisaient vachement. Donc je dis ok. En vrai, je me rends compte seulement maintenant après 15 mois de dev, d'écriture, etc., que la lourdeur du cinéma. En termes d'ambition, les producteurs ont une ambition pour toi d'auteur ou une ambition sinon très commerciale. Mais en tout cas, il y a un poids. Tu n'es pas toute seule du tout, en fait, derrière ton projet. Gros. Enfin, ouais, les budgets. C'est un truc qui est quand même très lourd. Ouais. Et moi, je me rends compte seulement maintenant. Au début, j'ai dit, mon agent de l'époque était OK là-dessus. Est-ce que tu veux des co-auteurs ou pas? Non, c'est bon, j'ai bourriné comme d'hab sur le web. Et puis, en fait, 15 mois plus tard, là, sur un des longs, on est en recherche d'un co-scénariste parce que j'en peux plus, en fait, d'être écrire seul de longs métrages en même temps. Je le conseille à personne. C'est un petit, c'est stupide. Ouais. Alors que quand je suis en série, etc., machin, j'adore être dans des pools d'auteurs, etc. Là, à cause du poids français, de la nouvelle vague, auteur, réalisateur, il faut être maître de son projet. Quand j'ai signé ces films-là, j'ai dit non, mais oui, je suis capable d'écrire toute seule. Mais c'est complètement con de dire ça déjà. Ouais. Sur l'un des deux films, j'avais un directeur littéraire, donc ça a été beaucoup plus simple. Et du coup, ça c'est très bien. C'est comme un co-auteur, mais moi j'étais dirigée et cadrée. Ouais. Et il m'aidait à faire des choix. Sur l'autre, pas du tout. Du coup, sur l'autre, ça a pris un retard considérable parce que j'ai dû tester 700 000 pistes. Ouais, c'est ça. Et putain, vous savez ce que c'est que tester des pistes? C'est l'enfer, en fait. Tu peux passer 3 semaines sur une mauvaise piste. Hein. Ouais, bien sûr. Et du coup, là, on est en train de faire un reboot de sept traitements. Et c'est Disney qui le produit, du coup. Ouais, voilà. mais donc, ce que je veux dire, c'est que la série aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur exercice en tant que scénariste. Et moi, j'aimerais revenir à la série assez vite, une fois que les longs sont vraiment bien emballés, enfin bien. Tout se passe bien, sur le financement, etc. Une fois que tout est cool, casté, financé, ce sera bien lancé. Parce que la série permet déjà d'être assurément en pool d'auteurs. Les producteurs et les distributeurs acceptent de suite l'idée qu'on soit en pool. Et surtout, ça se fait très très vite. Donc c'est un exercice que je trouve... plus kiffant. Je crois qu'il parlait de contrainte et que c'est la contrainte qui rend créatif. Le long, c'est, ils sont un peu genre réfléchis bien, choisis bien tes trucs, mais à force de se regarder le nombril, tu peux aussi pondre de la merde aussi, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est très compliqué, je trouve. Et tu peux après, en faire don peux... après. Ouais. C'est ça, mais voilà, mais oui. Et donc, tu peux la donner à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Bon, très bien. Gaël, on t'a entendu. Oh oui. Oh, t'es survolté. Laissez-le. Oh, on peut jouer au jeu. Tu dis Gaël, on dit quoi ? Et tu mettras les réponses dans. Je sens que je vais galérer. Et on en fait tous. Non, mais on en fait tous un. Et genre tu mets un top après et les gens ils devront deviner qui est le vrai Gaël. J'ai déjà oublié le début de ta phrase. Ouais, t'as pas compris. J'ai arrêté à Gaël. Non, t'as pas compris. Les gens ont compris, je suis avec eux. C'est une très bonne idée. Ah. C'est du montage, je ne le ferai pas. Gaël, on t'a entendu doubler pas mal de dessins animés. Quoi. Car outre la couille cosmique, apparemment, couille cosmique, tu as fait les cassos. La couille quoi ? La couille cassel. La couille cassel. T'as vu, on t'a entendu doubler les cassos. Et deux épisodes. Ah, c'est pour ça que t'as fait. Oui, c'est pour ça. Cosmic. Et c'est ça. Et Vermine, c'est ça ? Et Vermine, le commissaire de Vermine. Ouais. Est-ce que ça te donne envie de faire du dessin animé plus ? Ou est-ce que c'est un autre exercice juste ou, est-ce que la couille cosmique, il y a eu deux saisons quand même ? Il y a eu deux saisons. On va peut-être faire la troisième saison en BD. Mais c'est pas sûr encore. On hésite. En fait, c'est à moitié signé. Mais on hésite encore un petit peu peut-être à repartir sur une troisième en animation. Mais c'est très cher. C'est très dur à financer. Ah, c'est pas vous qui payez ? Et c'est pour vous que Pug. Il fait une très belle petite voix aussi. Actarus. Actarion. Actarion. Ouais, c'est ça. Oh, on a changé d'ambiance. J'espère que les gens se sont couchés là. Ils se sont mis, tu vois, une petite nappe et qui fait. C'est ça. En fait, tu rigoles fort et puis après tu fais oh bon, bah, voilà, maintenant je passe un peu. Une nappe, j'ai dit une nappe. Pour te répondre, non, j'adore ça. J'adore ça. Et surtout, j'adore faire des voix. Non, mais toute la création, même du. Je me verrais bien en fait dans un monde idéal. Vraiment développer ma propre série en showrunner, tu vois, directeur artistique. Parce que moi, j'ai, sur la couille cosmique spécifiquement, j'ai écrit, j'ai joué, j'ai dirigé les comédiens aussi des voix. La série porte quand même ton prénom aussi. Aussi, non, mais j'aurais pu juste écrire et faire mes voix, mais j'ai aussi fait la musique et les bruitages. Ouais. Et donc c'est un tout. Il y avait aussi un petit peu de validation en DA sur les personnages, sur les décors et tout. Donc je crois que c'est un truc qui me plaît énormément et je me verrais bien faire... presque que ça de ma vie dans quelques années. Du dessin animé, adapter des trucs que j'aime bien, des BD, j'aimerais bien, j'ai quelques pistes de BD que j'aimerais adapter en série, pourquoi pas. Titeuf. Bah vas-y. Donc, Lucky Luke. Oui, bah, je vais le faire, je suis à ça de le faire, mec. Donc oui, c'est une très bonne question et je kiffe l'animation et je vais, voilà. Mais c'est vrai que c'est dur à faire, tu parlais des films, Sophie, mais alors l'animation c'est encore autre chose, quoi. C'est vrai que c'est très difficile à... Ben, puis il y a un peu de l'animation pour adultes, j'imagine que t'aimerais jongler, plus... Jongler, c'est super dur. Super dur. Il n'y en a pas tant que ça en fait d'anime adulte en France. Justement, tu parlais des Cassos et de Vermine. Mais en France, c'est internationalement non plus d'ailleurs, c'est pas... Un peu plus aux États-Unis. Quand même, ça, c'est... Ouais, si tu prends les... Avec Rick, quand même. Ah, oui. Non, mais tout Adult Swim et tout. Tout Adult Swim, exactement. Ils ont quand même du catalogue, quoi. Mais oui, c'est pas facile à faire et c'est dur à financer, mais il y a de quoi faire. Et j'ai vu d'ailleurs que Bobby Peace était en train de faire un financement. Bobby Peace, les producteurs. Les producteurs, parce qu'ils avaient l'autre série, tu sais, un peu trash. Pipoudou, bien sûr. Voilà, Pipoudou. Et ils sont en train de faire un appel à financement participatif. Ils demandent des dons, voilà, ils demandent des dons pour que la saison suivante se fasse. Moi, j'ai retiré mes dons du Téléthon pour leur donner à eux. J'aime trop. L'animation. Voilà, exactement. Julien. Tu opères depuis quelques temps un... J'ai lancé mon jeu. Alors, est-ce que c'était Gaël ? J'avais vraiment envie de le faire. Le pirate des émissions. Est-ce que c'était Gaël ou est-ce que c'était moi ? Ah, bonjour. T'es vraiment relancé sur Internet, outre Twitch, sur ta chaîne YouTube. C'est vrai. Pourquoi est-ce que ce retour, c'était une envie de revenir un peu aux bases qui te faisaient kiffer ? Ou est-ce que c'est un truc parce que tu sais que les projets plus longs mettent du temps à être développés et ça te manquait un rapport plus direct avec les spectateurs ? Qu'est-ce que c'est ? Un peu tout, un peu tout mélangé. En vrai, il y a un autre déclencheur aussi qui fait truc de riche, mais c'est que j'ai acheté un iPhone 11 et je l'ai un... non mais ouais, c'est voilà, gros c'est truc de riche, mais je l'ai acheté justement en me disant ah, la vidéo elle a l'air vraiment cool dessus. Ouais. Et effectivement, c'est très cool et surtout le son est très bon. Alors après moi j'étais pas sur les derniers modèles de l'iPhone avant, donc peut-être que c'est pas que le 11 qui a un bon son, mais en tout cas là sur le 11, j'ai assez halluciné du son. Et en fait là le facecam que j'ai sorti, j'ai tout fait à l'iPhone, son, vidéo, j'ai rien. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais, si si. Le son et en plus l'acoustique est pas ouf chez moi. Non mais il est complètement choqué par cette info. Non, et vraiment pour le vrai, les vidéastes qui bon j'allais dire qui débutent, mais enfin qui peuvent se payer un iPhone 11, bof. Mais déjà, non, mais en tout cas, quand vous recevez votre iPhone, donnez un verre d'eau au livreur peut-être. Déjà, pas... deux surtout. J'en ai donné un, mon pote. Non, j'ai donné deux, putain. Non, oui, oui. Et du coup, ouais, ça simplifie de ouf tout le processus. En fait, ça m'a permis de le faire beaucoup plus rapidement et du coup de façon beaucoup plus spontanée. Parce qu'en fait, je suis devenu un peu feignant quand il s'agit de faire des trucs tout seul, parce que j'aime tellement le faire maintenant avec d'autres gens et tout, que tout faire tout seul, et j'ai perdu un peu goût au montage au fur et à mesure et tout, que en gros ça me fatiguait le processus. Et là ça s'est simplifié, je trouve, vachement avec ces nouveaux outils, quoi. Du coup ça m'a vachement donné envie d'en refaire. Donc après, pas impossible qu'il n'ait plus là d'un coup, tu vois, genre que d'un coup il y a un truc de sortie qui n'est plus derrière, on verra bien. Mais j'ai quand même pas mal de 2-3 vidéos, donc je pense, et j'ai même commencé à tourner déjà une autre vidéo, donc ça me remotive pas mal. Je pense que je vais quand même ressortir des trucs, voilà. Et puis donc les gens revenaient aussi sur une de tes dernières vidéos où t'as rencontré Jack Black. Mais oui. Donc comment alors, tu peux montrer. Voilà, parce que alors, c'est des manches longues, mais ouais, t'as un petit peu expliqué. On est en audio. Ah oui, je te le montre, regarde. Ah, il est super. Ah, il est cool. C'est bizarre de le voir en vrai. Tu l'as pas mal expliqué dans ta vidéo, mais comment on sent quand on fait ce truc là, c'était assez... impressionné, parce qu'en plus c'est particulier, t'es un peu dans un couloir de promo, c'était assez rigolo. Ouais, donc pour expliquer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je me suis fait tatouer un dessin de Jack Black, donc le comédien américain pour ceux qui connaissent pas, et c'était assez particulier. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup c'est pas une opération, c'était vraiment pour la sortie c'est pour la sortie de Jumanji. en gros les Sony Pictures m'a contacté en me disant ouais, il y a l'avant-première de Jumanji 2 au Grand Rex machin. En plus, pour être honnête, j'ai même pas vu le premier. Parce que je regarde pas tous les films de Jack Black. J'adore Jack Black, mais je sélectionne un peu ce qu'il fait. Même si on m'a dit en vrai, Jumanji 1, apparemment, c'est très cool. Mal. Ouais, donc non, je le regarderai, cool. Je pense. Ouais. Donc ils m'ont dit ouais, est-ce que tu veux venir là en première? Il y a The Rock, il y a Jack Black, il y a Kevin Hart, il y a tout le casting qui était là. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu le pif. Je me suis dit, paf, dans ce lot de méga stars américaines, il y a quand même The Rock, qui est quand même en France, je pense, beaucoup plus connu que Jack Black. Ouais, et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que tout le monde s'en fout un peu de la venue de Jack Black. Ouais. En tout cas, une grosse partie des gens sont plus intéressés par la venue de The Rock. Et moi, Jack Black, c'est vraiment des mecs qui, bah, toi aussi, hein, je pense, ouais, qui a bercé mon enfance. J'ai regardé beaucoup de films. Tenacious D, j'ai vu le film School of Rock, tout ça. Enfin bref, plein Harry de trucs. Potter. C'est vraiment Harry Potter. School of Rock, qui, moi, est dans mon top 20 des meilleurs films. Quoi. Ah ouais, ouais, c'est vraiment super, formidable. C'est très très bon film qui se remet très bien. Il est vraiment dans mon top 1000 aussi. Il fait une ref à une private joke qu'on a fait avant l'enregistrement. Mais non, voilà. Et donc du coup, je kiffe de ouf le mec. Je vous fais la version courte. D'ailleurs, je suis en train de raconter. Non, mais t'inquiète. Mais et du coup, je kiffais de ouf. Donc j'ai dit, est-ce que c'est possible de vite fait le rencontrer? J'adorerais le rencontrer. Et ça s'est fait au final assez vite. Et ils m'ont laissé normalement 10 minutes avec lui. Finalement, j'ai eu 20, ce qui était complètement fou. Et donc voilà, ils ont été adorables. Donc c'est pour ça que je les ai beaucoup remerciés. Et que les gens ont cru que c'était une OP, parce que du coup, j'étais tellement content d'avoir eu la chance de vivre ce truc-là que j'ai fait grave merci, allez voir Jumanji et tout ça. Et donc voilà, il m'a fait plein de dessins. En gros, il m'a fait 4-5 dessins, je crois. Et je suis allé direct dans la journée me le faire tatouer, du coup. Et j'en ai fait tatouer deux, du coup. Hein, la cheville, je te montrerai tout à l'heure. Oui, là, j'ai des manches longues. Mais voilà, et c'est donc en plus, ça m'a permis d'aborder un sujet qui me plaisait. Parce qu'en gros, et d'ailleurs, j'ai découvert un mouvement, ça peut être intéressant d'en parler, qui s'appelle les ignorants. En gros, les ignorants de tatou. Je sais pas si tu connais, ah toi, ouais, c'est Adrien. Le Front National, non? Non, mais. On peut applaudir. Désolé, pardon. Magnifique. Non, mais en gros, c'est un courant en gros artistique de tatouage qui a été lancé il y a pas si longtemps en plus, je crois. Et en fait, c'est un type de tatouage, disons amateur en fait. Un c'est des gens naïf, qui sont ignorants en fait, qui n'ont pas forcément fait d'études graphiques, etc. Mais qui font quand même des tatouages. Et donc, c'est devenu vraiment un mouvement artistique à part entière. Et du coup, moi, mon tatouage s'en rapproche pas mal et a été tatoué par un des mecs qui est dans un salon de tatouage ignorant. Et donc, c'était assez cohérent parce que Jack Black, lui, est dessinateur, mais à ses heures perdues, tu vois. Ouais. C'est pas du tout son métier principal. Donc, il m'a fait un petit dessin qui est quand même un peu pété, mais que moi j'adore parce que justement cette imperfection là c'est son trait. Puis je reconnais vachement son trait quand t'as vu tous les petits dessins qu'il avait fait dans sa vie et quand il a fait la série post-apocalypse plutôt il a fait tout un film dessiné, en entier, les dessins, c'est incroyable. Il a fait 1h30 de film en stop motion, mais bon, avec une image toutes les 3 secondes à peu près. C'est hyper rigolo, je vous invite à aller le voir. Et non, Jack Black, meilleur gars. Et ça m'a... et c'était la première fois que, parce que pour le coup, bon, ça fait mec prétentieux de dire ça, mais j'ai rencontré quand même pas mal de stars américaines dans ma vie, j'ai eu pas mal de fois cette chance là mais jamais ça m'avait fait cet effet là Daniel Auteuil déjà. Daniel Auteuil déjà. Non, non, mais j'avais rencontré Hugh Jackman. Comment Oui, avec les vidéos de Cyprien, il y en avait eu voilà, pas mal. Avec les vidéos de ouais, Cyprien, ouais, Jess McAvoy, enfin plein de gens. Et encore cette année, Chris Hemsworth. Enfin, j'ai rencontré plein de gens incroyables. Bravo. Mais qui. Et Tessa Thompson aussi. Mais des gens qui sont très cool, mais qui n'étaient pas, tu vois, genre des héros d'enfance, tu vois. Ouais, et donc, ouais. En fait, là, j'ai vraiment, je me pissais dessus, quoi. Ouais, donc, c'était un moment très différent. Oui, c'est important. Et en plus, lui est très détente. Ému. Je suis ému de ouf, je regrette pas du tout, je suis très content. Et donc, les gens ont bien aimé cette vidéo, je suis assez surpris, je l'ai fait un peu pour moi. Et les gens ont fait, ah, c'était mignon, et ça sentait que c'était sincère. Et en même temps, il a en plus, il a tellement un retour. Ça reste une OP à mes yeux. Quand j'ai vu, il a un retour. Pour la l'iPhone 11, enfin, 11 ne va pas s'acheter tout seul. Non, mais c'est vrai qu'il y a le. En plus, sur YouTube, il est vraiment très fort, Jack Black. Moi, je vous invite à regarder sa chaîne YouTube. Jablinski Games. Ouais, Jablinski, qui est vraiment très très drôle. Sa chaîne YouTube est vraiment super. Et Flaubert, tu es lié aussi maintenant à Jack Black, puisqu'il a vu une vidéo dans laquelle tu joues. Il a vu Movie vs Life. Il a vu ça. Mais je suis content parce que tu as pu lui montrer. Enfin, tu as montré celui où on voit le cul de Vincent. Donc, Movie vs Life, parce que moi, mon cul est dans Sex Life Video Games. T'aurais pas aimé qu'il voit tes fesses et qu'il fasse. Qu'il aurait fait. Grosse merde. Quoi ? Oh, vous parlez français, Jack Black. Couramment. Et sans accent. Et sans accent, je vous emmerde. Il savait dire merci beaucoup et il l'a beaucoup dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sam, une question pour tout le monde. Quelle est votre rencontre la plus folle avec un abonné ? Le truc Jack Black, il est abonné à ma chaîne. Un peu fou. Non, Gaël, peut-être. Parce que vous, j'imagine, parce que vous faites quelques blagues, spoilers sur des fois les proutes, le caca et les slips. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peut-être un abonné un peu. Moi j'ai fait un prout devant un abonné, mais je vous invite à aller voir Askip parce que je l'ai raconté dans l'émission. Ah, ah, ok, non, non, mais il place de la promo. Il est très temps. Très fort, il est très très fort. Non, je vous la fais très courte, j'ai pété sur un abonné. Mais. Ouais. Non, une chanson de Brassens qu'on va interpréter tout de suite. Boum, boum, boum, j'ai pété sur un abonné. Ah, vas-y, vas-y, continuez, je vous la fais comme ça. Il a fait son bonnet. Son petit bonnet. Continuez à cette petite basse là, je vais vous le raconter comme ça. Boum, boum, boum, boum, boum. Je me baladais dans Paris avec Raphaël Descrates. Je suis passé en jazz un peu. Je m'arrête à feu. Ouais, on se décale un petit peu, c'est improvisé. Avant de passer, je lâche un petit prout. Mais l'attention, mais qui débarque. Une main sur l'épaule, quelqu'un qui me retient. Oh bonsoir, j'adore ce que tu fais. Michel Jonas. Ouais, il dit j'adore ce que tu fais et j'avais vraiment envie de lui dire là, ce que je viens de faire, c'est un gros pet. Et t'es en plein dedans. Survol et à la manière de Sandra Bullock dans Gravity. C'était incroyable. Et il était dans ce pet et j'avais la larme qui coulait. J'arrivais pas à... je pouvais pas expliquer à Raph tout de suite ce qui se passait, quoi. Et vraiment, j'ai mis, je pense, 4 minutes avant de pouvoir dire des mots quand il est reparti. De lui dire que juste on était dans ce pet et qu'il sentait fort, quoi. Tu vois, oui, c'est ce que j'allais te demander. Pet qui sent la merde. Donc non, non, plus, le mauvais un... pet, quoi. Le pet où, en fait, il est... le plan à l'origine, c'était de je m'arrêtais au feu. Ça allait passer au vert, je pétais au moment où ça passait. Le plan était parfait, sans accro. Tu vois, et vraiment, putain, il est arrivé dans Ocean Eleven. Il a tout niqué. Putain. Gaël, du coup pas, j'ai pas de souvenir précis, mais vu qu'on a fait la tournée de dédicace de la BD, on a quand même rencontré beaucoup de fans à la rentrée. Qui est disponible dans toutes les Fnac Cultura et autres librairies. Bien sûr. Bat et Gaël, ça c'est vraiment BD. Vous pouvez trouver. Super, super, super bande dessinée, c'est le truc le meilleur du monde. Et, t'as jamais dédicacé une tub, par exemple? Pourquoi? Non. Non, non, non, mais il y a un mec. Il y a un mec. Non, mais un cul, c'est sûr. Des culs, ouais, il y a eu plusieurs culs. Plusieurs culs de mecs. C'est vrai. Il y a eu. Cul de femme ? Une... Non, il y a une meuf qui m'a demandé de le tatouer les seins, j'ai dit non. Oh, que gentleman. J'ai fait la prude et j'ai dit non. Et plus mignon, quand, quand on a fait la tournée ensemble de Punk Mon Tube, parce qu'on a fait une tournée ensemble de Punk, il y a des gens qui se sont demandés en mariage après votre concert. Putain, mais c'est fou, vrai. Ça. Ouais. Bah, notre concert, parce que c'était. Oui, mais c'était au moment où c'était vous. Mais c'était pas l'Angelamou, quoi. Incroyable. Et c'est vrai que pendant un morceau vraiment très très trash, l'Angelamou, que ça gueulait, mais comme jamais, quoi. Incroyable. Bon, il y avait des pogos partout et le mec s'est mis à genoux. C'est un mariage qui va durer toute. Non mais c'est génial, il s'est vraiment foutu à genoux en plein pogo, il a demandé sa meuf en mariage. C'était génial. Pendant notre concert, c'était fou. Incroyable. C'était mais il y a la vidéo, toi ? Elle a dit oui, bien sûr. Dans le making of, dans le récap en cours de tournée, on en parle et on voit le moment où les gens font « Elle a dit oui ah, !» C'est assez génial. Drôle. Ouais, c'est génial. C'était bien cette petite tournée. On va refaire peut-être. Mais oui, mais oui. Donc voilà, des exemples. Mais non, mais moi j'aime toujours quand les gens se trompent, parce que moi, 9 fois sur 10, on m'appelle Bat. Vraiment. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens se disent « C'est marrant, il appelle par son propre prénom. » En fait, c'est comme si c'est, tu vois, le truc est totalement inversé, quoi. Bien sûr. Et les fois où on m'appelle Ken Kojandi ou Ken Kojandi, ou le Palmacho, ça m'est arrivé plusieurs fois. La personne, le Palmacho, c'est génial, énorme. Vraiment, ça m'est arrivé plein de fois. Mais le mieux, c'était quand même à un concert à l'Olympia, un mec qui vient me voir et qui me parle pendant 2 minutes. Il me fait ouais, il y a Seb qui t'attend là au bar, il a dit qu'il fallait que tu te dépêches, et vraiment, il me parle. Et je regarde, je sais pas du tout qui t'es, et puis il me fait, mais t'es pas Wookid? Wicked. Oh. Oh non, génial. Là, je fais non. Même lui, je pense, le connaissait personnellement. Il s'est même trompé lui, tu vois. Sur quelqu'un qui connaissait lui. Donc là, c'était vraiment pas mal. Ouais, non, moi, j'ai que des. Mais si, YouTube un peu. Ouais, YouTube, fais des trucs sur YouTube. C'est très nul parce que tu. Moi, là, ça m'est arrivé une fois où quelqu'un fait mais je vous ai déjà vu. Je vous ai déjà vu. Je vous connais. Ah, vous êtes dans le quartier et j'étais pas dans le quartier. Et du coup, je fais bah. Peut-être sur YouTube, il m'a fait non, je regarde pas. Bah, du coup, ça tu mélanges juste aussi. Avec un autre gars. C'est Olivier de Benoît. C'est... Ouais, c'est... ça me blesse à chaque fois. Là, ces moments-là sont gênants. Ça m'arrive aussi que les gens fassent ah, mais attendez, on se connaît. C'est horrible parce que t'es obligé de dire ouais, ok, parce que sinon c'est gênant. Les gens cherchent indéfiniment. Ouais. Voilà. Mais quand c'est pas ça, c'est pas ça, c'est honteux pour toi. Ah oui, voilà, côté, dans tous genre, les cas, c'est un moment pour que tu te prends. C'est ça, exactement. Ça m'est vraiment arrivé aussi plusieurs fois. Son père, arrête-toi. Peut-être que tu m'as vu sur YouTube. Non, je crois pas. Non, je regarde pas YouTube. Non, je déteste. Si je regarde, c'est vraiment pas des vidéos avec toi. Non, mais c'est ou alors t'es un peu blasé. T'as une personne, deux personnes. Moi, en sortie de vidéo, généralement dans les 72 heures de la sortie de la vidéo, là tout d'un coup les gens osaient venir me voir parce que sinon j'en vois une fois j'ai été suivie par deux gamines au Monoprix, ça me faisait trop rire parce qu'elles pouffaient comme ça, tu sais, avec alors elles faisaient des stories et tout et elles me suivaient de loin, elles osaient pas me parler. Mais par contre dans les 72 heures de sortie de vidéo, là les gens osent plus me parler. Ouais, parce que c'est frais. Bah ouais, parce que c'est frais, etc. Et sauf que du coup pendant ces moments là les premières 24 heures t'es hyper présent pour tout le monde, mais moi sauf que dans mon quartier souvent je suis avec mon gamin, donc je suis aussi un peu en autoprotect. On peut faire des selfies, moi et la personne, mais pas avec, pas avec mon enfant. Il peut tenir l'appareil photo, c'est pratique. Ouais. Mais bon, non, mais il y en a qui commencent à le toucher. Aujourd'hui, il y a des trucs, un peu, ouais, y a des trucs un peu bizarres. Non, mais tu sais, pour lui prendre les joues, genre, tu t'appelles Peter. Bah oui, parce que je suis une connasse et que j'arrive pas à pas le mettre en photo tous les trois mois sur mon Insta. Mais parce que je... Bref. Ouais. Et du coup, il pense qu'il. Bref. Et du coup, il y a eu des fois des trucs un peu chelous comme ça. Mais dans ces moments-là, je vois quelqu'un arriver vers moi. Du coup, je dis, ah putain, c'est encore quelqu'un qui me connaît de YouTube. Et pas du tout. Oui, non, c'est quelqu'un qui vient te dire genre vous avez des nouilles sur les joues. Et là tu te sens con, mais allez, ouais, c'est ça, tu te sens prétentieux. Mais alors ouais, le mal-être que tu portes sur toi, il est fou. Ouais. Et il est bien aussi, il te ramène un peu il te ramène les pieds sur terre. Mais putain, cette sensation est assez drôle, hein. Assez dégueulasse. Ouais. Adrien, dans ton actu, hein. Oula. Moi j'ai pas répondu. Ah, mais t'en as une? J'avais rien. Non, non, ah, oui, mais je l'ai senti. Non, t'es dur. Parce que des fois, si je te jure, je l'ai senti sur ma vie. Ils se connaissent vraiment bien les deux. Sur ma vie. Les jumeaux. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que. Il y a une vraie. Ouais, comme ouais, tu disais, le truc où les gens ils te reconnaissent pas et tout. Symbiose. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui disent. Tu sais, ils vont te voir. Je vous connais, non? Alors tu fais ouais, bah peut-être YouTube. Il fait ouais, où ça? Alors tu fais bah, je sais pas, peut-être Golden Moustache. Tu fais ouais, peut-être. C'est quoi votre nom? Adrien Méniel. Il fait ah ouais, j'aime trop ce que vous faites. Bah non. Pardon. Clairement non. Tu n'aimes pas du tout ce. Enfin, tu ne sais pas du tout. Ah, mais moi j'ai déjà eu le. Comment? Julien Jochelin? Ah ouais? On fait la photo? Bah non. Enfin, bah, ouais, moi c'était à l'époque quand j'étais. Enfin. Bah, à l'époque un peu sur les 4, mais quand j'allais dans les trucs genre Japan Expo, ça c'était la fête à ça, parce que c'était les seuls endroits où on pouvait se faire un peu reconnaître, enfin en tout cas moi, un peu reconnaître, et tu sens qu'il y avait vraiment beaucoup de gens de ah, il y a un badge, il y a des gens qui ont des photos, on va demander bah, des photos. Le pire c'était Paris Game, non, oui, oui, Video City. On voit. Video City Paris, quel enfer. Oui. L'enfer. Moi j'y suis jamais allé pour le coup. De la merde. Non, mais c'est... Non, non, c'est... Non, je suis d'accord. Moi, je suis parti en milieu de journée. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Pour c'était les de la merde. D'ailleurs. En fait, c'était de la merde, c'était mal organisé. Et c'était effrayant parce effrayant. Que les gamins payaient quand même 15 balles l'entrée, je crois. Horrible. Comme ça, hein. C'était une machine à frites. Et les mômes, ils t'avais venaient. Fait une séance de dédicace aussi ou pas? Ah, ouais, obligé et tristesse. Mais c'était terrible pour eux parce qu'en plus, c'était mal organisé, donc il y en a plein qui ont attendu pour rien. Nous, on a fait une heure de dédicace et. Et on aime bien rester un peu plus longtemps, tu vois, avec les gens. C'est juste chiant de signer un truc et d'aller ciao, quoi. Ouais. Donc on aime bien discuter avec les gens, rigoler un peu avec eux, faire des photos et tout. Et il y en avait, ouais, genre plus de 50 qui n'ont pas pu du tout faire la dédicace, ouais. C'était horrible. C'est pour ça que les gens manifent dans la rue, là. C'est qu'ils ont toujours pas eu la dédicace. Enfin, ça et la retraite, il y a deux trucs. Mais non, mais s'il y avait ouais, la retraite, vidéo, on s'en bat les couilles. C'est que des gamins nous disaient qu'ils venaient de Lyon, je sais pas quoi. Donc tu vois, les c'est parents ça. Qui avaient voyagé depuis 3 ans. Qui avaient envie de crever. J'en ai vu des reportages de ça cette année, là. Les gens qui font. Bah, on l'accompagne, mais tu sais, alors. Ils en ont pour 70 balles de parking la journée à Paris. Ils ont fait, je sais pas combien de thunes d'autoroute, plus les billets d'entrée pour leurs gosses. Qui sur place prennent des goodies pareil, enfin faut arrêter les goodies, le tote bag à 30 balles faut juste ouais non c'était, mais c'est pour ça que nous on a pris beaucoup plus de plaisir à faire les dédicaces de la BD, ouais, parce que forcément c'était, truc. C'était ouais. moins fat, oui on vient vendre notre truc, non mais c'est mieux je trouve, non mais c'est mieux, tu présentes un truc à toi, t'as un vrai truc, t'as un vrai, t'as un objet pour ton art en fait, ou alors faut aller au Frames, meilleur Frames, c'est cool, dire ouais, ils font plus de dédicaces d'ailleurs je crois, ils ont arrêté, non il y a plus de dédicaces, pourquoi ils ont arrêté du coup, bah parce que pour ce côté, c'est pas très... En fait, en gros, le truc, c'est que quand les gens font un événement, soit une conférence, soit une projo et tout, il y a toujours moyen de rencontrer les gens après. Oui, et du coup, ils se sont dit, le truc de dédicace, c'est un peu on nul. Fout, hein. Tu vois les gens en 5 secondes. Là, vraiment, moi, j'ai plus parlé à des gens à Frames en les croisant dans la rue et t'as plus envie de le faire qu'effectivement... En file d'attente où tu vois une ligne de gens, donc tu dis bah j'aimerais que chacun ait son truc, enfin tu vois c'est pas le même rapport bizarrement. Mais après Frame c'est vraiment pour les gens qui font des trucs sur internet, c'est pardon je les aime beaucoup mais c'est cher aussi hein. Oui bien sûr. Non mais c'est vrai que ça trie, ça trie un peu sur le vol. Je sais pas, c'est 800 balles, c'est 800 balles. Pas 80 euros, 70 ah ouais, par jour. Je sais pas, j'ai pas bien des bêtises, mais c'est quand même, c'est pas très accessible. 800 balles jour, voilà tout simplement. Non, c'est super. Mais c'est formidable. En tout cas, je sais pas si vous avez déjà fait une tournée de dédicaces de BD ou quelque chose. Bah, non, parce qu'on sort rien. Mais c'est trop bien. T'as mis une disquette à la BD. J'ai fait une sacrée disquette à la BD. Mais un peu avec ton éditeur, t'as choisi les villes ou pas du tout? C'est l'éditeur. Ouais, non. Il y avait un partenariat avec la Fnac, on nous a proposé. Après, Gaël a un gosse dans le sud, donc il peut pas y aller déjà. Et un autre dans l'est, donc ouais, c'est ouais. Non, on nous a proposé, ils nous ont dit vous voulez 4-5 dates. On a fait non, allez-y. Au final, on a fait 15, je crois. Et on a fait un vrai petit tour de France. Et c'était trop cool. Et les gens étaient trop contents de nous voir. Et nous aussi, on a eu plein de dessins, plein de cadeaux. On s'est trop marré. Et ça ressemblait un peu à notre tournée aussi. Mais c'est ça, mais j'ai déjà fait des dédicaces de BD en fait. Eux, ils étaient Axolot aussi. Bah voilà. Mais moi, après, j'ai peut-être. Et t'as aimé, Adrien ? Ouais. Sympa. Là, en fait, moi le truc c'est que je suis pas. Non, mais en fait. Non, mais moi je. Quand je dessine. Bah, déjà, de base, je suis pas très fort pour le small talk, comme on parle. Juste parler vite fait, machin. Ah, oui. Et en plus, quand je suis en train de dessiner, parce que moi, du coup, je faisais dessin. Pas très simple de dessiner et en même temps parler aux gens et tout machin, etc. Donc c'est... Zep y arrive. Zep y arrive. Pourquoi t'es pas... Il y arrive. Tu t'es déjà allé à une dédicace de Zep? J'ai une dédicace de Zep. Bah, non. Bah, c'est mon pote. Ouais, bah, il a très bien parlé. Après, il a fait Titeuf, pas toi. Ouais. Ah, bah, tu fais bien. Bah, Gaël l'adapte, c'est moi qui fais la voix de. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que pour le coup, alors après, je vais peut-être faire le boomer, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu tous, la génération un tout petit peu avant que ce soit vraiment un énorme. Enfin, moi, j'ai assisté, là où je veux en venir, à la dédicace du dictionnaire de McFly et Carlito. Ah oui, non, pourtant, là, c'est que pour eux, et c'était quand même l'anarchie. Hein. C'était quand même. Il y a des gens qui sont tombés dans les escalators. Ils n'avaient pas éteint les escalators, ce qui est peut-être une erreur pour une file d'attente. Donc, en fait, ils sont actifs. Ils les avaient éteints et ils sont activés d'un coup. Mouvante. Je pense qu'il y avait une minuterie dans l'escalator. Donc d'un coup, il y a eu un espèce de. Et personne s'est blessé ? Non, les gens sont tombés les uns sur les autres, mais il n'y a pas eu de blessés. Oh là là, l'angoisse. Ah, c'est dur. Et puis là, pareil, en fait, il y avait la queue, c'était à Saint-Lazare, et ils ont dû refuser des gens qui ont fait la queue vraiment très longtemps. Ils le font très rarement aussi, donc les gens, c'est encore. Enfin, bon, de toute façon, ils sont très connus, mais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est aussi agréable d'avoir un peu des gens qui. Mais comme nous au Floodcast ou machin, qui sont. Très présent pour nous et qui nous soutiennent et qui sont pas si nombreux que ça, mais très présents. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai remarqué que plus c'était entre guillemets de niche, quelque chose de précis, tu vois, comme nous, tu parlais de notre tournée de punk la dernière fois où au final on remplit pas des salles énormes, bon, sauf quand on fait une date avec McFly et Carlito, on peut faire le Bataclan, mais hors ce Bataclan, on a fait des petites salles et tout, et donc c'est un truc, le punk rock, c'est déjà le rock est en train de mourir, donc après, le punk rock, t'imagines qu'il est remplir pas le Bataclan, moi je trouve ça assez facile. Ouais, nous on l'a fait assez rapidement. Ouais, c'est ça, ouais, non, mais ok. Il y avait pas McFly et Carlito, nous, hein, je crois. Non mais en tout cas on a rencontré des gens incroyables et pour le coup ça te donne un sujet de discussion aussi, tu vois, tu parlais de small talk, t'as pas forcément besoin quand le sujet est très précis parce que les gens partagent la même passion. Oui, c'est et vrai. Du coup c'est hyper agréable et à chaque fois que plus c'était de niche j'ai l'impression plus c'était sympa. Ouais, non, quoi, c'était une discussion que j'avais avec François Descraques aussi. C'est que d'ailleurs François et un peu moi aussi puisque je suis pas trop sur le devant de la scène, quand c'est des gens qui nous reconnaissent vraiment, c'est vraiment pour ce qu'on fait, ils savent, ils connaissent, ils s'intéressent, ils regardent qui font les trucs quoi. Ouais. Alors que quand on bossait avec Norman et Cyprien et que des fois on traînait dans la rue avec eux, t'as vraiment juste des Norman! Tu fais ouais, parce que le gars le connaît de l'internet, mais c'est pas un gars qui aime bien ce qu'il fait. Ah bah, moi, dès que je traîne trop avec ces gars et qu'il y a des gens, moi je les adore. Hein, il faut traîner avec Nintendo. Mais. Non, mais dès que je fais un événement et qu'on est là tous ensemble, pardon, j'ai reçu un coup de téléphone. Ouais, bah décroche, t'en prie. Mon copain, c'est son anniversaire. Je lui souhaite un bon anniversaire. Ouais, bah merci. Allez. Je lui ai raccroché au nez. C'est son anniversaire. Bon anniversaire, Guillaume. Dans une demi-heure, c'est plus son anniversaire. Fini, ouais. Bah ouais, en plus. Il reste 30 minutes pour le souhaiter. Okay, très bien, bon. Non, je lui ai déjà souhaité. Allô, tu m'as pas souhaité bon anniversaire. Il est 23h30. Julien, rappelle-moi, s'il te plaît. Vite, dépêche-toi. Non, mais je disais, oui, quand j'ai des trucs avec eux, par exemple, Zapping Amazing à l'époque, je m'en souviens, on faisait des tournées, etc. En gros, t'es avec des gens qui sont beaucoup plus connus que toi. T'as ce phénomène de t'arrives, les gens font ah cool, machin et tout, ils te parlent. Cyprien arrive, brrr, tout le monde se casse. Ah ouais, et t'es bah, là, tu fais sûr. Yes. Genre, tu regrettes, tu fais bah venez pas en fait, c'était pour repartir si vite. On va crier sur I4, on va crier sur I4. À VideoCity, on avait eu ça, on avait une putain de file d'attente, on était sur Muffisme à fond. Et tout d'un coup, il y a une meuf beauté qui a fait Danse avec les stars après. Angel Phoenix. Ouais. Angel Phoenix qui arrive et là notre stand se vide mais en deux secondes. Et elle était genre sur un truc, elle arrivait sur scène et tout, c'est la folie. Sur un dauphin. Elle arrivait sur un dauphin. Ah bah presque, c'était un truc hallucinant. Même nous on était là genre qui est cette meuf. Vous y êtes allé d'ailleurs, vous avez quitté votre stand, fait bon on y va aussi du coup, oh, ça a l'air chambé. Je crois que j'allais en coulisses me chercher des Mars. Ça devait être plutôt de Fanta. Allez. Ouais Adrien, comment ça hein? J'ai dit oui, c'est vrai ça. C'était moi. Adrien, j'ai regardé le premier épisode de La Bonne Auberge, ouais. Qui est la nouvelle émission que tu fais avec Lucien Men. Enfin, c'est Lucien. C'est Lucien. C'est l'émission de Lucien, moi je participe. Assez, mais assez régulièrement, c'est un peu. Oui, non, voilà. Je serai là à chaque fois. Voilà, c'est l'émission de Lucien. C'est... Oh, écoute, non, mais, c'est un peu comme ici, tu fais partie de l'ADN. C'est... Je l'ai lu. C'est son projet, quoi. Oui, c'est d'accord. Truc. Et pendant tout l'épisode, on te voyait te retenir de faire des blagues. Est-ce frustrant ou justement est-ce que ça t'a plu de pouvoir interpréter des trucs un peu plus sérieux premier degré? Bah en fait moi j'ai fait déjà en sorte... peut-être dire ce qu'est la bonne mère, oui, c'est du, en c'est fait, du jeu, on de rôle. Joue au jeu de rôle, on fait une partie de jeu de rôle, on est quatre, il y a Max le frère de Lucien, Anne-Sophie Girard et Pénélope Bagieux et donc moi-même, on est les quatre joueurs et joueuses et Lucien est maître de jeu et on fait une partie de Donjons et Dragons, le fameux jeu de rôle. Et donc le principe du jeu de rôle, c'est que tu crées un personnage et t'es plutôt censé incarner et jouer dans l'esprit de ton personnage. Donc moi, j'ai quand même fait un personnage qui dit un peu des conneries, parce que sinon je me voyais pas du tout jouer un personnage hyper sérieux, genre messire, quelle était cette mission que nous voulions nous enquérir? Pas du tout. Même là, t'as un peu galéré. Et voilà. c'était fait exprès. Non, ça va, non, mais oh là là, je me suis dit, je t'ai vu en résistant, genre. Ta gueule, en fait. Il a voulu être subtil. Ah, mais oui, bah ça va. Il y a l'attention, là. Calme-toi, Gaël. Smartbox, 15% sur le Smartbox. Jusqu'à la fin de l'émission, envoyez-le. Donc, du coup, je... Smartbox, c'est 50%. Donc, je peux faire des blagues dans mon personnage. Ce qui me soulage quand même un peu, parce que je peux un peu dire des conneries. C'est vrai qu'après, il y avait pas mal de blagues, comme je dis, fais un jeu de mots à la con, quand quelqu'un, pour rebondir sur... Je peux pas trop le faire, parce que je pense que Lucien est pas fan de ça, ouais. De faire des blagues... Des jeux de mots, j'en ai fait un peu. Mais non, mais il a envie qu'on reste le plus possible dans le perso et qu'on parle pas trop, genre hors personnage, quoi. Donc c'est vrai que c'était frustrant parfois de pas pouvoir faire des blagues, mais c'est pas non plus c'est pas grave, après est-ce que ça m'a fait kiffer de me retenir de faire des blagues? Non, je peux pas dire ça. C'est juste c'est pas grave. T'inquiète pas, ici tu pourras faire toutes les blagues que tu veux. C'était une blague. C'est Skatman. Je tiens à dire qu'il a tout ce discours tout en manipulant des cartes. Tu veux faire. C'est marrant. Mais parce qu'il m'a prédit l'avenir. Oui, parce qu'en fait, je suis une witch d'internet. Et je tire les cartes et mais je oui. devine votre signe astrologique. Et enfin, pour terminer. Alors quelle princesse Disney vous êtes aussi? Je devine ça avec les cartes du tarot. Donc évidemment, sachez d'ailleurs, quand vous faites ça, qu'on sait tous que vous le faites jusqu'à ce que vous ayez un truc qui vous plaît. Voilà. Et arrêtez, car c'est vraiment trop chiant. Voilà. Je profite de faire une cette question qui va très vite. Florent, est-ce que tu envisages de refaire des hors-série Floodcast? La réponse est oui. On va même faire un spécial Pixar dans quelques semaines. Je serai génial. Dedans. Non. Si, si. Non, mais en vrai, si t'aimes bien Pixar, viens. Mais... La bande à Picsou, mon pote. Donc, il n'y aura pas Adrien. Un Picsou, des Pixar. Exactement. Et j'ai une question. Alors, moi, j'en ai une à moi, mais aussi, il y a une question pour Sophie, car tu es l'heureuse gagnante. Bah oui. De Burger Quiz. Oh my god. T'as gagné, elle a gagné le Petit Cruiser. Enfin non, la Jeep Renegade. Alors, moi je l'ai vu sur ton Facebook, parce qu'on est amis sur Facebook, mais déjà faut le dire à la France. tu n'as pas gardé la JB Renegade. Non. Attends, celle qui a les quatre roues qui vont toutes dans le même sens. Exactement. Ok. Ouais, ouais. Ok. Ben bah non, j'ai pas le permis. Et puis j'étais pas riche au point de garder une Jeep dont j'ai rien à voir. Voilà, donc non, on l'a revendue et j'ai une super belle cuisine maintenant. Ah, pas mal. Mieux. Et alors, comment ça se passe est-ce qu'on passe un casting totalement. Ouais. Alors, quand Burger Quiz s'est relancé, ça m'a renvoyé à un truc de l'enfance. C'est un casting que j'ai passé en 2001, donc je venais juste d'avoir mon bac. Et je suis prise au casting, ils viennent à Nancy où j'étais. En année 2000, ouais. Et je suis prise au casting, donc j'ai passé le casting. Et là, ils font un questionnaire Star Wars. Et j'ai répondu que sur Star Trek. Ah, yes. Le track. Ouais. Tu sais, et, le track. Non, mais voilà. Ouais. Et à la cinquième question, là, je me dis ah, là, t'es pas sur le bon, du tout la bonne trilogie. T'es totalement à la masse. Alors que je dis que je veux faire du cinoche, que j'adore le cinéma, etc. Tu vois. Oui, bon, ça va. Oh bah, tu vois, c'est ça. C'est de ce level-là. Et je me rends compte assez vite que je suis en train de dire que de la merde et que je ne serai jamais prise et que je vais foirer ça. C'était mon premier casting de toute ma life et c'était tragique. C'était un casting pour Burger Quiz ou rien à voir? Ouais, un casting candidat pour Burger Quiz. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, petite anecdote, juste, je me permets, Florence Foresti. Ouais. Est une candidate ouais. de la première saison de Burger Quiz, on la voit candidate. Là, moi, j'ai foiré, elle a réussi cette année-là, tu vois. Ça s'est joué à ça. Mais par contre, attention, elle peut-être n'a pas gagné la Jeep Renegade. Ah, non. Voilà. Et non, mais c'est très drôle parce qu'il y a deux jours, je dois pas dire ça. parce que c'est un peu ma cantoche. Mais bref, j'étais en train de bosser machin, et en partant, je croise François Civil. Et je dis merde, je le reconnais. Et lui me reconnaît aussi parce que je serais pas allé le genre hyper cool. Je me permets, François Civil, en fait, qui était dans ton équipe au moment du Burger Quiz. Je me dis, merde, c'est le mec. Et avant de me dire François Civil, je dis, putain, c'est le gars qui m'a fait gagner une Jeep. Alors que j'étais François Civil tout court. Mais c'était quand? Mais je le réduis à la Jeep. Bah, c'était il y a un an et demi. Ouais, ouais. Un peu avant l'été. Ah, c'est ça, un an. Il y a un an et demi et je l'ai touché. Il y a un an. Tu l'as vraiment reçu, la Jeep? Ouais, il y a même pas un an, en mai dernier. Plusieurs verres d'eau au gaz, c'est quand même une Je l'ai reçu en avril 2019. Ah ouais. Ouais. Et c'était top. J'étais tellement heureuse. Ah non, c'était génial. Et enregistré le 29 mai 2018. Je me rappelle de la date, putain, c'est ouf. Ah, ils mettent du temps quand même à te la filer. Oui, alors ça c'est normal. Tu l'apprends quand tu signes pas le contrat, yeux, quand tu arrives. Mais... Non, mais quand tu arrives à l'émission, tu dis si vous gagnez la Jeep, ça met 10 mois à un an. Voilà, donc moi ça met 10 mois réellement. Si tu comptes dessus pour repartir de l'émission, t'es marron. Ah, t'es marron. Mais prends tireur, hein. Enfin, non, pas plus. Non, alors ça. Ouais, super, on le monde. Et donc en fait c'est juste un questionnaire, et là encore aujourd'hui on pouvait le faire, que tu remplis sur internet, un truc de candidat normal. Et moi dessus j'avais mis que j'étais graphiste parce que bah, c'est ton métier à la base. C'était mon premier métier, ouais. de tout début de bébé. Et sauf qu'il y a un mec qui m'appelle, il dit oui bonjour, j'ai lu votre mail. Et moi j'ai écrit dans mon mail voilà, que j'avais raté le casting en 2000, à 18 ans, machin, gna, gna, gna. Enfin bref, prenez-moi, il faut que je venge ma blessure narcissique d'ado. Bien sûr. Quoi. Et voilà. Et donc le mec, ça lui plaît ça. Et il me dit mais alors vous êtes graphiste? Et j'entends, tu sais, ses doigts sur le clavier. T'as Sophie Garrick, je dis ouais, alors je suis un tout petit peu youtubeuse aussi, enfin, j'ai fait un petit truc, mais tout petit. Il me dit ah ouais, 25 millions de vues quand même. Ouais. Je dis ah merde, je fais ça jamais passer parce que ils vont croire qu'il y a de la contente. Oui. Le meufisme, c'est coproduit par Canal, même si c'est plus Burger Quiz Canal machin. Ouais. Mais tu dis putain, ça va être mort. Et là, ça le fait marrer. Et il voit en fait Élodie Frégé qui était un guest du meufisme. Et le mec, le caster, est fou dingue d'Élodie Frégé. Bien donc sûr. Il se dit ah, attends. Il dit bon, j'en parlais au Grand Miam, qui en fait est Alain Chabat, ça on te le dit après. Ouh. J'en parlais au Grand Miam, on va voir si on peut faire un truc de youtubeur. Et en fait, ils m'ont trouvé un gars de Twitch. D'accord. Ah. Et, ils m'ont appelé 15 jours après pour me dire, OK, tu seras dans un combat genre de digital. OK. Pas mal. Influenceur, entre guillemets. Et donc, il y aura le YouTube versus Twitch. Très bien. Et YouTube a gagné, mon pote. Eh, bam, bam, bam. Mais parce que j'ai gagné le TOS au début et que j'ai pu choisir mon équipe. Et c'était Pierre Niné, François Civil. Et... Allez, le meilleur moment. Ouais. Et c'est sans eux, j'allais pas à la Jeep. Hein. Et bon, par rapport à toi, Pierre Niné, c'est quoi? Si tu veux comparer à un membre de ta famille, par exemple. Alors, Pierre, aussi bien que François, d'ailleurs, des frérots. Des frérots, les deux sont des frérots, évidemment, bien sûr. Des frérots de basket. Les amis, c'est la fin de ce podcast. Oh. Merci beaucoup de la présentation. Ouais, c'est trop long. Mais wow. Peut-être très vite. Alors très vite. Rapidement. Gaël. Quoi? Alors, le problème, c'est que t'es le seul à faire ton jeu. Non, c'est quoi? Attendez, on le fait à deux. On le fait à deux. Vas-y, redis Gaël et on le fait tous les deux. Ok. Bah là, du coup, tu le. Bon, ok. Gaël. Quoi? Non, mais je suis d'accord, les règles, on a compris. On est là. Les gens ne sont pas dupes. La série Watchmen. Quoi? Pardon. Ah, la série Watchmen. D'accord. Fantastique. Wow. Très très bonne série. Vraiment, vraiment. OCS et HBO. Et je j'ose la mettre number one de toutes les séries que j'ai vues en 2019. Waouh. Je crois que je te suis. Je l'adore. C'est trop fantastique beau. De bout en bout. Il faut que je regarde. Super. Absolument. C'est vraiment, vraiment du génie. De toute façon, c'est HBO, donc déjà. C'est souvent bien. On est HBO bien. Est gage de qualité. Sophie Je viens de voir Dracula, 3 épisodes Netflix. Je suis pas du tout adepte du gore et des vampires, et pourtant j'ai surkiffé. Très très bon jeu d'acteur. Le gars de The Square, c'est ça? Ouais, et la le nana. Gars de The et aussi, merde, je sais plus le nom de l'actrice principale, démente. Vraiment, petit l'épisode bravo. 2 est le meilleur sur les 3, oufissime. La nana de plus belle la vie. Voilà, c'est ça. Et mise en scène pas du tout inintéressante, et surtout, ils ont réinventé un peu la légende. On n'a pas vu cette histoire en vrai. De Dracula, elle n'existait pas. Et c'est sur Netflix, ça? Ouais, Netflix. C'est vachement bien. C'est très gratos. Bien. Enfin, du coup, c'est Netflix. Julien Josselin, je réfléchissais rapidement. Cinéma, la vie scolaire, play. Parce que je crois qu'on en a pas parlé assez. Non. De très bon film français. Bah, la vie scolaire, je crois que maintenant il est en DVD. C'est ça, il doit être sorti en DVD. Ah, t'as vu Play ouais. Et Play, très cool. Play, ouais. Moi, Play aussi, c'est super. Le biopic de Guillaume Play. Ouais, c'est ça, exactement. Très très bien. Interprété par Jimmy Labeu. Du coup, ouais, c'est ça qui est fou. S'ils se connaissent bien, du coup. Et j'avais un autre truc, mais je vous le dropperai tout à l'heure parce que j'ai oublié. Mais Play, c'est vachement bien. Si il passe près de chez vous, s'il passe près de chez vous. Ouais, franchement, très bien. Je trouve j'ai peur, j'espère que ça va marcher. J'ai pas regardé les chiffres, mais voilà. Tu sens que c'est des genres de petits films très cool qui sont malheureusement pas assez vus. Et voilà. C'est le genre de films qui sont typiquement faits par des mecs de notre génération. Enfin, des mecs et des meufs de notre génération. C'est-à-dire que moi, je trouvais qu'il y avait des blagues où j'étais dit, ah putain, on peut faire ces blagues-là. Il y a tout un truc où ils chantent du Slipknot. Ouais. J'étais là, genre, putain, on chante du Slipknot dans des films français maintenant. Ça y est, on peut quoi. Enfin, ouais, c'est assez, ça m'a fait assez kiffer. Ouais, puis original dans la forme aussi, déjà quoi. C'est complètement. Et qui tient, enfin, il tient son coup pas inspiré des Américains ou quoi. Original. Je me posais la question parce que la bande-annonce est hyper bandante et moi j'avais peur d'être déçu. C'est vraiment cool. Pour expliquer très rapidement, c'est vraiment Max Boublil qui remate sa vie, qui est un mec qui a tout filmé dans sa vie en VHS, mini DV, etc. Et tout. Et il se dit j'ai besoin de tout remater. Il filme ses cassettes, il a une tonne de cassettes au début et il remet vraiment tout dans l'ordre. Bon, évidemment, c'est monté, hein, c'est pas les rushs. Mais donc c'est monté, mais tu le regardes vraiment tout dans l'ordre chronologique. Il n'y a aucun écart. Enfin, oui, il y a des petites subtilités, mais globalement, c'est ça le film. Quoi. Et Arthur, qui est un ami, qui est très bien dedans, très bon, qui est super dedans. Un frérot, un sang au niveau de ma veine, c'est le sang. Adrien. Alors moi j'ai découvert une chaîne YouTube aujourd'hui, mais elle est japonaise et le nom de la chaîne est en japonais, donc je ne peux pas la recommander. Tu peux me dire ce qui se passe? Tu l'as pas googlisé, juste. Mais non, mais en copiant collant le titre peut-être. C'est avec des symboles. Quoi. C'est avec oui. C'est... Mais tu copies colles les symboles, ça va te donner une traduction au moins. Ah, dans Google Trad. Bah oui. Bah ouais, non, mais j'ai écrit là. Je suis sûr que les auditeurs vont le trouver. Non, mais ça sera ma reco du prochain épisode. Mais c'est une chaîne de cuisine. C'est une chaîne de cuisine. Voilà. En vue en POV. Et en fait le mec adore les petits tous les gadgets. Il a plein de gadgets marrants et il utilise tous ses gadgets pour faire bouffer. Il est un peu inspecteur aussi. Non, il est juste cuisinier amateur. Ce serait trop bizarre si c'était inspecteur alors qu'il fait de la cuisine sur peut-être internet. Peut-être inspecteur de l'hygiène dans les cuisines. Non, parce qu'il a des gadgets, du coup ça ferait l'inspecteur gadget. Mais quoi, les gadgets, c'est des trucs pour faire des œufs en forme de dinosaures, tout ça? C'est plein de. Il a plein de. Enfin. Un hélicoptère dans le chapeau. Non, mais tous les trucs. Il a pas. Un économe. Il est un économe. Non, mais il a pas un truc qui est classique, quoi. C'est-à-dire qu'un économe. Il est classique. Il a deux économes. C'est pour dire que s'il a un économe, c'est un économe Star Wars, ou c'est un économe en forme d'ourson, ou c'est un truc machin. Mais il a tous les trucs qu'il utilise. Et il a plein de. Il a une machine faire pour faire de la. Il a des couilles en or parce qu'il base tous les links derrière pour acheter les ustensiles. Même pas. Est-ce qu'il est vegan? Alors c'est pas vegan, mais. Y a pas... Donc là, s'il y a de la découpe de foie gras, ça te gêne pas? Si c'est avec un économe Star Wars ou un couteau Rick et Morty, tu t'en fous. De quoi? Tu étales le foie gras avec un économe? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit un couteau Rick et Morty, après je me suis repris. Non, non, mais c'est un jeu. Calme-toi, non, non, bah, calme-toi, Gaël. Non, non, mais c'est important. Calme-toi. Non, c'est important. Calme-toi. Non, c'est important. Tu te calmes. Tu peux supporter donc de voir des gens. Calme-toi. Bah oui, oui. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui, oui, oui, bien sûr. Oui. Bah, je tourne pas de l'œil quand je vois de la viande. Hein. Tu peux prendre du plaisir. Sur une chanson de la Souchon, quelqu'un prépare. Bah, quand il y a de la viande, je suis moins fan, quoi. C'est, ça me parle moins, mais. Mais tu regardes quand même. Je peux regarder. Mais en fait, il y en a pas beaucoup de la viande de ce que j'ai vu. Et puis il égorge pas un poulet en direct. Voilà. Celle que j'ai vu, il faisait beaucoup. Il fait beaucoup des ramen. Des trucs machin avec des œufs, donc il y a des œufs. Ramène ta fraise. Mais oui. Et voilà. Non, il y a ça et un jeu sur Switch qui s'appelle Streets of Rogue. Ah. Qui est c'est un roguelike, roguelite même on dit là en l'occurrence parce que c'est pas genre hardcore comme les vrais roguelite. Roguelike, putain. Hardcore comme les roguelike, un album de Rof. Et non, moi, en gros, moi je sais pas ce que c'est. Il veut plus, il veut alors, plus les, qu'il y ait les roguelike. ça tient son nom d'un jeu, un très très vieux jeu qui s'appelait Rogue. Ouais. Et en fait, le principe c'est que tu. je l'ai. Non, et en gros, le truc principal c'est en fait, c'est t'explores des donjons. Ouais. Les donjons sont générés de façon aléatoire. Et en gros, donc tu évolues, et si tu meurs, c'est terminé. Ah oui, j'adore. Voilà. Et du coup, ça a donné naissance à plein de jeux du même genre. Et là, Streets of Rogue, c'est. Tu peux rejouer, il faut préciser quand même aux gens. Oui, tu peux rejouer. Tu rejoues, là, c'est fini. Tu peux rejouer, mais tu repars à zéro. Ouais, tu repars avec un autre personnage. La cartouche explose dans. Ouais. Elle fume, quoi. T'es mort. Et donc là. 60 balles, allez, ciao. Et là, en l'occurrence, c'est un Rogue Light. C'est-à-dire que, effectivement, si tu meurs, la partie est finie. Tu meurs pas vraiment. Mais tu peux quand même, en gros, plus tu avances dans ta partie, point de sauvegarde. Plus tu collectes des points spéciaux. Et avec ces points-là, tu peux débloquer des trucs pour tes parties suivantes. Ah, donc tu reviens plus fort. Donc tu reviens potentiellement un d'accord. peu plus fort, mais pas masse plus fort non plus, quoi. Enfin, c'est assez bien fait à ce moment-là. Et en fait, t'as plein d'archétypes de persos que tu peux incarner. Et chaque personnage a des actions qu'il peut faire, trucs spécifiques et tout. En fait, c'est hyper riche. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que vraiment tout est généré. C'est-à-dire, le niveau, c'est généré. Tous les persos qui sont dedans sont générés. Enfin, tout. Et c'est trop bien. Et en fait, il n'y a aucune partie qui se ressemble parce que comme c'est. Et en gros, toi, tu dois. Là, c'est vrai. Et même les missions sont générées. C'est-à-dire tu dois récupérer tel truc à tel endroit, mais c'est totalement aléatoire et tout. Et du coup, il y a vraiment. À chaque fois, c'est toi qui dois établir ta stratégie pour remplir les missions et tout. Et c'est vraiment trop bien. Génial. Tu peux même aussi créer ton propre archétype non, de personnage. Ça non, ça non. Non, là, c'est trop là. Mais non, André, allez, ça c'est faux. Je fais micro parenthèse de 20 secondes, j'ai retrouvé le nom de la chaîne YouTube que je voulais, c'était Pitch Meeting, voilà. Ah oui, c'est très bien. Pitch Meeting, c'est très drôle. Ouais. C'est très très drôle. Et moi, je vous conseille le film The Farewell. Farewell Madani. Farewell Madani. Williams. Farewell Williams. Ouais, c'est toi qui as gagné, gars. Ou L'Adieu en français, qui est un film A24. J'ai acheté un pull A24. Et de Lily Wong. Là, clairement, c'est une OP. Là, c'est... Plus, quoi. Comme le truc de Julien, de Jules Fou avec Jumanji. Une OP, une énorme. Jumanji. C'est un film de Lulu Wong. Et c'est une, c'est pas vraiment une comédie, mais c'est un film super sur la famille. Dramédie quoi. En Chine. Ouais, mais en même temps, c'est pas si drôle. Enfin, il y a deux vannes, je pense, mais qui sont très drôles. Un drame. Non, parce qu'en fait, il y a absolument. Non, c'est mais pas vraiment un film d'action parce qu'il y a pas d'action. Bon, c'est pas. Il y a deux. J'ai dit il y a deux vannes. Arrête. Et non, et c'est vraiment un chouette film. Et c'est un film sur la famille en Chine. Et c'est vachement bien. Moi, je connais. Ah, mais oui. Et je connais très peu ce qui se passe en Chine. Et par exemple, en fait, le pitch de départ. Pour c'est les Français, gros, ça s'appelle L'Adieu. L'Adieu, ouais, ouais. Et le pitch de the départ. Goodbye, mais non, le c'est titre chinois. Mais non, c'est non, mais Farewell, justement. Oui, mais parce qu'il y a aussi. Enfin, au Canada, c'est, ils mélangent un peu. Ils francisent tout, ils ont. Ouais. Enfin, non, ça voilà. S'appelle Very Bad Goodbye en anglais. Et donc, en fait, ça t'apprend des trucs sur la Chine que moi je ne savais pas. Parce que le pitch de base, c'est qu'en fait, une vieille dame de la famille, la grand-mère de la famille, est atteinte d'un cancer. Sauf qu'en fait, en Chine, il arrive de cacher aux personnes âgées qu'elles sont malades. Et donc, du coup, en fait, ils ne disent pas et les hôpitaux sont d'accord. Et donc, du coup, la grand-mère a un cancer. Toute la famille le sait, sauf elle. Et ils vivent du temps ensemble. Voilà. Oh. Et donc, c'est un très beau film. C'est moche. Et ils décident de ne pas la soigner. Et bah, bon, je veux pas trop elle en dire chimio, sur le film. Mais non, mais c'est pour la blague. Vous avez rien, madame, allez. Bonne journée. Il déguise un docteur en coiffeur. En coiffeur. Je me sens mal en fait. Attendez, je vais vous couper juste un peu les pointes. Il lui plante un truc dans le cathéter. Je suis en train de mourir en fait. Soignez-moi peut-être. Vous n'avez rien, madame. J'ai perdu 30 kilos. Non. Et ben non mais tu fais du sport quand tu te lèves. Faux, t'as moitié du visage qui ne fonctionne plus. Donc, aidez-moi. Mon cou a doublé de volume. Allergie, sûrement. Une guêpe. Mais j'ai envie de voir ce film-là, j'espère que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, The Farewell, l'adieu, que je vous conseille et qui ne doit pas être dans énormément de salles, mais s'il passe vers chez vous, profitez-en. Parce que voilà, et l'actrice principale est très forte, mais tous les acteurs sont super. Dramédie. Et c'est un peu une dramédie. Ouais. Dramédie, le groupe. Je reste ghetto. Bah voilà, c'est la fin de ce floodcast. Merci à tous. Nous étions avec Sophie Garrick, qui du coup travaille sur ses projets qu'on devrait arriver. Donc là, tu les développes en 2020, mais on aura plus de chances de les voir en 2021, peut-être. Oui, c'est ça. Là. C'est plus ça. Oui, oui. Ils sont produits en 2020, ils sont diffusés en 2021. Tu reviendras nous en parler, oui, bien sûr. Grand plaisir. Julien Josselin, oui. Askip, tous les lundis. Exactement. Mon TikTok pour les plus braves, pour les plus audacieux. Pour ceux qui savent rire de tout, hein, tout bonnement. Hein, pour ceux qui n'ont pas peur de. Voilà, hein. Ah, c'est pas pour les GW, attention. Ça sort un petit peu des sentiers battus des fois. Voilà, et puis tu prépares aussi des projets de ton côté, mais pareil, qui vont peut-être pas arriver tout de suite. Ouais, non. Si, le plus proche, là, ça vient de popper un peu, mais j'écris sur une série Amazon qui a été annoncée récemment. Cool. Oui. J'en mets. Super. Voilà. Gaël McTube. Toi, tu as le Bat et Gaël Show, du coup ? Ouais, actualité chaude, c'est le Bat et Gaël Show, donc à partir de février, dans le live. Et la bande dessinée, toujours disponible. Bande dessinée, puis d'autres projets de BD, d'autres projets de série, un dessin animé aussi en prépa avec Bat, peut-être. Un truc qui n'a rien à voir, un nouveau projet. Mais c'est le début. Donc un truc sur l'histoire de France. On en parlera en 2027. Trop bien. Avec Laurent Dutch. Et Adrien Mignel, donc La Bonne Auberge. La Bonne Auberge. Il y a une récurrence sur La Bonne Auberge. Oui, alors c'est tous les premiers dimanches du mois. Trop bien. Sur Switch. Allez. Je suis vieux. Ok, boomer. J'étais déjà sur le store, mais il n'y a pas l'application, j'aurais adoré jouer. Elle y est. En fait, j'ai fait une erreur. Il y aura une appli Switch qui va sortir, mais en attendant que ça sorte, c'est bien sur attrapé. Twitch. Ok, d'accord. Ok. Tous les premiers dimanches Twix, du mois. Sur Twix. Sur Twix. Sur Twix. Voilà. Sur Click, l'émission de Mouloud Achour. Et ça se passe la nuit, sinon c'est Nightwish. Et en replay, Guillaume Ripley, le film. Guillaume Play. De toute façon, plus personne nous écoute. Hein. Voilà, en replay. Je me présente. Ah oui, Je te, la première fois, je te laisse l'ordi, tu le lances. Et en replay sur YouTube sur la chaîne Le Bon Nerd. Exactement. Voilà, qui vient de sortir. Donc vous allez sur la chaîne YouTube de Lucien, il est pas tout seul, mais c'est un peu lui, j'ai l'impression, la figure de proue. Enfin, en tout cas, il y a plein. Idée. Et moi, j'ai participé aussi, d'ailleurs, toi aussi, Julien. Oui, on a participé à. Moi, c'était La Bonne Pioche. Et toi, je me souviens plus du nom, mais c'est l'émission. On a joué à des jeux de société. Non, mais toi aussi, c'est ça, c'est avec Joim. Ouais, Joim, exactement. C'est La Bonne Pioche. Et on s'est tapé une bonne grosse barre, mon pote. De rire, en plus. J'en pouvais plus. De rire, attention. Pas de barre. Non, il s'est pas fait mal. Pas du tout. Et puis sinon, toujours deux séries qui sortent dont je. Enfin, Derby Girl, mais qui sort, on sait pas. Et là, c'est et une autre, je sais quand, mais je bah, ils ont quand même dit que c'était en février, non juste ouais, pas du tout. Ah ouais, non. Apparemment, pas du tout, beaucoup plus tard. Et quant à moi, Pitch, toujours sur Canal Pitch et sur YouTube. Faut le dire comme ça, ouais. Ça se dit comme ça. Bah, en fait, si tu le dis en voix grave, c'est un autre programme. C'est les brioches. Ouais, c'est les brioches. Donc, Pitch sur Canal et sur YouTube, le spectacle de Baptiste Le Caplain. Et voilà, t'as aussi un podcast, peut-être tu peux en parler, les gens s'ils sont intéressés pour aller écouter. Et en l'occurrence, n'hésitez pas à écouter le prochain épisode qui sera peut-être un petit peu particulier, Adrien, mais on n'en dit pas plus. Ce sera le prochain. Bah, c'est celui dans lequel je suis pas. Bah, si, t'es là. Non, c'est une blague, c'est pour dire. C'est sûr, c'est un spécial Eragon. C'est un spécial Eragon. Non, il est un peu particulier, je pense qu'il vous fera plaisir. Ouais. Donc voilà, bah, alors, écoutez, on vous fait des bisous et écoutez, merci à tous. Merci d'être venus. Merci, mon grand. Bye. Ciao. Doit être un chat. Je me présente, je m'appelle Pierre. Mon DUT, génie électrique informatique industriel, afin d'avoir une situation stable. Être aimé. Jacquet. Être beau, gagner 2 pas le métal, hein. L'outil de régulation des échanges économiques. Puis surtout être installé confortablement. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à Buffalo Grill. Et partout dans la rue. Pas cette rue-là, mais juste derrière. Je veux qu'on parle deux langues, l'allemand et l'italien. Que les filles soient deux langues, l'allemand et l'italien. Qu'elles se jettent. Franchement, point.